Émilie Trigo, Vincent Doucissé, John Jibiro, Hissène Ounissi, Yasmina Sadoud, Choki Haddad, Edith Félix, Brahim Akour, Merlehan Georges, Grégoire de la Gannerie, Anne Gerval, Brigitte de la Perelle, Daouda Keïta, Jean-Claude Oliva, Valérie Bille, Yalana Dino, Abdelkrim Karmaoui, Anne de Rugy, Frédéric Gavin, Donné Pouvoir, Édouard de Noël, Mariem Diop, Kaline Tribi, Camille Chahir, Mamadou Sida m'a donné pouvoir, mais il est présent. C'est pas grave, ça arrive au meilleur, Titi. Manon Chrétien, Zora Kelly, Mona Bellil, Jules Raguenaud, Sébastien Gricourt, Mohamed Jenan, Sébastien Stalens, Pierre Vionnet, Angine Desbordsilly a donné pouvoir à Solène Le Bourris, Anne Norgui, que nous accueillons ce soir et que nous saluons, Denis Barjot, que nous accueillons ce soir et que nous saluons également. Je vous propose de désigner comme secrétaire de séance Manon Chrétien. Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions? C'est approuvé. J'ai une demande d'intervention de Mohamed Jenan. Mohamed, merci, Monsieur le maire. Depuis l'élection de Trump, on assiste à de grands bouleversements en France, en Europe et dans le monde. Des bouleversements profonds et rapides qui traversent toutes les sphères de la société. Nous entrons dans une période périlleuse où la collision entre intérêts généraux, humains et environnementaux et les intérêts de la minorité des détenteurs du capital est de plus en plus frontale. Et toutes leurs annonces, les uns comme les autres, servent d'abord à déployer la guerre sociale, la guerre aux travailleurs et aux retraités. Avec mes camarades, Anne-Laure et Solène, nous voulons faire cette déclaration. Monsieur le maire, mes chers collègues, à l'occasion de ce conseil municipal et de ce débat d'orientation budgétaire, nous devons nous prononcer avec force contre les annonces du président de la République qui veut nous entraîner dans une économie de guerre. Nous savons trop bien ce que cela signifie pour nos villes populaires. Derrière les discours martiaux et la surenchère verbale autour de l'économie de guerre se cachent les intérêts des capitalistes. Pour eux, la guerre, c'est une aubaine, ça rapporte. La guerre est un bon moyen pour eux pour faire accepter l'inacceptable. Augmenter le temps de travail, restreindre l'accès à l'assurance chômage, ne faire partir à la retraite plus tard, des coupes budgétaires dans les services essentiels, une précarisation accrue de nos concitoyens et une aggravation des inégalités sociales et territoriales. Dans cette logique de réduction des dépenses publiques, c'est la casse de la fonction publique et des services publics qui est à l'œuvre. Une attaque méthodique menée par ce gouvernement qui s'inscrit dans une volonté plus large de remettre en cause un modèle social fondé sur la solidarité et l'intérêt général. Nous le répétons, les dépenses considérables pour le réarmement ne pourront être supportées par nos populations au détriment des investissements pour la santé, l'éducation, les services publics ou encore la bifurcation écologique, pour lesquels, comme par hasard, il n'y a jamais d'argent, alors que pour le réarmement, ils trouvent facilement des milliers d'euros. Nos populations ne peuvent accepter de nouvelles régressions de notre modèle social. Celles-ci fracturaient davantage la cohésion sociale dans notre pays, ce qui reviendrait à offrir le pouvoir sur un plateau à l'extrême droite et ouvrir la porte aux pires reculs démocratiques et sociaux. La droite et plus largement les forces néolibérales ont toujours cherché à affaiblir la fonction publique et ses agents, car elles privilégient le marché, la loi du plus fort et l'individualisme. Or, nous savons que les services publics ne sont pas un luxe. Ils sont une nécessité pour garantir l'égalité d'accès aux droits fondamentaux. Je tiens à rappeler que le statut de la fonction publique a été adopté en 1946 sous l'impulsion du ministre communiste Maurice Thorez. Mais ce n'était pas seulement l'œuvre d'un homme. C'est une réponse historique à une bourgeoisie et à une haute administration qui, dans sa majorité, avait collaboré avec l'occupant pendant la Seconde Guerre mondiale. L'indépendance des agents publics, acquise dans ces conditions, ne se discute pas et se négocie pas. Aujourd'hui, alors que l'extrême droite est aux portes du pouvoir, casser ce statut pour des considérations comptables est une décision lourde de sens. Une administration indépendante est un rempart contre l'arbitraire et l'injustice. Comme le disait justement Jean Jaurès, le service public, c'est le patrimoine de ceux qui n'en ont pas. À Bagnolet, comme dans de nombreuses villes populaires, nos habitants ont besoin de plus de services publics, pas de moins. Ils ont besoin d'écoles bien dotées, de services de santé accessibles, de transports fiables, de logements dignes et abordables. C'est pourquoi je propose que notre ville engage une réflexion globale en concertation avec les agents et les usagers pour renforcer ce patrimoine commun. Il est de notre responsabilité de défendre et développer des services publics qui favorisent la redistribution des richesses et garantissent l'accès aux biens essentiels. Les Bagnoletaises et les Bagnoletais méritent une ville qui s'engage contre les logiques de destruction sociale et pour un service public fort au service de toutes et tous. Nous ne financerons pas une guerre que nous n'avons pas choisie. Et enfin, il nous appartient de trouver la voie pour nous faire entendre. Nous devons refuser d'être associés à cette guerre qui se profile et que nous financerons par nos sacrifices. Je le disais plus haut. Mais surtout, par le sacrifice de nos enfants qui serviront de chair à canon. Nous devons faire entendre notre voix et refuser cette société de repli et de l'austérité. Bagnolet ne doit pas céder aux logiques de guerre et de destruction sociale. Je vous remercie. Merci Mohamed. Donc nous allons engager un cycle de travail avec les agents communaux et j'ai d'ores et déjà démarré une série de rencontres et effectivement, je pense qu'un états généraux du service public au moment où le gouvernement s'attaque de manière importante et on le voit avec ce décret sur notamment les arrêts de travail, je pense que ça me paraît être quelque chose d'important. Rapport numéro 1, procès verbal du conseil municipal du 6 février 2025. Est-ce qu'il y a des observations, des remarques? Je propose de passer aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé. Je vous remercie. Nous allons installer deux nouveaux conseillers municipaux et modifier le tableau. Et nous procéderons aux désignations afférentes dans la foulée. Donc je vous propose de prendre acte de l'installation de Dan Norgui en qualité de conseillère municipale et de Denis Bargeau en qualité de conseiller municipal. Donc il s'agit de prendre acte. Qui est contre? Qui s'abstient? Nous prenons acte. C'est approuvé. Il est à présent proposé de désigner un représentant de la ville à l'EPT Est Ensemble. Il s'agit d'un mandat qui a été confié à l'opposition en début de mandat. Le groupe Ensemble pour Bagnolet nous propose de désigner Solène Le Bourris. Est-ce qu'il y a d'autres candidatures? Il n'y a pas d'autres candidatures. Est-ce que certains souhaitent que nous procédions à un vote à bulletin secret? Non. Donc je vous propose d'approuver l'élection de Solène Le Bourris à l'EPT Est Ensemble. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé. Félicitations, Solène. Commission d'appel d'offres, rapport numéro 4. Donc nous avons reçu la démission de la CAO de M. Sébastien Stalens et il est proposé de désigner en membre titulaire Denis Bargeau et en membre suppléant Anne Lorgui en complément des membres déjà désignés en début de mandat. En l'occurrence, pour les titulaires Mamadou Sylla, Hissène Onissi, Choky Haddad, Edith Félix. Et en membre suppléant, Elham Chahir, Amit Chahir, Édouard de Noël, Jonji Biro. Est-ce que certains d'entre vous souhaitent que nous votions à bulletin secret? Non, je vous propose de passer aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé. Délibération suivante, commission municipale d'attribution des subventions aux associations. Il s'agit de remplacer un membre démissionnaire et le groupe Ensemble pour Bagnolet propose de désigner Denis Bargeau. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé. Commission municipale Bourse des locaux. Il s'agit de remplacer deux membres. Donc, ce sont les postes qui étaient fléchés pour Ensemble pour Bagnolet. Donc, le groupe Ensemble pour Bagnolet propose de désigner Mohamed Jenan et Sébastien Stalens. Est-ce qu'il y a d'autres candidats? Il n'y a pas d'autres candidats. Donc, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé. Les commissions municipales à présent. Donc, il s'agit de désigner des membres, les nouveaux membres des commissions, en l'occurrence la commission des finances. Donc le groupe Ensemble pour Bagnolet propose de désigner Anne Lorgui en complément de Solène Le Bourris et Pierre Vionnet Et la commission municipale numéro 2 est proposée de désigner Denis Barjot en complément de Sébastien Stalens et Pierre Vionnet. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé. Et je redis à l'opposition que le poste de vice-président de la commission des finances lui échoit toujours et que s'il souhaite la vice-présider, ils sont les bienvenus. Rapport suivant, rapport égalité femmes-hommes 2024, Caline Tribic. Bonsoir à tous. Tout d'abord, je tiens à remercier Malika Miloud et Thomas Pradlou pour cet énorme travail, ainsi que les RH et l'ensemble des services qui nous transmettent les données chiffrées indispensables à ce rapport. Les parties 1, 2 et 5 sont un récapitulatif et un bilan de nos actions, j'y reviendrai tout à l'heure. La partie 3 liste les données transmises par les directions concernant la population bagnoletaise. Si dans la majorité des domaines, on constate une relative égalité entre hommes et femmes, on peut noter qu'il reste une grande disparité dans le sport. En effet, certains sports restent très genrés, la danse, le fitness, la gym pour les femmes, les sports de combat pour les hommes. On peut néanmoins voir une amélioration de la mixité dans certaines disciplines, comme le basket, le judo ou le volley, qui témoignent d'une valorisation du sport féminin dans les politiques municipales, par exemple avec la proposition de créneaux spécifiques aux femmes. Nous poursuivrons nos efforts avec ma collègue Mona Bellil, par exemple en nous appuyant sur la lutte, sport emblématique de notre ville, et nos championnes ayant participé aux JO. La quatrième partie du rapport traite des agents de la ville. On constate globalement une égalité correcte, bien que devant encore progresser, sauf dans la répartition des emplois, ultra-féminisation de la filière sociale et médico-sociale, et à l'inverse, la filière technique qui reste très masculine. Un travail doit donc être effectué pour déconstruire les stéréotypes liés au métier. La bonne nouvelle, c'est que Bagnolet vient à nouveau d'être double lauréate du Fonds Égalité Professionnelle, comme l'année dernière, et qu'une formation en ce sens à destination des employés de la mairie va avoir lieu prochainement. Je voudrais également attirer votre attention sur l'index égalité professionnelle, qui est désormais obligatoire et pour lequel notre ville a reçu la note de 78 sur 100, qui est une note tout à fait correcte, à améliorer, mais correcte. Pour conclure, je reviens à présent sur nos actions et notre bilan. S'il reste encore énormément à accomplir, je voudrais rappeler certains faits marquants qui témoignent de notre engagement. Bagnolet a été la deuxième ville de France à adopter le congé menstruel, après Saint-Ouen, mais de manière radicalement plus féministe chez nous, car pas besoin d'être atteinte d'une maladie intra-utérine pour en disposer, avec besoin seulement d'un certificat médical sans motif et valable un an, et enfin sans délai de carence. Aujourd'hui, seulement 19 femmes de la municipalité bénéficient de ce congé, ce qui infirme les craintes d'abus qui avaient pu être formulées lors de sa mise en place. Deuxième point, Bagnolet a été la première ville de Seine-Saint-Denis à adhérer au dispositif anti-harcèlement de rue, ici demandé Angela. Aujourd'hui, c'est Saint-Denis et Montreuil qui nous emboîtent le pas, ce qui est une fierté. Troisième point, Bagnolet est la seule commune de France à être deux années de suite double lauréate du Fonds Égalité Professionnelle, fonds qui nous permet donc, malgré les limites financières que nous connaissons, de continuer à étendre nos actions. Je remercie vivement le maire, car il nous laisse à la mission et à moi-même une immense marge de manœuvre, nous fait confiance pour des actions parfois inédites et nous soutient amplement. Dans un contexte politique plus qu'incertain, la mairie de Bagnolet poursuivra, envers et contre tout, ce combat humaniste et féministe en maintenant son action auprès des agents et de la population en faveur de l'égalité femmes-hommes. Un combat qui s'inscrit dans l'ADN de la ville et permettra de faire de Bagnolet une commune où règne l'adelphité et la solidarité. Merci. Des remarques, des interventions. Solène Le Bourris. Monsieur le maire, chers collègues, je tiens tout d'abord à remercier les agents qui ont rédigé ce rapport, ainsi que Caline Tribic pour sa présentation. Cet exercice est essentiel pour mesurer les inégalités persistantes entre les femmes et les hommes, notamment dans notre département. Mais au-delà des constats, il faut agir, et c'est bien là le problème. Être une femme en Seine-Saint-Denis, c'est faire face à plus de précarité, plus d'inégalités, plus d'insécurité. Pourtant, malgré l'existence d'un ministère dédié, l'État agit trop peu. Pire, il laisse les collectivités, comme la nôtre, compenser ses carences. Notre département compte une proportion importante de familles monoparentales, dont près de 85% sont des femmes seules avec enfants. Ces mères cumulent les difficultés, salaire plus bas, temps partiel subi, logement précaire, une mère isolée sur trois vit sous le seuil de pauvreté. Pourtant, quelles mesures concrètes a prises l'État pour elles ? Où sont les politiques publiques fortes pour garantir leur autonomie financière et leur sécurité? L'accès aux soins est une urgence pour les habitants de Seine-Saint-Denis. Nous avons le taux de médecins généralistes et spécialistes le plus faible d'Île-de-France et les femmes des classes populaires sont les premières à renoncer aux soins, faute de temps, de moyens ou de structures adaptées. L'État a-t-il réagi ? Nous attendons toujours un véritable plan de rattrapage alors que la précarité sanitaire s'aggrave. Se déplacer dans l'espace public ou prendre les transports en commun reste un défi pour les femmes. Plus de la moitié des franciliennes déclarent se sentir en insécurité dans les transports. En Seine-Saint-Denis, les chiffres des agressions restent préoccupants, notamment en soirée. Pourtant, que fait l'État ? Alors qu'il a réduit les effectifs de police et abandonné certains quartiers, il laisse nos collectivités assumer seules la charge d'améliorer la sécurité des habitantes. Les discours ne suffisent plus. L'égalité femmes-hommes ne peut pas être un simple affichage institutionnel du 8 mars. Il faut des moyens, des décisions, des politiques publiques ambitieuses. Malgré les efforts au niveau local, les moyens restent insuffisants face au manquement de l'État. Il est indispensable que des actions plus ambitieuses soient engagées à l'échelle nationale, car les collectivités ne peuvent pas porter seules cette responsabilité. Nous demandons des engagements concrets. Un soutien financier massif pour des familles monoparentales et la création d'un dispositif pour accompagner ces femmes vers l'emploi et le logement. Un renforcement des structures de santé de proximité avec une attention particulière aux besoins des femmes en situation de précarité. Un plan d'urgence pour la sécurité avec plus de moyens humains et matériels pour protéger les femmes dans l'espace public. L'égalité ne doit pas être une promesse creuse, mais une réalité tangible pour toutes les femmes, y compris celles de Seine-Saint-Denis. Il serait irresponsable de parler d'égalité femmes-hommes sans aborder une autre réalité, celle des discriminations que subissent certaines femmes en raison de leur origine, de leur couleur de peau ou de leur choix personnel. Parmi elles, celles qui portent un signe distinctif de leur identité ou de leur conviction sont particulièrement exposées aux préjugés, aux discriminations à l'embauche, aux contrôles abusifs et parfois même aux agressions. Cette réalité ne peut être niée ni minimisée. Mais posons les choses clairement. Défendre les femmes contre les discriminations, ce n'est pas faire du communautarisme ou remettre en cause les principes républicains. C'est au contraire rappeler que la République est celle de l'égalité et de la dignité pour toutes et tous. Le combat pour les droits des femmes ne peut être sincère que s'il est universel. On ne peut pas d'un côté prôner l'égalité et de l'autre accepter que certaines femmes soient mises à l'écart de l'emploi, de la formation, de l'espace public, simplement en raison de ce qu'elles sont ou ce qu'elles portent. Notre département est un territoire riche de sa diversité. La Seine-Saint-Denis est un modèle de vivre ensemble où des femmes de toute origine, croyances et parcours construisent chaque jour notre société. Nous devons être fiers de cette diversité et la défendre contre celles et ceux qui voudraient en faire un prétexte de l'exclusion. Là encore, l'État a une responsabilité. Trop souvent, il entretient un climat de défiance au lieu de garantir réellement l'égalité des droits pour toutes les femmes, sans distinction. Nous demandons donc des politiques publiques ambitieuses pour lutter contre toutes les formes de discrimination. Parce que l'émancipation des femmes ne peut être un privilège réservé à certaines, mais un droit inaliénable pour toutes. Enfin, je voudrais terminer cette intervention en rappelant qu'il y a 50 ans, Simone Veil menait un combat historique pour le droit à l'avortement. Un combat qu'elle n'a pas mené seule. Parmi celles qui ont défendu cette avancée essentielle pour les droits des femmes, Jacqueline Chaunavel, première femme maire d'une ville de plus de 30 000 habitants, a joué un rôle clé en tant que députée siégeant à la commission qui a porté cette loi. Son engagement pour l'égalité, son courage face aux oppositions d'alors méritent aujourd'hui d'être salués. En Seine-Saint-Denis, comme ailleurs, nous sommes les héritières de ces combats. Celles et ceux qui, il y a 50 ans, ont fait avancer nos droits nous rappellent que rien n'est jamais acquis. Aujourd'hui encore, ces droits sont attaqués, remis en question. L'égalité femmes-hommes ne se décrète pas une fois pour toutes, elle se défend chaque jour. Alors poursuivons le combat, ici dans notre ville, dans notre département, et rappelons sans relâche que les droits des femmes ne sont pas une option, mais le socle d'une société juste et progressiste. Je vous remercie. Merci. D'autres interventions ? Edith Félix et Anne de Rugy. Merci. C'est une excellente chose que la loi impose la présentation de ce rapport à la même époque chaque année autour de la Journée internationale pour le droit des femmes. Nous sommes dans un contexte de grande régression pour les femmes. C'est maintenant le tour des États-Unis, de plonger dans une politique obscurantiste où les chercheuses et les chercheurs et l'administration fédérale doivent bannir de leur vocabulaire le mot de femme, ainsi que toute une liste de mots utiles aux études relatives aux sous-représentations, aux minorités, aux questions de genre et à la crise climatique. On se sert de l'intelligence artificielle pour détecter les contrevenants. Ce rapport retranscrit la politique de la ville pour l'égalité femmes-hommes. On peut y saluer une large diversité d'actions qui montrent une vision transverse et des actions ciblées. Nous saluons particulièrement cette année, après plusieurs années d'attente, l'implémentation du dispositif de signalement des violences faites aux femmes en tant qu'agentes de la ville, pour briser la loi du silence et créer un environnement de travail sain. Ce dispositif, nous le savons, est malheureusement nécessaire. Et nous attendons du prochain rapport qu'il fasse état du nombre de sollicitations dont il aura fait l'objet. Excusez-moi. Je veux aussi mentionner le travail réalisé dans les collèges de la ville pour sensibiliser les enfants à un âge où cette question d'égalité devient un véritable enjeu. Suite aux ateliers de sensibilisation sur l'égalité filles-garçons, une émission de radio de 35 minutes a été élaborée par le club Midi Média du Collège Travail. Bravo les jeunes et merci à leurs professeurs. Dans la feuille de route 2024-2026, deux axes sont porteurs d'enjeux sur l'espace public. L'axe 1, diffusion d'une culture de l'égalité et d'une approche intégrée à l'échelle de la municipalité, comprend un enjeu qui est poursuivre le travail sur la féminisation des lieux publics. L'axe 2, lutter contre les violences faites aux femmes, comprend un item qui est rendre l'espace public plus sûr. Comme adjointe à la voirie et aux mobilités, je porte également la conviction que l'espace public doit être apaisé et sûr pour toutes et tous. L'on constate que les professions d'aménagement de l'espace public évoluent et prennent désormais un peu mieux en compte les piétons, les personnes à mobilité réduite, les mobilités douces et plus récemment encore la nature en ville et pas encore vraiment les eaux pluviales. Le traitement de la question de la place des femmes dans l'espace public n'est pas encore systématisé, ce n'est pas encore un réflexe, alors qu'il faut reconnaître là un enjeu spécifique, puisque la culture de l'espace public est dominée par le masculin. Enfin, il y a un chapitre supplémentaire à ajouter à ce rapport, c'est la place des femmes dans la politique municipale. En préambule, je vais d'abord déconstruire un stéréotype de genre sur le goût du risque. L'exposition raisonnée au risque est une qualité féminine. La preuve en est. Il y a un an, je prenais la parole sur ce sujet avec les conséquences que l'on sait pour mes délégations. Me voici donc dans une situation à haut risque. Mais est-ce bien normal que prendre la parole sur l'égalité femmes-hommes soit ainsi réprouvé ? Concrètement, malgré les lois sur la parité en politique, l'égalité n'est toujours pas réelle. On peut le constater simplement sur le nombre de délibérations présentées respectivement par des hommes et par des femmes. Je suis convaincue qu'il faut que les femmes s'imposent, qu'elles s'imposent davantage, qu'elles s'imposent en effet par leur connaissance des dossiers et la pertinence de leurs interventions. Rappelons-le aux nouvelles et aux nouveaux bagnoletais qui ne le savent pas nécessairement, mais Solène vient de le faire. La ville a une histoire très en pointe sur la place des femmes en politique avec la figure de Jacqueline Chaunavel, maire honoraire de Bagnolet, élue dès 1947, maire en 1959, première femme élue maire en France d'une commune de plus de 30 000 habitants. Madame Chaunavel devient ensuite députée, conseillère générale de Seine-Saint-Denis, puis vice-présidente de l'Assemblée nationale en 1975. C'est une figure inspirante pour les nouvelles générations de bagnoletaises. Dans cette commune, oui, tous les bagnoletais et toutes les bagnoletaises doivent le savoir, les femmes tiennent une place de premier plan dans la politique municipale. Je formule le vœu que mon intervention suscitera de nouvelles vocations auprès des concitoyennes qui nous écoutent. Oui, merci, monsieur le maire. Alors, c'est un peu délicat de prendre la parole comme quatrième femme sur la question des femmes, parce qu'effectivement, c'est un peu l'illustration que les femmes parlent des femmes et des problèmes féminins. Mais je voudrais intervenir assez rapidement, puisque beaucoup de choses ont déjà été dites et que je souscris et nous souscrivons en tant que groupe Bagnolet en commun à tout ce qui a été dit. Je dirais, la première chose, c'est qu'on peut se féliciter que le contenu de ce rapport se soit amélioré au fil du mandat. C'est effectivement une obligation légale, Edith l'a dit, une obligation qui existe depuis 2014. Et je crois qu'on peut se réjouir que ce rapport-là apporte des éléments sur nos politiques, des statistiques et permette de mieux nous connaître en tant qu'administration, en tant que municipalité, et aussi mieux nous faire connaître. Je dirais trois choses. La première chose qui me semble très positive, c'est que ce rapport montre une transversalité dans la question de l'égalité femmes-hommes et une manière transversale d'aborder cette question. Puisque des actions sont montrées à la fois dans les crèches, donc dès la petite enfance, à l'école, au collège, ça a été dit, mais aussi du point de vue de la culture, on pourrait ajouter du point de vue de la voirie, car en effet, l'aménagement de la ville aussi peut être genré et on peut lutter contre les stéréotypes de genre ou faciliter la vie des femmes à travers l'aménagement. Et puis j'ajouterais aussi bien sûr la question des RH, la question du sport, voilà, tous les domaines auxquels nous nous attachons dans nos politiques sont traversés par cette question de l'égalité de genre. Et comme ça a été dit tout à l'heure, la question par exemple des VSS, c'est une des violences sexistes et sexuelles, c'est une question qu'on peut aborder très tôt dans le rapport au corps, dans la question des inégalités, dans la question du consentement. Et je suis heureuse que Bagnolet s'emploie à cette tâche. La deuxième chose, c'est ce qui a été dit aussi, que je trouve très positif dans le contexte actuel, c'est le fait de revendiquer une politique intersectionnelle, c'est-à-dire une politique qui croise les inégalités femmes-hommes avec les inégalités de race comme construction sociale, les inégalités d'apparence physique, les inégalités de handicap, évidemment les inégalités de classe, et ne dissocie pas ces inégalités. C'est assez courageux à une époque où les grandes entreprises américaines abandonnent leur charte d'égalité et où on voit fleurir partout des ouvrages demi-savants contre le wokisme. Donc oui, effectivement, malheureusement, les inégalités se cumulent et donc la politique doit, elle, traiter la personne dans sa totalité et donc agir conjointement contre les inégalités de genre et, par exemple, les stéréotypes racistes. Troisième chose, je reviendrai sur le congé menstruel. Effectivement, nous avons été pionniers, et je pense qu'on peut vraiment s'en réjouir. Est-ce ensemble à voter dernièrement, la fin 2024, également la mise en place du congé menstruel. Mais on peut peut-être s'étonner finalement qu'après 2 ans, il n'y ait que 19 agentes qui en bénéficient. Donc ça montre bien, comme l'a dit Caline, qu'il n'y a pas d'abus, qu'il n'y a pas de ruée vers un nouveau congé. Mais à l'inverse, ça dit aussi que peut-être certaines agentes pourraient en bénéficier et n'en bénéficient pas. Donc nous proposons qu'il y ait une réflexion peut-être qui soit faite autour des différents dispositifs qui sont mis en place pour peut-être simplifier le dispositif, puisque là il y a une double consultation médicale, peut-être l'ouvrir aussi à des possibilités de consultation avec des sages-femmes, puisque c'est une question menstruelle et gynécologique. Et enfin, je regrette qu'il n'y ait pas la mention, je pense que c'est compris dans la question de congé menstruel, mais dans notre délibération, il y avait la mention de la ménopause et des incapacités liées à la ménopause. Là aussi, ça concerne potentiellement nos agentes. Voilà, c'est une suggestion pour avancer, puisque là, il s'agit à Bagnolet aussi de faire avancer potentiellement la loi. On expérimente et puis on espère arriver à un progrès sur l'ensemble du territoire. Merci. Merci. D'autres interventions, Mohamed Jenan. Kane, juste à Mohamed d'abord, après toi, et après je vais dire un mot. Alors, je vais répondre rapidement à Anne et à Edith. Déjà, merci l'une et l'autre de vos encouragements et de noter le vrai travail qui est effectué. Le congé menstruel, pour revenir un tout petit peu dessus, j'ai peut-être mal expliqué. En fait, il y a besoin d'une seule consultation médicale. Alors, très bonne idée de l'ouvrir aux sages-femmes, même si je ne suis pas forcément certaine qu'il soit plus simple d'avoir rendez-vous avec une sage-femme qu'avec son généraliste. Mais pourquoi pas, on peut l'ouvrir. Enfin, en tout cas, on peut en parler. Donc, pour rappel et pour mieux vous expliquer, une seule consultation médicale avec un certificat sans motif, et ça, c'est vraiment important, suffit pour bénéficier du congé menstruel toute l'année. Sans motif, ça veut dire que donc, c'est ce que j'expliquais, si on peut ne pas souffrir d'endométriose, juste estimer qu'on est particulièrement fatigué pendant cette période et qu'on souhaite ce congé. L'autre chose, la ménopause, oui, tu fais bien de le dire parce qu'on ne le rappelle pas, mais c'est également la particularité de notre ville par rapport, je cible à nouveau Saint-Ouen, mais parce que Saint-Ouen, on avait beaucoup parlé du congé menstruel chez eux, et eux, ça n'incluait pas les troubles liés à la ménopause. Donc, c'est bien le cas. Pour répondre à Edith, moi, tout ce que tu dis sur la voirie, je le ressens tous les jours. L'inégalité, effectivement, dans les rues, pour ma fille, pour moi, qui a 47 ans, me fait encore emmerder dans la rue, c'est insupportable. Et je suis d'accord avec toi, il y a certainement du travail à faire. Pourquoi pas le faire en commun, si tu le souhaites, en tout cas y réfléchir ensemble. Je voudrais revenir en revanche sur ton intervention qui reparle de celle de l'année dernière sur ce que tu entends être, ou en tout cas ce que tu ressens être une inégalité dans ton mandat. Si certes, moi, je ressens des inégalités sur plein de choses dans la vie en tant que femme, je le redis comme l'année dernière, Edith. Moi, et pourtant je pense que je suis en première ligne, je n'en ressens absolument pas. Donc voilà. Mohamed. Merci. À mon tour, je voudrais remercier l'ensemble des services et des acteurs engagés dans l'élaboration de ce rapport sur l'égalité entre les femmes et les hommes. Ce document constitue un outil fondamental, non seulement pour mesurer les progrès réalisés, mais aussi pour identifier les obstacles persistants et les actions à renforcer. L'émancipation des femmes, comme celle de tout le genre humain, ne deviendra réalité que le jour où le travail s'émancipera du capital. Cette phrase de Clara Zetkin, initiatrice de la Journée internationale de lutte pour les droits des femmes, résonne avec force alors que nous débattons de ce rapport. Elle est d'autant plus pertinente dans le contexte actuel marqué par l'annonce d'un conclave sur la réforme des retraites par le Premier ministre. Une réforme particulièrement injuste pour les femmes, qui devraient en moyenne travailler 7 mois de plus que les hommes en raison du report de l'âge légal de la retraite. En France, les femmes ont un revenu moyen inférieur de 22% à celui des hommes et occupent 80% des emplois à temps partiel. Le constat du Forum économique mondial est sans appel. Il faudrait 134 ans pour atteindre l'égalité réelle entre les femmes et les hommes. À l'occasion de la présentation de ce rapport annuel sur l'égalité entre les femmes et les hommes pour 2025, notre groupe tient à réaffirmer l'exigence d'un banlieue résolument féministe engagé à éradiquer les inégalités entre les femmes et les hommes. Cet engagement doit se traduire dans tous les aspects de la vie municipale. À ce titre, nous souhaitons proposer une mesure essentielle. Cela, nous en parlait tout à l'heure. Aujourd'hui, absente dans ce rapport, la mise en place d'une aide spécifique pour les familles monoparentales. Pourquoi ? Selon les dernières statistiques de l'INSEE, les femmes monoparentales représentent 24,6% de la population à Bagnolet, dont 20,6% sont des femmes seules avec des enfants. Et on sait que 4% des femmes monoparentales en France sont assimilées par des femmes seules, souvent confrontées à des difficultés socio-économiques majeures. L'égalité entre les femmes et les hommes est un principe constitutionnel depuis 1948. Pourtant, malgré les avancées obtenues par les luttes féministes, nous sommes encore loin de cet objectif. Comme le rappelait Simone Veil, rien n'est jamais acquis. J'en viens maintenant à un point essentiel. On en parle souvent ici à l'occasion de ce rapport, celui des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans notre collectivité. Les chiffres que nous avons montrent des inégalités persistantes qui nécessitent une action volontariste de la collectivité. D'après ce rapport, les femmes perçoivent en moyenne 3,1% de moins que les hommes parmi les fonctionnaires et 4,6% de moins parmi les agents contractuels. Cet écart est lié à plusieurs facteurs et il est crucial de les comprendre pour y répondre efficacement. Ces écarts ne sont pas dus au hasard, mais à des réalités bien identifiées. et une répartition genrée des métiers et des rémunérations. Les filières techniques mieux rémunérées sont largement masculines. À l'inverse, les métiers administratifs, sociaux et médico-sociaux plus féminisés sont moins bien valorisés financièrement. Et une précarisation plus forte des femmes parmi les contractuels. Dans la filière médico-sociale, les femmes restent majoritairement contractuelles, 17%, ce qui entraîne un différentiel de rémunération. Un accès limité aux postes de responsabilité pour les femmes dans certains secteurs. Malgré les efforts réalisés, les hommes occupent encore plus que les femmes les postes de responsabilité. Cela signifie que les femmes accèdent très difficilement aux postes les plus rémunérateurs dans ces domaines. Face à cette situation, nous ne pouvons pas rester passifs. Nous avons les moyens d'agir et je propose 3 mesures concrètes. La première, garantir une transparence salariale et des audits réguliers par la mise en place d'un bilan annuel des écarts de rémunération par filière, grade et ancienneté et par la publication de ces données pour assurer un suivi et identifier précisément les points de blocage. La seconde, faciliter l'accès des femmes aux postes techniques d'encadrement en développant des formations qualifiantes pour permettre aux femmes d'accéder aux filières techniques et aux postes de cadre. Et par la mise en place d'un plan d'accompagnement à la promotion interne ciblée sur les femmes. Et enfin, sécuriser les parcours professionnels des femmes contractuelles en favorisant la titularisation ou le passage en CDI des agentes contractuelles, notamment dans les filières médico-sociales, et assurer une meilleure reconnaissance des acquis et de l'expérience pour éviter que l'ancienneté ne soit un frein à l'évolution salariale des femmes. Mes chers collègues, nous avons aujourd'hui une responsabilité claire, faire de notre collectivité un modèle en matière d'égalité salariale. Les inégalités que nous avons constatées ne sont pas une fatalité. Avec une volonté politique forte et des actions ciblées, nous pouvons réduire ces écarts et garantir à chacun et chacune une rémunération juste et équitable. L'égalité femmes-hommes ne doit pas devenir une variable d'ajustement budgétaire. L'État et les collectivités doivent garantir des financements à la hauteur des enjeux. L'égalité ne se décrète pas, elle se construit par des actions concrètes. Ce rapport met en lumière des avancées, mais il nous impose également une vigilance accrue. Au moment où nous assistons à une montée inquiétante des discours réactionnaires et masculinistes qui présentent le féminisme comme une menace. À notre niveau, l'action peut être menée sur plusieurs fronts. Intégrer des critères de mixité dans les appels d'offres municipaux pour favoriser la diversité dans le recrutement. Intervenir bientôt dans le parcours scolaire avec des campagnes de sensibilisation menées par nos propres agents. Des projets peuvent être réfléchis et menés avec l'éducation nationale. Soutenir davantage les victimes de violences sexistes et sexuelles avec des moyens financiers et humains accrus. Nous avons un devoir moral et politique d'agir. Une société plus égalitaire est une société plus juste et plus prospère pour toutes et tous. Sur cette question, je pense que nous ne pouvons être que d'accord, opposition et majorité. Il nous reste un an de mandat, certains sont déjà en campagne, c'est bien, ils ont raison. Mais au-delà de ça, montrons qu'on va au-delà du discours et qu'à l'occasion du vote de ce budget, donnons plus de moyens à cette délégation pour que l'élu en charge, l'administration et les partenaires puissent déployer encore tous leurs efforts, leur savoir-faire et mener des projets à la hauteur de cette question et de ces enjeux. Nous devons faire de Bagnolet une ville exemplaire en matière d'égalité entre les femmes et les hommes. Je vous remercie. Caline. Merci Mohamed. Pour info, il y a un travail qui est en train d'être fait sur les inégalités salariales pour la mairie, justement. Donc j'espère que l'année prochaine, on pourra amener des résultats plus probants. Après, ce que je propose, c'est que, Caline, tu ouvres un groupe de travail avec les élus qui souhaiteront y participer. Volontiers. Majorité volontiers. Comme opposition pour travailler sur ce sujet qui est important. Aujourd'hui, on a la moitié de nos directeurs qui sont des directrices. Donc, au niveau de la direction générale, ça n'est pas tout à fait le cas. Mais la moitié des directeurs de la ville sont des femmes. Et c'est vrai que la difficulté, c'est que les métiers sont essentiellement genrés au niveau des directions techniques. Et il y a un vrai sujet là-dessus. Et je pense que Caline pourrait piloter ce travail en lien avec la direction générale et Thomas Pradelou, qui est dans la salle. J'en profite pour dire, parce que ça répond plutôt à ce qu'a dit Solène tout à l'heure, que les prérogatives de la mission sont élargies. Donc on est maintenant à la mission égalité femmes-hommes, lutte contre les discriminations, droits humains et devoirs mémoriels. Donc on va pouvoir faire un travail encore plus large et encore plus transverse. Merci. Et justement, je partage ce qui a été dit sur l'engagement politique et je souhaiterais saluer Yalana Dino, qui a été victime d'insultes et d'invectives violentes ces derniers jours en ville de la part d'un militant politique. Donc Yalana, tu as toute mon amitié. Donc je vous propose de prendre acte de la présentation de cette délibération qui est pour... Nous prenons acte. Merci. Chers collègues, rapport suivant, c'est le rapport sur les orientations budgétaires pour 2025. L'exercice auquel je vais me prêter maintenant n'est pas un exercice aisé. En effet, je vais introduire le débat sur le rapport d'orientation budgétaire. Nous le savons toutes et tous ici. Ce débat doit aussi pour nous être l'occasion d'évoquer les choix budgétaires que nous aurons à vous présenter le 3 avril prochain au Conseil municipal, lorsque sera venu le moment de délibérer sur le budget primitif de notre collectivité. Mon introduction dépassera la seule question des orientations budgétaires pour aussi évoquer la méthodologie qui a prévalu à la construction de ce budget et les choix qui y sont effectués. L'exercice n'est pas simple non plus parce que précisément il me revient le soin de présenter un travail collectif. En effet, chaque élu de la majorité municipale aurait pu présenter les orientations et les choix budgétaires dans les délégations que je lui ai confiées et qu'il porte sans discontinuité depuis 2020 maintenant. Je tiens d'ailleurs ici à remercier chacune et chacun des collègues de la majorité municipale pour leur investissement dans ce lourd travail. Avec l'ensemble des directions, je sais qu'ils ont été mobilisés pour faire des propositions budgétaires dans chacun de leurs secteurs. Je les en remercie. Quelques éléments contextuels. Le travail a commencé dès le bureau municipal du 24 octobre dernier, au cours duquel les élus de la majorité se sont prononcés en faveur de la lettre de cadrage qui a servi de base de travail à l'administration. J'y reviendrai. Dans un second temps, chacune des directions a pris en compte les orientations des élus de secteur pour construire des propositions qui ont été présentées, puis pour certaines d'entre elles, débattues lors des conférences budgétaires. Celles-ci ont eu lieu entre le 17 janvier et le 6 mars. Ce ne sont pas moins de 24 conférences budgétaires qui se sont tenues, réunissant les élus de secteur, les directions concernées, la direction générale et moi-même. Ce sur quoi vous serez amené à délibérer, c'est bien le résultat de ce travail collaboratif que le bureau municipal du 25 février dernier a unanimement validé. Personne n'est repassé en catimini derrière ces conférences budgétaires pour apporter des modifications ou des coups de ciseaux. Ce sont bien les propositions des élus de secteur qui ont été retenues et qui figure dans l'équilibre global du budget 2025 qui vous sera transmis dans les prochains jours. Voilà pour la méthode. Il me paraît difficile de faire plus dans l'exercice d'une gouvernance partagée. Quelques éléments de fond à présent. Je ne m'attarderai pas trop longtemps sur l'appréciation du contexte macroéconomique. Cependant, notons que nos orientations budgétaires et le budget qui en découle ont dû être travaillés dans un contexte d'incertitude sans précédent, avec un budget de la nation voté tardivement, d'abord une saignée promise aux collectivités territoriales, puis finalement des économies demandées, mais à des niveaux moindres. Quoi qu'il en soit, c'est bien à une stigmatisation sans précédent des budgets locaux que nous avons assisté, alors même que le soi-disant dérapage des finances publiques qui préoccupe tant certains de nos dirigeants politiques, n'est pas de leur responsabilité. Heureusement, grâce à une mobilisation également sans précédent des élus locaux, nous avons pour l'instant évité le pire. Nous avons évité le pire, mais nous devons cependant bien faire avec des contraintes supplémentaires qui s'imposent à nous. La contrainte la plus manifeste, qui cette année vient directement grever le budget communal de près de 550 000 euros, et l'augmentation de 3 points des cotisations retraite des fonctionnaires à la CNRACL. Sur les orientations que nous vous proposons de retenir ce soir, elles ne sont normalement une surprise pour personne. En effet, depuis le début du mandat, elles constituent un fil rouge. Maîtriser et optimiser nos dépenses dites de gestion, une baisse d'environ 5% a été demandée à tous les services, à l'exception des secteurs que le bureau municipal avait considérés comme prioritaires, l'enfance, la petite enfance, l'éducation, la jeunesse, la vie des quartiers, la culture et le cadre de vie. Adapter notre masse salariale aux objectifs du service public que nous nous sommes fixés, tout en intégrant, bien entendu, je l'ai évoqué, les évolutions des rémunérations des agents publics et les modifications réglementaires et légales, mais aussi en poursuivant la politique massive de déprécarisation des agents publics qui font vivre nos services. Poursuivre la stratégie d'accroissement des financements extérieurs avec la mobilisation des services que je salue, nous cherchons à diversifier nos sources de financement. L'administration s'outille d'ailleurs pour mieux répondre à cet objectif. La limitation drastique du recours à l'emprunt, afin d'abord de contenir la charge de la dette, mais surtout de poursuivre la trajectoire de désendettement dans laquelle nous nous sommes désormais inscrits. Chaque année, nous empruntons moins que l'année passée et le stock de dette diminue. J'y reviendrai aussi. Poursuivre le travail permettant de dégager une épargne nette positive, permettant de consolider notre apport pour le financement de nos investissements. J'ai pleinement conscience qu'il reste encore beaucoup de travail en la matière. Ces orientations se traduisent dans un budget qui vous sera présenté avec une section de fonctionnement de 88 millions d'euros en recettes et 100 millions d'euros en dépenses, soit un excédent de gestion de plus de 12 millions d'euros. Sans intervenir, convient quand même de le souligner, sur le levier fiscal. Je le rappelle, pour la bonne compréhension de chacun, les taux communaux ne bougeront pas en 2025. En investissement, le budget qui vous sera présenté, nous l'avons conçu ensemble pour qu'il soit résolument tourné vers l'avenir. Pour 2025, il s'établit ainsi à 44 millions en dépenses et 40 millions en recettes. Ces crédits d'investissement permettent la réalisation de projets structurants pour notre ville. La finalisation de la construction de l'équipement public Pêche d'Or, il sera ouvert à la rentrée prochaine. Une école, une crèche, un centre de loisirs qui bénéficie d'un important soutien de l'ANRU, du Conseil régional et de la CAF notamment. Le lancement de la construction d'un dojo municipal au Malassis à côté de la nouvelle piscine dans le cadre du projet de renouvellement urbain. Sous maîtrise d'ouvrage d'Est Ensemble, ce projet est financé à hauteur de plus de 1,5 million d'euros par l'ANRU. Le lancement de la phase 2 du projet de renouvellement urbain à Lannou et le lancement de celui du secteur Thorez. C'est bien la ville qui, par ses reversements à Est Ensemble, finance ses opérations d'envergure également. Le lancement des études préopérationnelles pour la reconstruction du groupe scolaire Langevin à la Capsulerie, qui prendra la suite, comme nous nous sommes toujours engagés, de la reconstruction de l'école Pêche d'Or. La végétalisation des cours d'école, en 2025, celle de l'école Jules Ferry aux Coutures, pour plus de 400 000 euros, et les études préalables à la végétalisation pour celles et ceux pour celle de l'école Jean Jaurès au Plateau, qui entrera dans la phase opérationnelle en 2026. La participation substantielle de la ville permettant la mise en œuvre du projet du Grand Chemin porté par Est Ensemble, permettant de végétaliser et d'apaiser les espaces publics dans un trajet permettant une continuité végétale entre les différentes villes du territoire. Un investissement maintenu pour la voirie communale, avec sous la responsabilité de notre collègue Edith Félix, une attention particulière à la modernisation de l'éclairage public, à la mise en place d'aménagements permettant une meilleure accessibilité et des déplacements en vélo facilités. La poursuite de la remise à niveau du patrimoine communal, notamment du bâti scolaire et des centres de vacances municipaux. En 2025, ce sont 700 000 euros qui devraient être consacrés aux travaux courants dans les écoles de la ville. À cela, il convient d'ajouter la réfection des toitures de plusieurs écoles pour plus de 150 000 euros, ainsi que d'importants travaux à la cuisine centrale municipale pour le prolongement des investissements déjà portés sur cet équipement. Ce sont également 350 000 euros qui seront mobilisés pour des travaux au centre de vacances d'Oléron. Des investissements dans l'espace vert avec la poursuite des travaux de réfection des squares. Avec Vincent Doucissé, nous aurons dans quelques semaines l'occasion d'inaugurer le nouveau square Varlin. Nous poursuivrons donc dans cette dynamique. Nous poursuivrons également la modernisation de nos services publics et de nos systèmes d'information, nouveaux sites Internet, développement d'une application dédiée. Bien entendu, beaucoup reste encore à faire, mais nous avancions pour mieux répondre aux attentes et aux besoins des Bagnoletaises et des Bagnoletais. Cette liste pourrait se prolonger encore et encore, mais je vous propose pour cette introduction d'en rester là. Quelques mots enfin sur un sujet qui, je le sais, est ô combien sensible dans notre ville. Je veux bien entendu parler de notre dette et de sa gestion. Je l'ai dit, en 2025, nous prévoyons de poursuivre notre désendettement. En 2024, nous avons mobilisé 4 millions d'euros d'emprunt, soit moins qu'en 2023, et avons ainsi diminué le stock de notre dette. En 2025, nous prévoyons de lever au maximum un emprunt de 3 millions d'euros et d'ainsi poursuivre notre désendettement. Pour rappel, nous passons d'un emprunt de près de 8 millions d'euros en 2021 à un emprunt prévisionnel de 3 millions d'euros cette année. Tout cela en continuant à construire un budget en faisant preuve d'une grande prudence et cette année en provisionnant plus de 1,4 million d'euros pour le remboursement des fameux emprunts in fine dont les premières échéances arrivent en 2031. Je le précise également, nous avons aménagé, grâce au travail important de la direction des finances, le remboursement des nouveaux emprunts levés afin que les années de remboursement des emprunts in fine soient des années blanches. Nous ne pourrons pas croire que tout va bien. Bien entendu, notre situation reste délicate, mais la trajectoire que nous avons installée et que nous continuons à poursuivre est la bonne. Oui, nous choisissons d'être fidèles à nos valeurs et de porter d'ambitieux projets pour notre ville. Nous ne privatisons pas des services publics ou nous ne faisons pas porter nos investissements par la sphère privée via des partenariats publics-privés comme certains le voudraient au sein même de la majorité municipale. Effectivement, nous laissons ces options à la droite, mais ici, pour la majorité d'entre nous, ce n'est pas la conception que nous portons. C'est aussi ça, faire de la politique, avoir des idéaux et les confronter au réel, à la vie des Bagnoletaises et des Bagnoletais qui sont en attente de services publics et qui, pour certains, en ont besoin. C'est parfois difficile, nous ne faisons pas tout bien, nous pourrions faire mieux, nous devons faire mieux. Des interventions ? Monsieur Stalet. Oui, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. J'aimerais pouvoir parler d'orientation budgétaire, j'aimerais pouvoir parler d'investissement, mais dans une ville comme Bagnolet, ce dont on va parler est en priorité, et vous êtes passé assez rapidement dessus, monsieur le maire, en disant que tout allait mieux, mais c'est l'endettement. Vous êtes aujourd'hui en train de nous proposer d'attendre, de reporter les dégâts à 2031, 2033 ou 2035. Aujourd'hui, vous nous proposez de délibérer autour d'une mise sous séquestre d'une somme d'1 400 000 euros par an et sur 7 ans, représentant au total de ces 7 années 10 millions d'euros. Et je vous le rappelle, et vous le savez, la dette que nous allons devoir, à laquelle nous allons devoir faire face d'ici quelques années, c'est 29 millions d'euros. Donc, vous êtes satisfait de pouvoir résoudre au tiers un problème. Je vous rappelle aussi, monsieur le maire, que cet emprunt, c'est vous qui l'avez contracté en 2015, que nous sommes en 2025 et que nous allons provisionner pour la première fois un peu d'argent pour rembourser et faire face à cette dette. Vous êtes vous-même conscient du problème puisque vous vous êtes rapproché de la Deutsche Bank pour pouvoir renégocier peut-être ces 20 millions d'euros qui vont nous manquer et qui vont nous faire défaut. Défaut pour les écoles, défaut pour les investissements, défaut pour la culture, défaut pour tout. Mais pas tout de suite, pas maintenant. Mais ça va arriver. En tout cas, on n'a pas la réponse dans cette proposition et dans cette présentation concernant l'intégralité de notre dette. Donc, si on met de côté 20 millions d'euros et si on ferme un peu les yeux et qu'on met des œillères, on peut peut-être imaginer que ce projet de budget est acceptable. Pour moi, la priorité de Bagnolet, c'est son désendettement. Et c'est de faire face à ce qui va nous arriver dans quelques années et qui va réellement pénaliser le cadre de vie, le quotidien des Bagnoletaises et des Bagnoletais. On ne peut pas parler d'orientation budgétaire, on ne peut pas parler d'investissement tant qu'on n'aura pas réglé le problème de cette dette. Donc maintenant, vous avez précisé tout à l'heure que vous aviez élaboré une stratégie, des rencontres, des réunions avec les membres de votre majorité pour arriver à un consensus. Donc le consensus, tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord pour laisser les 20 millions de côté. Tout le monde est d'accord pour faire comme si tout ça n'existait pas. Vous allez voter donc, ou en tout cas accepter de voter un bilan comme celui-ci, qui laisse pour dans quelques années des soucis à venir. Quelle est votre stratégie réelle de désendettement ? Pas partielle, réelle et complète. Monsieur Stalens, je pense que vous avez été peu attentif à ce que j'ai développé et peu attentif à la lecture du document qui vous a été transmis. La stratégie de désendettement est clairement détaillée. Je vous le disais, nous avons emprunté 8 millions d'euros en 2021. Nous allons emprunter 3 millions d'euros cette année. Nous allons provisionner pour la première année avec des années blanches sur ce que nous empruntons pour les années concernées. Donc, tout n'est pas idéal. Je me permets de vous rappeler que lorsque nous avons, avec Olivier Tarabella, souscrit ces emprunts in fine proposés au Conseil municipal en 2015, c'est qu'aucune banque française, aucune banque française n'acceptait de nous prêter d'argent. C'est aussi simple que ça. Et donc, il y a un important travail qui a déjà été mené il y a quelques années. Nous n'avons plus d'emprunt toxique dans l'encours de notre dette. Nous en avions beaucoup. Des emprunts classés rouges sur la charte Gisler. Donc nous avons retravaillé notre dette, nous n'avons plus d'emprunt toxique. Effectivement, il nous faut provisionner, c'est ce que nous faisons, et nous le faisons de manière responsable, intelligente. Ensuite, pourquoi nous nous sommes endettés ces dernières années ? Parce que nous avons porté un projet de renouvellement urbain sur le quartier de la Noue, sur le quartier des Malassis, tout simplement. Je veux dire, la seule manière objective qui aurait permis à la ville de Bagnolet de se désendetter, c'était de ne pas réaliser le programme de renouvellement urbain, tout simplement. Donc nous avons fait le choix politique en 2014 de porter ce PRU. On a eu déjà l'occasion d'en parler. C'est un choix politique important. Et aujourd'hui, nous sommes engagés dans le NPNRU. Lorsqu'on a commencé à parler de reconstruction de la piscine, d'un nouveau dojo, certains ricanaient, j'ai un peu de mémoire. Aujourd'hui, les travaux avancent et on va arriver au bout de nos objectifs. Donc effectivement, on s'est endetté, on fait en sorte de se désendetter, on le fait de manière intelligente. Et je trouve quand même assez paradoxal que, et vous avez le droit, mais vous nous critiquez de telle manière la première année où nous provisionnons. C'est quand même original que vos critiques soient aussi acerbes cette année, alors que nous provisionnons pour un peu plus de 1,4 million, alors que les autres années, c'est un peu plus discret. Mais bon, peu importe, chacun est dans son rôle. Mais je vous invite vraiment à regarder le détail de nos années, de nos orientations. Il y a quelques années, il nous fallait 53 ans pour nous désendetter. Et une année, c'était même l'infini. On ne pouvait pas calculer. Aujourd'hui, on est au-dessus des ratios, on est à 18 ans. C'est encore trop. Mais on est à 18 ans, on était à 53 ans, on était à l'infini. Donc la trajectoire est plutôt positive. Il y a encore beaucoup de travail. Beaucoup de travail. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir de manière très, très tranquille et très constructive. Allez-y. Ah oui, mais vous le très, très tranquille, très constructif, je vous l'accorde, mais ce n'est pas une réponse. Vous avez contourné la réponse. Non. Si. Vous nous parlez des prêts classiques et des investissements, du désentêtement, de la décroissance des emprunts annuels. Je ne sais pas ce dont je vous parle. Là, ma question était très précise. Comment, quelle mécanique, quel stratagème vous avez mis en place ou imaginé pour faire face aux 20 millions d'euros que nous allons devoir rembourser en 2033 et 2035. Et tout à l'heure, quand vous me dites que c'est la première, je vous fais cette remarque, alors que c'est cette première année. Mais au bout de 10 ans, c'est un reproche. C'est pas une remarque. Je vous reproche et je me fais la remarque et je vous la fais à vous aussi. Pourquoi n'avons-nous pas commencé bien avant à anticiper ce remboursement qui aujourd'hui, compte tenu du délai qui nous est proposé, devient insurmontable. Vous le savez. Donc, comment allons-nous, au-delà des 10 millions que vous allez peut-être réussir à mettre de côté, et je l'espère. En tout cas, on vous y aidera, parce que c'est notre ville et qu'on veut la voir se développer. Et tant qu'elle sera endettée, elle ne pourra pas se développer et elle ne pourra pas avancer. Donc, c'est juste cette remarque-là et cette question. C'est, est-ce que vous avez imaginé la suite, au-delà de cette 2031 ? Alors, aucun stratagème, mais une stratégie, oui. Une stratégie qui consiste chaque année. Avec le stratagème qui consiste année après année à emprunter moins. Donc on emprunte moins, on provisionne. Là, on provisionne 1,4 million. On ne rembourse pas nos dettes. Mais si, on rembourse. On rembourse nos dettes. Je vous assure, regardez. En fait, regardez le document d'orientation budgétaire. Regardez attentivement le budget lorsqu'il va vous être transmis. Je vous assure qu'on rembourse la dette. Mais. Juste le passage, qui est dans le rapport de négociation avec la Deutsche Bank. Le contrat interdit la possibilité d'un refinancement. Et les premières négociations engagées avec le soutien de finances actives se sont soldées par une fin de non-recevoir de la part de la Deutsche Bank. Oui. Ça signifie qu'au-delà de ce qu'on est en train de faire, ça ne suffira pas. En fait, monsieur Stalens, vous voyez qu'on est totalement transparent. Peut-être. Vous voyez, mais on est totalement transparent puisqu'on vous a écrit noir sur blanc que la Deutsche Bank ne souhaite pas renégocier. On est transparent. Ce que je vous ai dit, une stratégie, pas un stratagème. La stratégie, c'est emprunter moins. La stratégie, c'est de provisionner. La stratégie, c'est de construire des budgets prudents. Des budgets prudents. On va, je l'espère, bientôt être amené à délibérer en conseil municipal, sur la cession d'actifs communaux à Est Ensemble. Et on a toujours, là, ça va être concret dans les semaines qui viennent, on a toujours le travail autour du parking P5. En fait, les recettes qui rentreront dans les caisses, vous verrez dans le budget, par exemple, nous avons inscrit la recette de la vente du terrain de l'ancien marché à la ferraille pour 6 millions d'euros. Nous n'avons pas inscrit la recette Colombier. Donc, nous construisons un budget prudent et toutes les recettes qui interviendront en cours d'année, nous permettront d'augmenter. Et je pense que vous n'avez pas été attentif. Les années où nous allons rembourser les emprunts in fine, ce sont des années blanches pour les autres emprunts, les autres nouveaux emprunts. Donc nous ne rembourserons pas d'un côté, nous rembourserons de l'autre. Mais effectivement, ça nécessite des efforts. Tout à fait, ça nécessite des efforts. Jean-Claude Oliva. Oui, et de la rigueur. Mais merci. Bon, bonsoir à. Merci. Bon, bonsoir à toutes et à tous. Et effectivement, je profite un peu de ce que dit Sébastien Stalens et des réponses du maire pour intervenir sur ce débat des emprunts in fine que je voulais aborder de toute façon. Alors, in fine, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, je le dis pour nos concitoyens, les élus le savent depuis longtemps, mais on parle in fine, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une expression latine, ça veut dire à la fin, c'est-à-dire c'est un emprunt où les intérêts sont remboursés au fur et à mesure, mais le capital est remboursé d'un coup en une seule fois à la fin. Et donc, on a trois emprunts comme ça à rembourser. Donc, il y en a un de 10 millions d'euros en 2031, à rembourser en une seule fois en 2031. Un de 9 millions d'euros à rembourser en une seule fois en 2033. Et un de 10 millions d'euros encore à rembourser en une seule fois en 2035. Alors, ce qui est nouveau cette année, c'est que pour la première fois, on provisionne un remboursement à partir du budget 2025 de 1,4 million d'euros pour rembourser le premier emprunt. Donc en se disant, entre 2025 et 2031, ça fait 7 ans, 7 fois 1,4 million d'euros, ça fait 10 millions d'euros, donc on rembourse le premier emprunt. Donc ça va dans le bon sens, mais effectivement, ça vient tard. Nous, c'est une mesure qu'on préconise effectivement depuis le début du mandat. On nous a expliqué au départ que ce n'était pas possible, qu'on ne savait pas où le mettre, qu'on ne trouvait pas de ligne budgétaire pour mettre cette provision. Voilà. Et donc, on fait ça. C'est ça qui est problématique, c'est qu'on le fait seulement maintenant. C'est bien de le faire, mais ce qui est le problème, c'est de le faire seulement maintenant, Parce que imaginons qu'on applique la même logique aux trois emprunts. C'est-à-dire, donc là, on commence effectivement en 2025 avec 1,4 million d'euros. Mais en 2027, il faut commencer aussi à provisionner 1,3 million d'euros pour le deuxième emprunt. Et en 2029, il faut commencer à provisionner 1,4 million d'euros pour le troisième emprunt. Ce qui veut dire qu'en réalité, en 2027-2028, on va provisionner 1,4 plus 1,3, c'est-à-dire 2,7 millions d'euros par an. Et en 2029 à 2031, on va provisionner 1,4 plus 1,3 plus 1,4 plus 4,1 millions. Ça fait 4,1 millions d'euros par an. Donc, vous voyez, c'est ça la difficulté. Moi, à ce jour, j'ai entendu aucune dans nos débats budgétaires, je n'ai vu aucune solution dans ce domaine-là. Je profite donc au-delà de ces emprunts in fine pour intervenir sur un autre sujet, c'est sur la méthode. J'ai entendu ce que M. le maire a dit, effectivement, sur la méthode. C'est pas comme ça que j'ai vécu les choses, et effectivement, il y avait une référence, et c'est pas comme ça que nous avons vécu les choses, il y avait une référence au bureau municipal du 24 octobre. Nous avons critiqué la façon dont les choses se sont passées au bureau municipal du 24 octobre. Vous pouvez le retrouver sur notre blog. Hein, nos critiques sont écrites, sont publiques. La première critique, c'est qu'en fait, on a fait un bureau municipal le 24 octobre, non pas sur des orientations, je dirais, politiques. C'était pas un débat politique, c'était un débat comptable. C'est-à-dire, on nous a présenté, il faut réduire toutes les dépenses, toutes les directions de 5%. Nous, on est clairement critiques de cette façon de faire les choses. Et il fallait décider tout de suite parce qu'il y avait du retard qui était pris sur la loi de finances, le budget Barnier qui allait nous tomber dessus. On a vu ce qu'il est advenu du budget Barnier. Il a été censuré. Donc, on aurait pu prendre un réel temps, je pense, de discussion politique. Et c'est ça qui nous manque dans cette majorité. C'est d'avoir de vrais, véritables temps de discussion politique. Et après, effectivement, sur cette logique des 5%, ça a été décliné direction par direction. Et bien sûr, quand l'élu de secteur il se retrouve, on n'est plus dans la discussion politique. On est mesure par mesure. Est-ce que là, on réduit? Là, c'est 5%. Là, c'est 6%, etc. Et donc, il manque le débat politique sur le réel, sur le budget. Et à l'époque aussi, ce qu'on demandait, nous, c'est d'établir clairement des priorités. C'est-à-dire, la coupe uniforme de 5%, ce n'est pas une bonne méthode. Et nous, on proposait, par exemple, qu'il y ait des priorités qui soient épargnées, comme le social, comme l'écologie, comme l'éducation. Alors maintenant, on le retrouve dans l'affichage, dans la présentation du budget. On voit à présent un nouvel affichage où on nous dit qu'il n'y a pas de réduction dans l'éducation, dans le cadre de vie, dans la transition écologique, dans la culture. Très bien, on aurait pu en discuter avant. Je voudrais aussi quand même faire une incidente aussi, c'est que, en fait, ces 5%, c'est dans le budget réalisé de l'année 2024. Ce n'est pas dans le budget 2024. C'est-à-dire que ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'il y a des directions qui sont loin d'avoir réalisé leur budget en 2024. C'est-à-dire que, par exemple, la direction de la tranquillité publique, par exemple, elle est à 41% de non réalisé. La propreté urbaine, elle est aussi à plus de 41% de non réalisé. La restauration scolaire, elle est à 32% de non réalisé. Enfin, alors peut-être il y a peut-être une petite variation, hein, parce que ça, c'est les chiffres qu'on avait en octobre-novembre. Donc c'est peut-être un peu moins. Mais donc, vous voyez, les 5%, c'est par rapport à ce qui a été réalisé. Donc, en réalité, pour certaines directions, c'est beaucoup moins, c'est beaucoup plus que 5% la réduction. Et c'est vrai que le risque, c'est d'attaquer clairement le service rendu aux habitants. Et on sait que sur certains problèmes, tranquillité publique, propreté dans la ville, etc., les habitants se plaignent et sont mécontents. Donc voilà, la méthode, elle est critiquable et elle est critiquée. Et voilà, je voulais souligner ça. Alors, pour être totalement transparent, je vais vous lire la lettre de cadrage. Parce que Jean-Claude, visiblement, tu n'as pas lu la même lettre de cadrage que nous. Section de fonctionnement. Donc nous sommes sur la page 1, deuxième paragraphe. Au chapitre 11, charge générale, il est demandé une baisse de 5% des demandes de crédit 2025 par rapport aux dépenses réalisées en 2024. Chaque demande devra être présentée avec cette diminution. Cette baisse, suite au bureau municipal du 24 octobre dernier, ne s'applique pas aux politiques publiques suivantes. Éducation, enfance, jeunesse, nature en ville. Ben ça, c'est factuel. Après, tu peux réécrire l'histoire, Jean-Claude. Ça, c'est factuel. Et le débat que nous avons eu en bureau municipal, il a été explicitement dit que l'éducation, la vie sociale des quartiers, n'est-ce pas, Chocky, et un certain nombre d'autres secteurs seraient préservés. Donc, nous n'entendons pas les mêmes choses au bureau municipal. Et effectivement, ça devient problématique. Ça devient problématique parce que il y a ce que nous nous disons au sein des instances. Et sans doute, Jean-Claude, gagnerais-tu à parler davantage dans les instances ? Et je t'y invite de manière très amicale. Et il y a ce que certains racontent en ville. Voilà. Je t'invite, Jean-Claude, tu pourras étudier le budget primitif 2025 et tu pourras constater que les propositions des membres de ton groupe ont été reprises. Je pense au secteur de Valérie Bille, je pense au secteur d'Edith Félix, je pense au secteur de John J. Biro, et nous allons maintenir la subvention de l'an dernier au CCAS, bien que nous ayons moins de dépenses de personnel cette année. Donc, en fait, ce que tu dis est inexact. Voilà, on va rester simple, c'est inexact. Abdelkrim Karmaoui. Pardon, juste, je vais prendre une liste d'intervenants, je n'ai pas vu qui avait levé la main. Edith, oui. Edouard, Monsieur Lyonnais, Cédric, Amitché et Vincent Dou. Vas-y, Abdelkrim. Alors, bonsoir à tous. Merci de me donner la parole pour ce soir pour m'exprimer sur le projet qui me tient particulièrement à cœur, dont on a parlé tout à l'heure, c'est la reconstruction de la piscine et du dojo. Ce projet ambitieux qui concerne la construction d'un pôle sportif au Malassis représente bien plus qu'une simple amélioration des équipements locaux. Il incarne une vision tournée vers l'avenir, un investissement stratégique pour notre ville et ses habitants. Ce projet, réalisé en collaboration avec Est Ensemble et notre ville, vise à répondre à plusieurs enjeux majeurs dans notre territoire. Sur le plan sportif, ce projet permettra de diversifier les usages et d'accueillir de nombreuses activités adaptées à tout le public. La nouvelle piscine permettra à tous les habitants de tout âge et de tout horizon de bénéficier d'un espace moderne et accessible pour pratiquer la natation. Il y a aussi la salle de combat, sport de combat, quant à elle, qui va développer les activités sportives variées telles que la lutte, la boxe ou encore le judo. Sur le plan environnemental, les solutions étudiées telles que la récupération de chaleur ou les matériaux durables soulignent un engagement fort pour la transition écologique. Nous intégrerons les technologies les plus avancées et les matériaux les plus respectueux de l'environnement pour minimiser notre empreinte carbone et garantir une gestion durable des ressources. Enfin, sur le plan social, ces équipements renforceront le lien entre les habitants en offrant un lieu d'échange et de bien-être. La création de ces structures constituera également à dynamiser notre territoire et à renforcer son attractivité. La gestion budgétaire responsable de ce projet au maîtrage d'ouvrage Est Ensemble a été soigneusement planifié pour respecter les budgets, un budget rigoureux et maîtrisé. Nous avons veillé à optimiser les coûts tout en garantissant la qualité et la durabilité des infrastructures. Cette gestion budgétaire responsable est essentielle pour assurer la viabilité économique du projet et pour répondre aux attentes de nos citoyens en matière de transparence et de bonne gouvernance. Un mot sur le budget donc alloué à cette opération. On est à 31 480 millions d'euros TTC, dont 7 449 euros, c'est la part que Bagnolet rembourse pour cette opération. Donc le budget alloué reflète une gestion rigoureuse et une anticipation des besoins futurs. Il a été pensé pour répondre aux attentes sportives, éducatives et environnementales de notre commune. En conclusion, ce projet de construction est une formidable opportunité pour notre commune. Il répondra aux attentes et aux besoins de concitoyens en termes de santé, de bien-être, de performance énergétique, de dynamisme territorial et de gestion budgétaire. Un petit mot sur quand même, c'est surprenant parce qu'il n'y a pas très très longtemps, on était quand même, je me rappelle, on était à 80 années, l'équivalent de 80 ans d'endettement de la ville. Aujourd'hui, on parle de 18, donc c'est une bonne amélioration. Et je pense quand même que le budget proposé est très bien adapté pour notre ville. Voilà, sans polémique. Voilà. Merci. Edith Félix. Merci. Je vais parler d'investissement de façon un peu plus générale, mais simplement sur le projet Dojo Piscine, quelque chose ne nous avait pas été présenté, il me semble, dans ce projet-là, c'était la question des arbres de la parcelle, dont je ne me souviens pas qu'il nous avait été présenté, qu'ils seraient tous ou presque abattus. Bref, l'investissement est l'une des dimensions fondamentales du budget. Il conditionne les capacités de la ville à renouveler ses équipements et nous verrons dans la note suivante que l'amortissement considéré pour les bâtiments publics est 30 ans. Alors 30 ans dans les faits pour un bâtiment public, c'est court et notre patrimoine accuse souvent le poids de bien davantage d'années. Le travail de gardiennage, de suivi d'entretien, de maintenance qui ne font pas partie de l'investissement est fondamental pour rallonger la durée de vie des équipements. Soyons reconnaissants à celles et ceux des agents et des agentes qui ont su prendre soin des équipements de la ville et ainsi apporter, peut-être en ayant la conviction, peut-être sans le savoir, une rallonge aux capacités de la ville dans le renouvellement de ses équipements. Voilà. D'autre part, des opérations de rénovation ou de réaménagement qui peuvent être considérées comme faisant partie de l'investissement, permettent de donner un nouveau souffle à certains équipements. Et néanmoins, pour d'autres équipements, leur état très dégradé incite à les inscrire leur remplacement dans le plan pluriannuel d'investissement. Alors, je n'ai pas encore parlé de la voirie et des réseaux divers et de leur taux de renouvellement, mais bien sûr, ça en fait partie. La régie publique au public par Est Ensemble a réussi à augmenter de façon majeure le taux de renouvellement du réseau. Par comparaison avec ce que faisait Veolia, c'est spectaculaire. Hein, c'est 1,9% de renouvellement du réseau contre 0,4% avec Veolia. Donc c'est 5 fois plus. Bagnolet fait par exemple, comme le disait monsieur le maire, un réel effort sur son éclairage public qu'il est urgent de rénover. Comme habitantes et usagers, nous aimerions que la ville puisse investir à une cadence qui permettrait que les équipements soient toujours en bon état au lieu d'être trop souvent dans un triste état. Alors, il y a deux causes de difficultés pour la ville à assurer la cadence. Il y a d'une part la question de l'investissement, et pour une ville endettée comme Bagnolet, c'est une réelle difficulté. Et il y a d'autre part une vraie difficulté d'avoir des personnels disponibles et qualifiés pour conduire l'ensemble des projets de renouvellement. La dégradation des bâtiments publics est donc une cause importante d'insatisfaction par les habitantes et les habitants. C'est le cas pour les parents des enfants scolarisés au collège Travail, qui attendent depuis trop longtemps la reconstruction du collège. En apparence, l'investissement relatif à ce collège revient au département, donc les capacités de la ville ne devraient pas interférer. Pourtant, le choix du site du parc de la Briqueterie comme site d'implantation du nouveau collège inscrit la reconstruction de cet équipement dans une opération à tiroir. Pour construire le collège, il faut détruire la tribune. Sous la tribune, il y a le dojo. Il faut reconstruire le dojo, le dojo sera reconstruit dans un équipement au Malassis, regroupement dojo et piscine. Pour reconstruire la piscine, il faut récupérer le demi-bassin olympique. Ça, c'est fait. Pour détruire la tribune et reconstruire le terrain de rugby, il faut un budget d'investissement du ressort de la ville. Il y a un an, en 2024, 3,5 millions d'euros étaient inscrits en investissement dans le PPI, donc le plan pluriannuel d'investissement, pour le réaménagement du stade de la briqueterie pour 2024. Lors du cadrage budgétaire en fin 2024, le PPI indiquait une répartition comme suit. Seulement 50 000 d'études en 2024 réalisées, déjà. 800 000 euros en 2025 pour la destruction de la tribune et le gros de l'investissement en 2026, soit 2 millions d'euros pour la reconstruction du terrain de rugby. En 2025, il faut finir la construction de l'école Pêche d'Or. Les travaux du dojo piscine s'accélèrent. On alloue 4 475 000 euros à sa construction. Et pour finir, il est prévu un investissement en 2025 pour l'opération briqueterie collège-travail, 100 000 euros. Et les investissements lourds pour la briqueterie sont reportés. Voilà, la destruction de la tribune ne sera pas réalisée en 2025, ce qui la renvoie au prochain mandat. Et la destruction de la tribune n'est que la première étape devant conduire à la reconstruction du collège. Donc, malgré les fortes attentes exprimées lors du débat sur le choix du futur emplacement du collège en début de mandat, la reconstruction n'interviendra donc pas dans ce mandat. De fait, avec le choix du site de la briqueterie, la reconstruction du collège travail est bloquée par la faiblesse de capacité d'investissement de la ville. C'est une malheureuse évidence et c'est une légitime insatisfaction. Juste, si vous me permettez, chers collègues, deux mots sur la briqueterie et le collège travail. J'ai ma part de responsabilité dans ce retard. Je me permets, pour ceux qui ne le savaient pas, lorsque j'ai été élu en 2014, les services de la ville me présentent un projet de reconstruction du collège sur les sites actuels de la plage arrière, du jardin de la petite plage, sur le secteur Louise Michel. Donc nous avons décidé de retravailler. Nous avons cherché du foncier, nous avons trouvé la briqueterie. Je vous ne refais pas les débats que nous avons eus au cours du précédent mandat, en conseil de quartier, ici même, sur briqueterie, pas briqueterie, réhabilitation de travail ou pas. Ensuite, sur proposition d'habitants aujourd'hui élus, nous sommes orientés et nous avons mis en discussion le stade des Rigondes. Discussion, débat, polémique. Donc on a recherché du consensus. Croyez-moi que dans les autres villes, on ne recherche pas de consensus pour reconstruire un collège. Finalement, on a fait le choix d'avoir, et c'était un engagement de campagne, des différentes listes qui ont fusionné, une consultation publique pour le choix du collège. À plus de 70%, les personnes qui ont voté, environ 1000 personnes, ont fait le choix du site de la briqueterie. C'est un fait. Nous avons tardé, mais nous avons tardé parce qu'après, il a fallu reprendre des discussions avec le département, consolider le foncier. Nous avons consolidé tous ces éléments l'an dernier. Donc effectivement, à un moment donné, le démarrage de l'opération est décalé. Dire aujourd'hui, en fait, on ne peut pas à la fois dire aux associations sportives, il va vous péter la tribune tout de suite, et regretter ensuite qu'elle soit décalée au bon moment. Donc la tribune de la briqueterie, et les associations le savent et vous le savez, est prévue en février-mars prochain, donc à la lisière de la fin du mandat et peut-être du début du suivant. Donc voilà, en fait, on a un projet d'investissement au plus près. On a des engagements du département et croyez-moi que dans un certain nombre de villes, lorsqu'on met un peu de temps à sortir un collège, le collège, il change de ville. Donc, effectivement, on a pris du temps. On a recherché du consensus. J'ai ma part, mais peut-être qu'on aurait pu reconstruire le collège. Certains le proposaient sur le terrain Jean Lolive ou ailleurs. On a fait ce choix. Il a été tranché démocratiquement par les personnes qui se sont déplacées. Et aujourd'hui, on avance. Et en fait, c'est quand même assez paradoxal de regretter aujourd'hui, 13 mars 2025, un retard dans ce projet, alors qu'on ne l'a pas fait. Et on a même critiqué, Edith, pardon, mais il me semble que ton groupe a regretté le choix du site de la briqueterie. Si. Puis Jean-Claude, je me souviens très bien que tu as souhaité aller consulter les listes électorales, la liste des gens qui avaient voté, puisque tu regrettais que trop d'enseignants, trop de salariés du collège aient participé au vote. Je n'invente rien, en fait. Je veux dire, à un moment donné, on peut me faire passer pour un mythomane, mais tu as demandé à pouvoir consulter la liste des gens qui avaient voté. Parce que nous avions eu le débat, et je me souviens très bien, de Visio, sur quel est le corps électoral le plus démocratique pour le futur collège. Donc il a été fait le choix d'y intégrer les habitants, mais aussi les salariés du collège. Donc voilà, le choix a été fait. Et aujourd'hui, on est dans un programme, effectivement, dans une opération tiroir. Effectivement, je pense qu'on devrait se féliciter d'avoir une piscine neuve, d'avoir un dojo municipal nouveau, d'avoir un nouveau collège à la rentrée 2028. Effectivement, c'est trop long, mais c'est à la rentrée 2028, d'avoir Pêche d'Or et d'avoir un nouveau stade, parce qu'on va aussi avoir un nouveau stade avec une piste. Bon, voilà, on essaye de tenir tous les bouts, mais ça n'est pas la faiblesse d'investissement de la ville qui a fait qu'on a décalé tout ça. C'est qu'à un moment donné, la consultation publique, elle a eu lieu, si ma mémoire est bonne, à l'été 2021. Et ensuite, à un moment donné, il a fallu discuter avec le département, arrêter le foncier, et aujourd'hui, c'est lancé, et je rassure tout le monde, le département construira ce collège dans le cadre d'une maîtrise d'ouvrage public, puisque c'était une question qui avait été soulevée à ce moment-là. Désolé d'avoir été un peu long. Édouard de Noël. Merci, bonsoir à toutes et à tous. Ce débat d'orientation budgétaire est le dernier de la mandature. Il fixe le cadre du budget qui sera soumis à nos voix le 3 avril prochain, et ça sera également le dernier budget de ce mandat. C'est en ce sens un moment un peu singulier que ce temps budgétaire de fin de mandat, car en réalité c'est une charnière qui nous oblige déjà à regarder ce qui a été fait au cours des 5 années passées, mais aussi à continuer à fixer des orientations pour les années à venir. L'an passé, au même moment, je résumais l'exercice budgétaire comme le moment de choisir sous contrainte. Il était alors difficile pourtant d'imaginer que la contrainte serait si forte en cette année 2025 avec un budget de l'État finalement aussi austéritaire. Les collectivités locales, on l'a dit, sont sous la pression financière de l'État qui resserre peu à peu son étau. Malgré cela, il convient d'avancer et d'expliquer devant nos concitoyens les choses à faire pour l'avenir. Alors concrètement, ce rapport d'orientation budgétaire contient cette année des motifs de satisfaction. D'abord, on l'a dit, un moindre recours à l'emprunt. Par ailleurs, une amélioration de la soutenabilité de la dette avec une capacité de désendettement améliorée. Et enfin, des priorités politiques affirmées, priorités budgétaires renouvelées pour éducation, jeunesse, transformation écologique du territoire. Ce rapport d'orientation budgétaire contient malgré tout des points de vigilance. D'abord, rappeler que cette année, le budget est bouclé avec une cession importante du patrimoine foncier de la ville, on l'a dit, 6 millions d'euros, ce qui ne sera évidemment pas possible chaque année. Ensuite, les fameux emprunts in fine qui sont un lourd héritage et qui restent une menace financière importante pour Bagnolet à mesure que leur échéance se rapproche et qu'il faut donc continuer à anticiper. Enfin, il faut souligner que les produits de la fiscalité ont augmenté de 30% en 3 ans. Concrètement, il s'agit des impôts des Bagnoletais qui abondent le budget, budget dont ils peuvent légitimement attendre davantage au quotidien, notamment en matière de cadre de vie, je pense à la propreté, je pense à la voirie. Il ne s'agit pas d'avoir un rapport de client face au service public, mais si on demande des efforts à la population, la collectivité doit faire plus et mieux pour que l'effort soit consenti. Nous parlons ce soir d'orientation budgétaire et nous allons débattre âprement, je pense, du budget 2025 dans les prochaines semaines. Mais au final, la politique d'une ville, ce n'est pas réductible à une équation comptable. Il y a des priorités politiques, Il y a des montants en jeu, certes, mais la politique d'une commune, c'est aussi la vision qu'on développe, la manière dont les décisions sont prises, et c'est aussi la façon d'associer au mieux les habitants, et c'est tout aussi important. Et puisque nous en sommes ce soir à parler d'orientation budgétaire, je souhaiterais qu'on élargisse la focale et qu'on profite de cet instant pour parler des orientations que prend la ville en cette fin de mandat. Ici, nous souhaitons tirer un signal d'alarme fort sur une récente, mais plutôt inquiétante, direction que prend Bagnolet et qui mêle des sujets de transparence et décisions publiques, de questions budgétaires et d'enjeux urbanistiques. En effet, nous, élus de la majorité, avons appris incidemment que depuis la fin de l'année 2024, un concours de promoteurs avait été lancé par la ville, et ce, malheureusement, dans le dos des élus de la majorité, pour ce qui s'apparente au plus gros programme immobilier privé du mandat dans le quartier des Coutures. Il s'agit d'un programme mixte qui fait la part belle au logement avec une programmation possible au-delà des 20 mètres de haut, à cheval entre l'avenue Gallieni et la rue Jules Ferry. Cette découverte nous a surpris, c'est peu le dire, et la méthode nous interroge. Parce que ça pose d'abord une question de transparence. Lors des réunions de la majorité, nous allons parfois débattre de sujets qui ne sont pas anodins, mais qui sont moins importants, jusqu'au style des décorations de Noël de la ville. Alors comment penser que nous pouvions ne pas avoir un débat en amont sur ce programme particulier, qui est un programme d'envergure et qui va reconfigurer le nord du quartier des Coutures et notoirement le densifier ? Ça pose aussi la question de l'engagement que nous avons pris en matière de moratoire sur les constructions d'habitat et singulièrement dans un quartier qui se densifie fortement ces derniers temps. Ça pose aussi une question fondamentale sur la production des équipements publics dans la ville. Dans ce projet, les promoteurs doivent livrer une coque vide pour un futur gymnase que la ville rachètera ensuite. Mais alors, ce qui nous interroge, c'est comment mener aussi rapidement ce projet quand, par exemple, à ce stade, les avenues départementales de la ville n'ont pas encore été rénovées, que le collège travail, ça a été dit, attend depuis trop longtemps, que la salle de gymnastique attenante est menacée dans la future programmation ou encore que nous avons décalé la reconstruction de l'école Langevin. Incidemment, cela pose aussi la question de l'avenir du gymnase Jean Renaud actuel et de la densification qui est envisagée sur cette parcelle. Ça fait beaucoup de questions. En transparence, nous les partageons afin que chacune et chacun sache ce qui se joue dans ce quartier, mais aussi au-delà. Nous espérons que la ville ne renoue pas avec des vieux démons de course à la construction et nous gardons un œil sur les annonces non concertées, là encore, de reconstruction du CMS, lequel CMS est aujourd'hui établi sur une parcelle tant convoitée par ces mêmes promoteurs. Nous appelons en conséquence la population, comme sur les questions budgétaires dont nous redébattrons dans 3 semaines, ou sur les questions de services publics communaux, à se saisir des enjeux urbanistiques, car ils façonnent la ville dans laquelle nous souhaitons vivre ensemble. Je vous remercie. Oui, merci Monsieur le maire. Bon, je n'avais pas forcément prévu de commencer par cette partie-là, mais comme je tombe de ma chaise, je vais commencer par la partie urbanisme. Parce que je pense que j'étais un petit peu visé par ton intervention, Edouard. Donc, comme tu étais au conseil de quartier des Coutures, c'était 8 jours. Il y avait un match de foot, il y avait PSG qui jouait. Match aller. Voilà, match aller. Mercredi dernier. Bon. Tu étais là, donc si tu veux, tu n'as pas appris à ce moment-là, ou du moins si tu l'as appris à ce moment-là, c'est un peu regrettable, mais on a dit à la population, de façon totalement transparente, comme on l'a toujours fait, et là je pense que tu ne peux que rendre honneur au travail que j'ai pu réaliser, sur le fait qu'on a toujours été très transparent, on a présenté des dizaines de dossiers qui ne se sont pas forcément réalisés, ça a pris un temps infini en bureaux municipaux. Sur tous les projets d'urbanisme de la ville, il y a une méthodologie qui existe bien avant que tu sois élu lors du précédent mandat sur le fait qu'après Marc Everbeck, le maire Tony Di Martino s'était engagé à présenter aux élus, à présenter en conseil de quartier et donc d'essayer d'avancer en toute transparence pour justement, puisque tu l'as dit, je ne vais que te reciter, éviter de réveiller les vieux démons. Sincèrement, s'il y avait un tel scandale sur la ville, je pense que le conseil municipal serait rempli avec des gens qui taperaient sur des casseroles comme j'ai pu le connaître du temps de Marc Everbeck. Là, aujourd'hui, il est quand même très calme. Donc, je pense que ça ne sert à rien de mettre le feu. sur un sujet comme celui-ci, puisque je vous l'annonce, puisque je viens de vérifier, c'est tellement secret, que c'est sur le site web de la ville. Voilà, donc on est assez stupide pour cacher des choses, mais en même temps les dévoiler. Bon, je pense qu'on a des petits conseils à prendre sur la discrétion. Maintenant, c'est vrai, effectivement, sur cette parcelle-là, qui est aujourd'hui, dont le propriétaire n'est pas la ville, entre parenthèses, mais l'EPFIF, hein. Il y a un projet d'avancement, mais tout à fait classique. Et somme toute, puisqu'il y a un problème de transparence, comme tu le dis, moi, je propose qu'au prochain conseil municipal, ça soit abordé avec l'ensemble des élus, pour dégonfler cette affaire qui ne devrait pas l'être, parce qu'effectivement, il y a une volonté forte de construire un nouveau gymnase. Donc, si vous voulez, c'est tellement secret et c'est tellement un point négatif pour le quartier qu'on a annoncé en conseil de quartier qu'on voulait construire un nouveau gymnase. Bon, je pense qu'il y a vraiment pire scandale. Parenthèse fermée là-dessus, mais je veux bien l'aborder au prochain conseil municipal, comme ça, ça évitera les rumeurs. Mais si ma mémoire est bonne, Monsieur Vionnet, vous avez soulevé la question au dernier conseil municipal. Et on en a parlé. Ma mémoire ne me fait pas défaut. Voilà. Non, mais c'est donc il n'y a rien de secret, en fait. Voilà. Bon. Je l'ai découvert aussi, pas au conseil municipal, mais en récupérant des éléments un peu par la bande. Mais après, c'est sur le site web de la ville. Encore une fois, aller sur le site web de la ville. Moi, je n'ai pas le temps d'aller sur les blogs de certains élus. Hein. C'est pas ça qui me fait avancer sur la construction municipale. Je suis plus focalisé sur les dossiers des services. Maintenant, sur le CMS, bon, on ne va pas faire de grands secrets non plus. Je crois que le maire l'a écrit, le maire l'a annoncé. Oui, il y a une volonté forte dans l'héritage communiste de renouveler ce centre municipal de santé. Et encore une fois, ce n'est pas un scandale. Hein. Bon, on ne va pas le cacher qu'on veut construire un nouveau centre municipal de santé. Bien au contraire, on va l'annoncer. Enfin, c'est une fierté quand même de construire ce nouveau centre municipal de santé. Et donc, je l'annonce parce que je ne voudrais pas que ce soit trop secret entre nous, donc voilà, à l'ensemble des élus et à la population présente et ceux qui nous écoutent, qu'une note méthodologique va être présentée au prochain bureau municipal pour justement associer les élus de la majorité, les élus de l'opposition, les usagers du centre municipal de santé, les citoyens de Bagnolet, pour savoir quel programme, quel investissement faire et où le faire. Moi, j'ai ma petite idée, le maire aussi, mais bien évidemment qu'on n'avancera pas sans votre consentement, comme on l'a toujours fait. Voilà sur la partie CMS. Mais encore une fois, je suis ouvert, si vous avez des questions sur le CMS, à y répondre. Maintenant, j'avais prévu d'intervenir sur un autre sujet, plus en rapport avec ce qu'a dit Jean-Claude, parce que là aussi, je suis un peu tombé de ma chaise. Alors, je sais qu'on est quand même à quelques mois des élections municipales, que tout est peut-être un peu permis, mais sans ironie, moi, je propose qu'on filme les bureaux municipaux. Vraiment. Je propose qu'on filme les institutions comme la présidence, comme la réunion des présidents de groupe, qui dure en tout et pour tout 30 secondes. 30 secondes. C'est-à-dire que pour préparer un conseil municipal comme celui-ci, où beaucoup prennent la parole, beaucoup bavardent, mais alors en réunion d'instance de travail, c'est le silence complet. Je vais vous expliquer pourquoi il y a le silence complet. Parce qu'on préfère faire le show au conseil municipal. Moi, je préférerais qu'on travaille davantage lors des instances. Sincèrement, il y a eu une commission des subventions. Là, c'était une belle commission, c'était lundi dernier. Il y a eu du débat, on n'est pas toujours d'accord, mais on a trouvé un consensus. C'est une des rares commissions qui, effectivement, a bien fonctionné. Et c'est plutôt à l'honneur des bagnoletaises et des bagnoletais. Mais par contre, certaines instances qui durent 30 secondes parce que personne ne veut prendre la parole, mais par contre, on est intarissable en conseil municipal, il y a quand même un souci. Voilà. J'y vois pas, en tout cas, une attitude responsable, chers collègues. Maintenant, sur la sanctuarisation. Oui, j'aurais aimé que ça soit filmé, parce que sincèrement, heureusement que M. le maire a ressorti la note de cadrage. Mais comment peux-tu dire, Jean-Claude, qu'aucun budget n'était sanctuarisé, quand tout le monde ici de la majorité est capable de se rappeler qu'effectivement, le maire a toujours dit, et il l'a même écrit dans son édito, et on l'a repris, nous, dans notre tribune politique, donc encore une fois, il n'y a rien de secret, que la santé, l'écologie, l'éducation étaient sanctuarisées et n'étaient pas concernées par cette baisse de fonctionnement ou d'investissement. Donc, mais c'est écrit. Mais après, sincèrement, on ne va pas refaire... Tu fais un certain show, Nous, on est là pour rétablir la réalité, après, la vérité. On peut distribuer la note. Hein. Et on peut distribuer la note aussi. Comme on a distribué la note la dernière fois sur la protection fonctionnelle, à un moment, tout est écrit noir sur blanc. Bon, il n'y a que les complotistes à un moment qui nient la réalité. Hein. Et sincèrement, il est toujours dur de lutter contre les mensonges. Après, sur le PPP, parlons-en, mon cher Jean-Claude du PPP, mais j'ai cru entendre dire que certains élus, peut-être qu'ils s'exprimeront dans quelques instants, puisqu'ils ont demandé la parole, soit du PPP, mais qu'ils le disent ouvertement, qu'ils le clament, qu'ils le disent ouvertement que cette méthode de droite serait la bienvenue à Bagnolet. Eh bien, je te le dis, parce que je sais que le maire est contre. Nous sommes contre. Nous sommes contre. On finit par avoir peur de gêner, là. On va s'esquiver. Rester. Oui, mais restez. C'est mieux. En fait, non, mais à un moment, il faut... En fait, votre présence désinhibe et permet de répondre. Voilà. Restez, franchement, ne partez pas. En tout cas, c'est... Bon, cette vertu de désinhibition, nous en sommes ravis. Mais ce n'est... En fait, Est-ce qu'on parle des DSP dans les crèches, non, quand tu parles de partenariat public-privé? C'est de ça dont tu parles? Non, on parle parce que là, moi, j'ai vu la position du Parti socialiste à l'Assemblée nationale, dans sa niche parlementaire, de critique de la financiarisation des crèches. Moi, je suis intervenu dans le même sens, mais ce n'est pas ça qui s'est passé. Moi, je ne suis pas pour le partenariat public privé. Moi, j'ai créé un service. Cédric Pape tout seul. Non, mais en fait, pardon, Jean-Claude. Cédric de me faire insulter et de ne pas pouvoir répondre. Donc, où on fait un débat, je suis mis en cause, je reprends la parole derrière. Cédric Pape tout seul, et tu auras l'occasion de répondre ensuite, Jean-Claude, mais personne ne t'insulte. En fait, à un moment donné, lorsqu'on porte... En fait, moi, j'étais collaborateur au département en 2008, lorsque Claude Bartolone a mis en place des partenariats publics-privés pour essayer de sortir des collèges. Et je me souviens des débats de l'époque. Je m'en souviens. Voilà. Je travaillais auprès de Daniel Guiraud, premier vice-président chargé des finances. Et je me souviens de ce que tu as pu dire à l'époque. Mais on est en démocratie, on a le droit. Moi, pardon Jean-Claude, je m'étonne que ton groupe, que des membres de ton groupe, regrettent, et je mets des guillemets, que le maire de Bagnolet n'ait pas eu recours à des partenariats publics-privés pour reconstruire des écoles. Voilà, ça, c'est du débat de fond. Non, mais c'est de la rumeur. Notre groupe n'a jamais pris position pour des partenariats publics-privés. Alors, tu as peut-être entendu quelqu'un dire que si, que ça, mais ce n'est pas notre position. Et alors, s'il y a quelqu'un qui défend, qui est contre les partenariats publics-privés et qui a créé un service public de l'eau, bon, en tout cas, c'est moi. Et moi, quelqu'un qui défend le service public, c'est moi. Alors, pas de mauvais procès. C'est pas sérieux. Par contre... Pardon. Jean-Claude, la régie publique de l'eau, tu ne l'as pas créée. Pardon, monsieur le maire, mais on a parlé des crèches. Qui veut faire des DSP dans toutes les crèches, alors que le Parti socialiste, au niveau national, dans sa niche parlementaire, dénonce la financiarisation du système des crèches? C'est pas moi. Et moi, je me suis prononcé contre le fait de donner encore une DSP dans une crèche au privé. Voilà. Donc, parlons-en du public et du privé. Cédric, tout seul, il y a une grande différence entre une DSP où il y a un contrôle public et un partenariat public-privé. Et pardon, Jean-Claude, mais dire que tu as créé une régie publique de l'eau, toi, tout seul, avec tes petits bras, je trouve ça quand même un peu présomptueux de ta part. Je pense que tu n'as pas été le seul à créer cette petite régie publique de l'eau avec tes petits bras. Je pense que tu l'as fait parce qu'il y a eu une mobilisation politique transpartisane, y compris ici, des élus, toutes tendances politiques confondues, qu'il y a eu une position... En fait, je pense que si Est Ensemble n'a pas réadhéré au CEDIF au cours du précédent mandat, j'ai ma part de responsabilité. Je pense également que Patrice Bessac, il y a aussi un peu sa part des responsabilités dans la création de la régie publique de l'eau. Et je pense aussi, pardon de le dire, que le pôle écologiste d'Est Ensemble, qui a fait le choix de te désigner comme candidat à la présidence de la régie publique de l'eau, il y a aussi sa part de responsabilité. Voilà. À un moment donné, on a le droit au débat, on a le droit de se dire les choses, mais il faut remettre des choses de manière claire et précise et de manière juste. Et ce que je viens de dire est purement factuel. Cédric Pape. Bon. Autre sujet, maintenant sur la dette. Bon, je serai quand même assez court parce qu'il faut avancer dans le conseil municipal. On peut avoir des débats de chiffres, effectivement, faire des additions, des soustractions et parler pendant 10-15 minutes et en noyant, je trouve, avec trop d'informations, la vraie raison de la dette. En fait, moi, je trouve qu'il y a quand même derrière tout cela, c'est pas. On a l'impression, notamment quand je vous écoutais, M. Stalins, qu'en fait, l'idée, c'est qu'on avait perdu cet argent-là et qu'on allait le rembourser. Donc, on l'avait cramé, en quelque sorte, et que ça n'avait servi à rien et qu'il fallait le rembourser un jour ou l'autre. Il ne faut quand même pas oublier à quoi a servi cet argent. Et ça, c'est quand même très important. Donc, le maire le rappelait tout à l'heure. Évidemment, ça me concerne au premier chef, l'ANRU, parce que ce débat-là, en fait, on l'a eu, mais des dizaines de fois, vous êtes d'accord avec moi, M. Stalins. Et on l'a eu avant que vous soyez élu. Et à l'époque, celui qui avait à peu près le même discours que vous, c'était M. Renaudin. Donc, si vous voulez, en quelques secondes, je vais le refaire, ce débat-là. Oui, nous pourrions avoir effectivement une mairie un peu plus saine financièrement, avec beaucoup moins de dettes, mais, et le mais est très important, et là, moi je ne sais pas ce que vous auriez voté à l'époque, puisque vous n'étiez pas élu, mais sans la politique de rénovation urbaine des Malassis et de l'ANOU. Donc ça veut donc dire que là, quand on voit les premiers travaux qui commencent avec la démolition de la dalle tant attendue par beaucoup d'habitants en Malassis, quand on voit la requalification de l'ANOU qui arrive enfin à son terme après d'années de complexité, de débats, le Conseil citoyen a appuyé fortement le travail qui avait été accompli ces dernières années, il nous accompagne dans la finalisation de cette requalification de la dalle, bah tout ça, ça n'aura pas pu se faire. Donc l'argent, il a servi à cela. Et donc dire aujourd'hui aux Bagnoletais, il y a trop de dettes, oui, on peut partager ça. Mais à quoi ça a servi? Ça a servi justement à renouveler pratiquement deux quartiers dans Bagnolet. Et c'est tellement recherché, parce que j'ai déjà eu ce débat-là, par exemple, avec Shaoki Haddad. Je peux vous assurer que les habitants de la Capsulerie souhaiteraient avoir les mêmes investissements pour refaire le quartier. Et si demain, il y avait un ANRU volet 3 consacré à la Capsulerie, je le dis là sans ironie, je suis sûr que Shaoki serait derrière moi pour me dire « Fonce Cédric, je vote derrière toi parce que le quartier en a besoin ». Et je suis pratiquement sûr que vous voteriez pour aussi, M. Stalins. Je peux... Juste, l'objet de votre intervention, je la partage. Mon intervention n'était pas basée sur comment nous avons dépensé cet argent, mais comment nous allons le rembourser. Votre intervention se résume à, effectivement, on en a fait quelque chose, cet argent. Mais ma question, une fois encore, était de savoir comment nous allions rembourser ces emprunts. Mais apparemment, vous n'avez pas la réponse. Je voulais expliquer. Après, vous pouvez ne pas être d'accord, mais je vous l'ai donné. Il n'y a pas eu de réponse précise concernant la deuxième et la troisième tranche de remboursement. Mais si, continue. Amit Chahir, ensuite Vassindou et Monsieur Vionnet. Merci. Alors, moi, je reviens. En fait, aujourd'hui, chers collègues, nous sommes réunis ici pour examiner le rapport budgétaire 2025. Un document qui devrait nous guider vers un avenir financier, clair et responsable pour notre chère ville de Bagnolet. Malheureusement, pour ma part, ce rapport ne répond pas aux attentes des élus ni aux citoyens et ne permet pas de prétendre des décisions éclairées quant à l'avenir de notre collectivité. Ce rapport, bien qu'accessible dans sa présentation, manque cruellement de profondeur. Il est difficile de comprendre la véritable situation financière de notre ville et d'engager un débat constructif sur le choix qui s'offre à nous. Les chiffres avancés, promettant une gestion saine et éclairée, s'avèrent parfois trop optimistes, laissant planer des doutes sur leur sincérité et leur viabilité à long terme. Les habitants de Bagnolet méritent une transparence totale sur les finances de leur ville. Or, l'absence d'évaluation des politiques en cours, évidemment au niveau national, nous empêche d'aborder sereinement les priorités et le coût réel des services publics. Je pense qu'on aurait dû bénéficier des fiches actions sectorielles en annexe qui auraient permis d'analyser les choix effectués et les besoins de la population en tenant compte des données démographiques, environnementaux et sociaux. On nous parle d'un budget maîtrisé avec un autofinancement de 12 millions d'euros, mais pour ma part, il s'agit là d'un mirage comptable. Les raisons en sont claires. Augmentation des impôts locaux de 48,1 millions d'euros en 2024, nous passons à 49,2 millions d'euros en 2025. Subventions extérieures non assurées. Elles sont déjà intégrées dans le budget, mais leur obtention reste incertaine. Réduction des charges. Si des économies sont annoncées, nous n'avons pas de visibilité de celles-ci. Pourquoi ne pas parler franchement aux Bagnoletais ? Que se passera-t-il si ces subventions ne sont pas obtenues ? Devons-nous craindre une nouvelle augmentation des impôts ou une réduction des services publics déjà fragilisés ? Les dépenses de fonctionnement, quant à elles, continuent d'augmenter. On nous promet une baisse des charges générales de 5%, mais en parallèle, la masse salariale s'accroît de 1,57 million d'euros. Donc, il serait essentiel de savoir si cette augmentation est liée à des futurs recrutements qui, malheureusement, augmentent souvent à l'approche d'une période électorale ou pour répondre vraiment à des besoins spécifiques. D'autre part, une enveloppe de 800 000 euros pour des tickets à restaurant suscite de légitimes interrogations. Pour moi, il est difficile de comprendre cette nouvelle dépense, même si pour les agents, c'est important, et que ce type de paiement permet à certains de faire des achats. J'aimerais savoir combien coûtait l'accès dans les restaurants de la ville qui pourtant dynamisaient le commerce de proximité. Donc, il devient difficile de prétendre maîtriser les dépenses lorsque les charges fixes augmentent et que les recettes demeurent incertaines. Ce manque d'anticipation soulève des préoccupations quant à notre capacité à créer un véritable dialogue social. Lors du dernier conseil, il a été souligné l'importance d'une communication ouverte avec les partenaires sociaux. Il est urgent d'agir sur des problématiques telles que le turnover des agents, notamment au sein des cadres, et d'identifier les raisons du mal-être ressenti par le personnel, comme le signalent les syndicats. En ce qui concerne nos ressources humaines, il est impératif de reconnaître que la souffrance au travail est une réalité qui touche de nombreux agents, comme par exemple ceux qui ont quitté les services de l'urbanisme et où les problématiques d'organisation des ressources humaines décriées par de nombreux agents qui doivent rester bien souvent sans réponse de leur situation administrative. Le conseil municipal a déjà tiré la sonnette d'alarme sur ce sujet. Il n'est pas acceptable, d'autant que de talents quittent notre collectivité, créant ainsi un stress supplémentaire pour ceux qui restent. C'est un coût incertain pour la collectivité. Les ressources humaines sont le ciment et la fondation de notre service public. Nous ne pouvons pas envisager notre collectivité comme dans un système intérimaire, avec des agents interchangeables. Nous sommes avant tout une organisation au service des habitants qui demande de l'engagement à terme et de la motivation. Il est donc essentiel de revoir votre stratégie RH et de mettre en place des objectifs clairs pour améliorer notamment le bien-être des agents. Stabiliser notre personnel, particulièrement les encadrants, former son personnel, sont des nécessités pour garantir la qualité de nos services et atteindre nos objectifs communs. Concernant la dette, tout le monde en a parlé plus ou moins, pour moi, elle reste un sujet préoccupant majeur. La ville devra débourser 29 millions d'euros dans les années à venir et une provision de 1,4 million d'euros pour un an semble insuffisant. Cela signifie que Bagnolet pourrait se retrouver dans une position où elle devra choisir entre emprunter à nouveau ou réduire des services publics essentiels. Donc, question, qui portera le poids de ces décisions ? Dès le début de ce mandat, nous avons alerté sur la nécessité de suivre les recommandations de la Cour des comptes. Pour beaucoup, on oubliait, mais rien n'a été fait. Je précise, la Cour des comptes avait mis en évidence un risque majeur, et ça, c'est la Cour des comptes qui le dit, un risque majeur pour la solvabilité de la commune en raison de 3 emprunts souscrits, remboursables en une seule fois à l'échéance. Elle recommandait de mettre chaque année en réserve 1,59 million d'euros. Pourtant, depuis 2015, rien n'a été provisionné. Ce n'est qu'en 2018 qu'une provision symbolique de 350 000 euros a été mise en place, un montant totalement insuffisant. Pourquoi avoir ignoré ces recommandations ? Pourquoi ne pas avoir anticipé cette situation ? Certes, en 2031, la commune devra rembourser 10 millions d'euros d'un coup. Donc, monsieur le maire, vous ne pouvez pas dire que vous ne saviez pas. Vous avez fait le choix de ne pas suivre la recommandation de la Cour des comptes, et ça depuis un certain temps, et ce sont les Bagnolais qui devront en payer le prix. Parce que moi, si je fais un calcul par rapport à vos 1,4 million d'euros à partir de cette année jusqu'en 2031 pour rembourser les 10 millions d'euros par déduction, il manquera déjà 200 000 euros. En 2033, si nous devons rembourser les 9 millions d'euros, mais nous n'aurons que 2,8 millions d'euros si on reste sur le train de 1,4 million, il manquera 6,2 millions d'euros. Et en 2035, nous devrons rembourser encore une fois 10 millions d'euros. Et si on reste sur le train de 1,4 million d'euros, donc ce qui fait sur 2 ans 2,8 millions d'euros, donc il manquera encore 7,2 millions d'euros. Merci. Si vous le permettez encore, donc, cher ami, effectivement, les emprunts, on les a souscrits en 2015. Les élections municipales, elles ont lieu en 2020. On n'a pas provisionné avant, ça t'a pas empêché de rejoindre ma liste en 2020. Ensuite, la fiscalité. Je l'ai dit, nous n'augmentons pas les taux. Les bases augmentent, les produits augmentent. Nous n'augmentons pas les taux de la fiscalité. Nous n'augmentons pas le foncier cette année. Le turnover des cadres, effectivement, il existe, mais il faut que les cadres puissent travailler sereinement. Tu en sais une chose, puisque... Je veux dire, tu es le seul élu à être monté au service urbanisme pour consulter un permis de construire qui était en cours d'instruction. Donc effectivement, à un moment donné, il y a des règles de base. C'est de laisser travailler les services sereinement, notamment à l'urbanisme, puisque c'est toi-même qui as évoqué ce service, cette direction. Donc à un moment donné, quand effectivement on monte au sixième étage et qu'on interroge sur un permis en cours d'instruction, c'est-à-dire des choses que moi-même je ne me permets pas de faire, c'est problématique. Ensuite, une question, puisque t'as pas... Ensuite, pardon, je ne t'ai pas interrompu. Ensuite, tu parles de service public, tu parles des syndicats et tu parles de coûts du service public. Tu parles de contrôle de gestion. Je pense que je t'invite à lire ce qu'écrivent les syndicats. Je pense que visiblement, vous ne parlez pas le même langage. Vous ne parlez pas le même langage. Les syndicats ne parlent pas du coût du service public. Et effectivement, le coût du service public, il ne me semble pas que ce soit, comment dire, de manière diplomatique. Ce n'est pas dans la rhétorique de gauche, en fait, le coût du service public. C'est plutôt dans la rhétorique libérale, on va dire. Donc effectivement, parler de coût du service public dans cette enceinte, je trouve ça assez surprenant. Ensuite, sur le désendettement... J'ai déjà répondu, je ne vais pas revenir là-dessus. Effectivement, on désendette. Voilà, c'est les faits. Les faits sont têtus. 53 années il y a 3 ans, 18 années de capacité de désendettement cette année. Ce n'est pas satisfaisant, on est au-dessus des ratios. Je ne dis pas que c'est bien, mais 18 ans, c'est mieux que 53 et c'est mieux que l'infini. Hein, à un moment donné, c'était l'infini, on ne pouvait pas quantifier notre capacité de désendettement. Donc voilà, on bosse, on provisionne pour la première année. Si on avait pu provisionner avant, on l'aurait fait. Voilà, c'est tout simplement ça. Et donc, à un moment donné, tu parles de financement extérieur. Je rappelle une règle très simple. Les finances publiques, ce n'est pas la comptabilité privée. Donc, les recettes les subventions qui figurent dans ce budget sont des subventions qui nous ont été notifiées. Donc, elles sont par définition certaines. C'est la base des finances publiques. Et les subventions qui pourront nous être notifiées en cours d'année viendront abonder des décisions modificatives budgétaires en cours d'année, comme on le fait tous les ans. Donc, les subventions sont certaines. Voilà, elles ont été notifiées. Donc, je trouve ça quand même assez surprenant, puisque je rappelle quand même que tu es chargé des financements extérieurs. Donc, tu devrais savoir que les subventions qui figurent au budget sont notifiées, tout simplement. Ça reste notifié, comme tu dis. C'est notifié, mais c'est pas... Ah, c'est notifié, donc c'est certain. Oui, non, mais il faut que ça soit validé aussi. Non, ce qui est notifié est certain. Moi, j'appelle, enfin, c'est la base de des finances publiques. C'est tout. Voilà. Donc, j'ai Cédric qui voulait dire un mot. Mais tu n'as pas répondu quand même à l'augmentation. Monsieur Chaillet. Non, c'est Cédric Pape, là, maintenant. Non, non. Tu me disais que de 48 millions d'euros. Merci, monsieur Chaillet. Non, c'est chacun son tour. Cédric Pape, j'ai Anne de Rugy inscrit, j'ai Pierre Vionnet, j'ai Vassindou Cissé. Moi, de toute façon, ça va durer très peu de temps, mais on ne va pas faire un concours d'éloquence, on ne va pas se prendre la parole l'un sur l'autre. Non, mais tout simplement. Donc, merci, monsieur Chaillet. Ce n'est pas des réponses, tout simplement. En fait, moi, je voulais juste revenir pour l'ensemble des élus du conseil municipal, donner une information importante, parce que ce n'est pas tellement mon éthique de cacher des choses en urbanisme. Donc, comme j'étais piqué un peu au vif, je rebondis, j'ai demandé qu'on ressorte le rapport, le compte-rendu d'activité de l'année 2023 de l'EPFIF qui a été présenté en conseil municipal en novembre dernier. Je remercie... Ça va faire sourire, mais monsieur Vionnet, parce que un peu grâce à vous, je lave mon honneur. Donc, moi, je vois page 9. Donc, je vous demande, chers confrères, d'aller sur la page 9 de ce rapport. Mais je pense que tu le savais déjà, mon cher Edouard. On parle bien de la parcelle donc, que tu évoquais tout à l'heure dans les coutures. Et on peut lire, donc, effectivement, je ne vais pas tout vous relire, tous les paragraphes, mais je vous laisserai le faire parce que vous l'avez, c'est un document public qui a été voté en conseil municipal. Donc, on voit bien les actions engagées en 2023 et on voit bien que l'EPFIF travaille sur cette zone. On voit bien les perspectives 2024 où, très concrètement, c'est marqué, cette année devra se concentrer à finaliser une consultation de 6 opérateurs avant l'été, avant d'en désigner un et de s'accorder sur les termes d'une promesse de vente. Le projet, l'élargissement du périmètre avec les parcelles AC12, AC13, AC7, s'est traduit par une redéfinition de la programmation. Il est désormais prévu de développer un projet résidentiel mixte. Je vous passe les chiffres. De logements, des logements sociaux, surface commerciale et d'un équipement sous forme de gymnase. Donc, sincèrement, les bras m'en tombent quand il y a une volonté de dire que je cache des choses. Merci, monsieur le maire. Je vais un peu mettre de parole féminine dans cette assemblée sur les chiffres. Pour revenir, parce que je trouve que le débat est quand même très difficile à suivre et on a parfois l'impression d'entendre Retailleau sur la dette. Deux choses qui sera le message de Bagnolet en commun. La première chose, c'est que oui, en effet, le budget est très contraint. Il est très contraint, comme au niveau des collectivités territoriales, il est très contraint, comme l'est aussi le budget des universités. Aujourd'hui, 2/3 des universités en déficit. Évidemment, notre collectivité ne peut pas se permettre d'être en déficit. Il est très contraint aussi, donc par des contraintes nationales, il est très contraint aussi localement, effectivement, par l'endettement. Et le point important... plutôt que de dire la dette, la dette, la dette comme un cabri, c'est de se demander quelle est la trajectoire et est-ce qu'il y a une réduction. Et là, en effet, oui, il y a un effort de réduction. Et si on rapporte le budget de la ville à la dette, eh bien, en effet, on est aujourd'hui sur 18 ans, ce qui pourrait être plus bas, mais on a quitté... un niveau extrêmement élevé rapporté au budget de la ville. Et puis, évidemment, pourquoi est-ce que c'est la trajectoire qui est importante ? Parce que notre objectif, c'est de maintenir des services publics, à commencer par le centre municipal de santé, les services publics qui sont assurés aussi par Est Ensemble, la cuisine municipale. Voilà, on pourrait faire le tour des services publics qui sont effectivement l'héritage de Bagnolet de génération en génération. Ensuite, ce budget très contraint, oui, il contraint à faire des choix. Je reviens sur la question de la DSP pour les crèches. Ce n'est pas un choix idéal, en effet. Mais le choix n'était pas entre DSP ou crèche publique, mais entre DSP ou ne pas ouvrir de nouvelles places en crèche dans un délai raisonnable. Si vous voulez maintenant notre avis sur les crèches, bien notre avis, c'est qu'il faudrait un grand service public de la petite enfance, car c'est ça dont les parents ont besoin, avoir, non pas être dans l'angoisse de savoir comment leur bébé sera gardé avant la naissance ou après sa naissance, mais être sûr qu'il y a, comme pour l'école, une facilité, un service public qui existe, qui est égalitaire, qui est le même pour toutes les communes et qui ne varie pas d'un budget à l'autre. Ça, c'est effectivement l'idéal et je pense qu'on serait nombreux ici à combattre pour ce grand service public au niveau national. Maintenant, c'est un budget très contraint, ça veut dire qu'on est sur des voies étroites. Donc des voies étroites, ça veut dire des priorités. Et en effet, il nous semble que les priorités telles que l'éducation, la jeunesse, la nature en ville, l'écologie sont des priorités qui répondent aussi aux demandes des habitants. Des voies étroites, ça veut dire aussi des points de vigilance. Effectivement, je pense qu'on n'a pas attendu les sorties des uns et des autres ou l'avis de l'opposition pour se dire que oui, des emprunts in fine doivent être provisionnés, il faut penser à des renégociations. Donc évidemment, ce n'est pas une aventure, c'est des points de vigilance comme ça a été dit. Enfin, je voudrais revenir sur la deuxième chose. Effectivement, un budget, ce sont des orientations, c'est une manière de faire, ce n'est pas seulement une équation comptable. Et en effet, ont été abordées plusieurs choses, je reviendrai sur deux. En effet, il nous semble que le débat doit avoir lieu, y compris et surtout dans la majorité. On ne doit pas apprendre en pleine cérémonie que le CMS va être reconstruit ailleurs. On doit en débattre, ici ou avant, en bureau municipal. Et sur le pôle Gallieni, c'est en effet, alors, c'est moi-même qui avais appris incidemment lors d'une réunion avec l'EH, qui était une réunion où l'opposition pouvait être présente avec Est Ensemble Habitat, ce qui est plutôt positif, il me semble, c'est-à-dire qu'il s'agissait de débattre ensemble, là aussi, des contraintes qui pèsent sur Est Ensemble Habitat pour trouver du foncier. Et c'est une mention sur un PowerPoint qui ne nous a d'ailleurs pas été communiqué, qui indiquait Paul Gallieni. C'était une question tout à fait naïve. Et à cette question, il m'a été répondu que je n'avais qu'à regarder le site de la ville. Effectivement, en tant qu'élue, je suis un peu surprise que la solution, ce soit de regarder le site de la ville. Je l'ai fait, bien évidemment, en réunion, en disant, tiens, quelque chose nous a échappé. Bon, ce n'était pas sur le site de la ville, en fait, parce que sans doute le site de la ville avait changé entre-temps. Je ne sais pas si c'est nouveau. Mais en tout cas, un projet d'une telle ampleur, avec des appels à promoteurs, oui, ça nous semble normal que ce soit discuté dans les bureaux municipaux et que ce soit discuté avec voilà, des plans comme on l'a fait d'autres fois. Donc voilà notre message. À la fois, oui, c'est un budget difficile, c'est un budget contraint, mais c'est un budget qui a des priorités. Mais derrière le budget, il y a aussi une manière de faire. Et ce qu'on demande, c'est un travail plus collectif auquel nous serions pleinement associés. Merci. Merci pour ton intervention. C'est effectivement ni plus ni moins ce qu'a eu l'occasion de répondre Cédric à Grégoire de la Gannerie, c'est que j'ai demandé à Cédric de présenter une note d'orientation sur le devenir du CMS. Cette note sera présentée en bureau municipal et l'objectif, c'est d'avoir un travail collectif qui associe les élus à la santé, ceux qui pourront être intéressés, les élus d'opposition, les usagers et les professionnels. Et à ce stade, il faut une démarche. Cédric travaille sur la démarche. Effectivement, il n'a échappé à personne que le site actuel du CMS était vieillissant, pour le moins, qu'il bénéficiait d'un emplacement réservé pour équipement public au PLUI, et que donc il va de soi que l'objectif, c'est de reconstruire, puisqu'il s'agit de permettre une continuité des activités. Et c'est ça qu'il faut affiner, de reconstruire un site, de reconstruire le CMS sur un nouveau site, tout en ayant élaboré auparavant et définit de manière précise les activités, les besoins des professionnels. Voilà, donc une note de cadrage va être présentée dans un prochain bureau municipal et vous aurez tout loisir de débattre, de discuter sur le sujet. Et effectivement, il n'y a rien de secret. La question, moi j'entends qu'on n'a pas dit, on n'a pas présenté de note au bureau municipal sur la consultation EPFIF. C'est dans le bilan, c'est dans le bilan les perspectives de l'EPFIF qu'on a présenté au conseil municipal. Donc voilà, il n'y a rien de secret. La consultation, elle était sur le site de la ville et on en a même parlé en conseil municipal. Mais j'entends ce que tu dis, on peut encore faire des efforts. Après, voilà, on apprend, vous avez appris qu'on travaillait sur le site du CMS dans une vidéo. Tout le monde fait des vidéos, y compris les élus de Bagnolet-en-Commun. Il m'arrive parfois d'apprendre des choses en écoutant attentivement les vidéos confectionnées par Choky Haddad, le grand spécialiste des vidéos. Voilà, donc on aura l'occasion d'en débattre prochainement. Et l'objectif, c'est d'associer le plus grand nombre. Le plus grand nombre, j'insiste là-dessus. Donc j'ai Pierre Vionnet, Vincent Doucissé. Pardon. Pierre Vionnet, allez-y. Si tu veux y aller, bien Edith, volontiers. Edith, allez-y, voilà, comme vous voulez. Monsieur Vionnet, patiente et avec le sourire. Bon, j'avais prévu d'intervenir de manière plutôt brève sur ce rapport d'orientation budgétaire, puisque c'est mon premier mandat d'élu et c'est le dernier de la mandature, comme ça a été dit, mais j'ai un petit peu le sentiment répétitif que c'est un petit peu toujours pareil hein, chaque année et de lire un peu le même document. Bon, je vais m'efforcer d'être d'autant plus succinct que j'interviens à une heure tardive, puisque, comme vous l'avez constaté, j'ai attendu sagement que vous ayez pu échanger au sein de la majorité. C'est pas la première fois dans ce conseil municipal qu'on a un petit peu le sentiment, l'opposition, d'être intruse, hein, assister à vos débats. Alors, moi, je dois vous reconnaître un talent, monsieur Di Martino, hein, c'est celui d'être en capacité de raconter de belles histoires. Je m'attendais à le dire sur le sujet financier. C'est ce que j'avais prévu de faire sur le rapport d'orientation budgétaire. Mais vous savez aussi raconter de belles histoires politiques, puisque si je vous ai bien écouté dans votre introduction, vous avez expliqué que tout allait bien dans la majorité, que vous aviez discuté en bureau municipal, que tout le monde était d'accord. Je n'y étais pas. Je n'en sais rien. Mais force est de constater... Si vous voulez, vous savez, on va faire un exercice. Je vous interromps deux secondes. En fait, on peut vous distribuer et la note qui a été présentée en bureau municipal avec la note de cadrage, et on peut même vous présenter la note adressée aux différentes directions à l'issue de cette note de cadrage. Je veux dire, il n'y a pas plus transparent. Pardon. Non, mais force est de constater, là, je ne fais qu'une constatation froide. Je vous ai écouté, j'ai assisté au débat. Je me dis, il y a une petite différence. Et c'est un peu la même chose sur les éléments que vous présentez dans le rapport d'orientation budgétaire, parce que je prendrai que quelques exemples à cette heure tardive. Vous écrivez dans les premières pages un dialogue social renforcé. On a cru comprendre au précédent conseil municipal que le lieu de dialogue entre vous et le principal syndicat représentant du personnel était plutôt le tribunal que des réunions. Donc, mais c'est peut-être une forme, c'est peut-être ce que vous appelez un dialogue social renforcé. C'est le CST, je préside tous les CST. Si je peux me permettre, je n'ai interrompu personne et ça fait déjà la deuxième fois. Et je ne redirai pas ce qu'a pu dire Hamid et sur lequel j'ai eu l'occasion déjà d'intervenir depuis plusieurs fois sur le début de ce mandat en termes de turnover ou d'écho qu'on a du mal-être dans le personnel. De la même façon, comme chaque année, vous dites que vous êtes attaché à un service public de qualité. Bon, je ne reviendrai pas sur les débats, y compris qu'il y a eu entre vous, sur le choix de déléguer les crèches. Donc moi, je veux bien qu'on tienne des propos très généreux qui s'appliquent à l'échelle nationale. Moi, modestement, nous ne sommes que des élus municipaux de Bagnolet. Je veux bien qu'on tienne des propos sur ce qu'il faudrait faire à l'échelle nationale, mais il faut d'abord regarder ce qu'on vote et ce qu'on décide au niveau local. Je ne reviendrai pas non plus sur Sodexo et la cuisine centrale, etc. On en a déjà discuté souvent, mais je note par exemple, parce que j'essaye de vous lire attentivement, que le premier point de ce rapport d'orientation budgétaire sur la qualité du service public parle du cadre de vie. Je pense qu'un certain nombre de bagnoletais considéreraient que c'est un peu indécent de se vanter aujourd'hui de la qualité du cadre de vie dans notre ville, quand on voit la saleté, quand on voit la dégradation de certains espaces publics, de trottoirs qui sont quand même ou très encombrés ou très inhospitaliers pour tous les piétons, et a fortiori ceux qui sont à mobilité réduite, ceux qui sont âgés, ceux qui ont une poussette hein, ou celle. Je pense que là, il y a quand même un bizarre hiatus. De la même façon, vous écrivez, comme chaque année, des investissements tournés vers l'avenir. Bon, moi, je constate quand même que vous allez bientôt finir votre second mandat et que le seul très gros investissement de bâtiment dans une ville dont on connaît tous dans cette assemblée l'état des écoles, l'état des gymnases, le seul gros investissement qui sera réalisé en deux mandats, c'est Pêche d'Or. Et on sait qu'il l'est parce qu'il y a une convention en rue, qui a des financements très importants de l'ANRU, plus, vous l'avez dit vous-même, les financements qui viennent les accompagner de la région, etc. Vous, à chaque rapport d'orientation budgétaire, vous parlez de transition écologique, mais quand on regarde les crédits en face, on aura l'occasion, je ne vais pas être très précis, mais on aura l'occasion d'y revenir dans le cas du budget. Quand on regarde les crédits en face, par exemple, on voit 40 000 euros, ce qui est quand même à peu près rien du tout, pour la végétalisation de l'espace public. Donc il y a très loin des grandes déclarations au réel. Bon, il a été beaucoup évoqué les questions de dette et d'endettement. J'y reviendrai un petit peu à la fin. Mais là aussi, vous parlez de désendettement. Bon, certes, et c'est obligatoire, vous remboursez des prêts qui ont été contractés il y a un certain temps, conformément aux échéanciers de remboursement, mais vous reprenez chaque année de nouveaux prêts. Alors certes, j'entends bien qu'à chaque fois, vous nous dites « Ah ben c'est moins pire qu'avant ». Oui, parce qu'effectivement, je me souviens moi aussi qu'en début de mandat, vous empruntiez plus de 7 millions et que maintenant c'est 3. Donc c'est moins, certes, mais vous empruntez encore énormément chaque année. On a déjà eu l'occasion d'en débattre plein de fois, c'est pour ça que je fais court. Mais à chaque fois, je m'interroge sur ce que finance cet endettement, parce qu'effectivement, il y a en face assez peu d'investissements très significatifs portés directement par la ville. Parce qu'effectivement, il y a, et c'est bien naturel, puisqu'on est dans une métropole, dans une intercommunalité, des investissements qui sont portés par d'autres, pas assez selon moi. Mais heureusement, il y en a. Notre collègue Abdelkrim Karbaoui a longuement évoqué la question de la piscine qui est portée par Est Ensemble. Mais du coup, moi, je m'interroge depuis des années sur la correspondance entre le volume de prêts et le volume d'investissement porté par la ville. Comme vous me l'avez dit en commission, et ce que je sais bien, c'est qu'il n'est plus obligatoire aujourd'hui d'affecter directement un prêt à des investissements. Ça, c'est bon, je le sais, mais malgré tout, la correspondance entre les deux me pose question. Bon, par rapport au constat que je faisais au démarrage, que c'est un peu toujours pareil, je dois apporter une nuance. On sent que cette fois-ci, c'est le ROB et le mois prochain, le budget, à moins d'un an des prochaines municipales. Parce que là, ça se traduit quand même très clairement, puisqu'un certain nombre de choses pas faites, pendant tout le mandat, on a un début de faire semblant qu'on va le faire à moins d'un an des élections. Puisque, vous, si mes souvenirs sont bons, vous étiez engagé sur le principe de 3 écoles nouvelles. Pêche d'Or, Centre-Ville, Langevin. Pêche d'Or. OK, c'est bon, ça. Ça a mis beaucoup de temps, mais elle va être livrée. Le centre-ville, on n'en parle même plus. Et Langevin, on a chaque année, puisque là aussi, je, je, J'ai un peu peur de radoter. Chaque année, on a un petit bout de crédit d'études. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Alors, une année, on m'a dit, c'est de la programmation. Qu'est-ce qu'on a dû étudier, cette pauvre école ? Là, cette fois-ci, il y a un montant un peu plus significatif qui, je pense, correspond à de la consultation de maîtrise d'œuvre. Et donc, on voit bien quel est l'objet. C'est de vous permettre, dans la campagne de municipale, de montrer une image en disant, bon, je n'ai pas fait Langevin, mais regardez... Demain, je le ferai. Sachant que je pense que, de manière opérationnelle, vous ne devez pas être très avancé, puisque je vous ai posé la question en commission du mode opératoire, sur la forme que vous avez. Et vous m'aviez répondu, ce n'est pas encore décidé. Donc, si ce n'est pas encore décidé, je veux bien vous croire, mais ça veut dire que ce n'est pas très avancé. Deuxième point, le plan vélo. Puisque quand même, nous avons ici voté, je crois, de manière unanime, un plan vélo. Et pendant des années, nous n'avons eu que des crédits d'études. Je pense d'ailleurs que vous pourrez probablement gagner un prix, parce que le prix de la seule ville qui, en 10 ans, n'a pas réalisé 1 mètre de piste cyclable nouvelle. Parce que ça, je pense que même... des maires de droite très indifférents à la question écologique en ont quand même fait des petits bouts. Et donc là, pareil, moins d'un an des municipales, alors c'est pas encore monstrueux, hein, c'est 200 000 euros, dont si j'ai bien lu 25 000 d'études, donc c'est pas monstrueux, mais à un an des municipales, il y a enfin un petit peu de sous. Et j'ai noté aussi, j'ai regardé précisément, suite aux questions que j'avais posées en commission, de quoi il s'agissait. C'est du SAS de Carrefour, un Carrefour identifié qui a un dispositif, le cycliste que je suis trouve ça tout à fait utile, c'est du contresens cyclable, mais bon, tout ça, c'est pas des gros investissements, hein, c'est de la peinture pour l'essentiel, c'est un peu d'accroche vélo, donc voilà, pareil, on commence à faire semblant, on verra à la fin de l'exercice budgétaire, de faire un petit quelque chose à un an des municipales. J'ai aussi découvert, parce que ça fait quand même 10 ans que l'ancien hôtel de ville est à l'abandon, hein, et qui se dégrade quand même, que les mariages doivent se dérouler au château de l'Étang, etc. Vous avez, je ne veux pas être trop critique, mais quand même, je ne vais pas employer un mot trop fort, mais vous avez un peu amusé la galerie plusieurs fois, parce que je me souviens, vous avez pris un peu de temps d'habitants pour répondre à un appel à idées, dont, sauf erreur de ma part, il n'y a eu aucune restitution dans cette enceinte, et dont il n'a été rien fait. Et là... pareil, à moins d'un an des municipales, je découvre que vous allez travailler à un fonds de dotation pour restaurer l'hôtel de ville. Bon, vous allez me dire, mieux vaut tard que jamais. Cela dit, le fonds de dotation, c'est pour ceux qui nous écoutent, hein, c'est de faire appel à des fonds privés, hein, pour aider à faire. Ce dispositif de fonds de dotation, il existe depuis très longtemps. D'ailleurs, des communes voisines, je crois que Montreuil a, par exemple, depuis un temps certain, un fonds de dotation. Donc ce n'est pas une nouveauté récente dont vous vous empareriez, mais bizarrement, l'idée vous en vient à moins d'un an des municipales. Et puis enfin, sur la question de la dette, qui a été beaucoup évoquée, alors je veux pas redire des choses que mon collègue Sébastien a dit au début, que Jean-Claude a redit ensuite, que Hamid a réévoqué. C'est vous qui avait en 2015 décidé de ces 3 emprunts in fine. Ce n'est pas un héritage de votre prédécesseur. C'est votre décision. Vous l'avez dit vous-même tout à l'heure, fait auprès d'une banque étrangère parce qu'aucune Française ne voulait. Bon, je vous donne acte, on le savait tous. Une banque étrangère qui n'est pas n'importe laquelle, parce qu'il y a des banques allemandes très sérieuses, mais on sait que la Deutsche Bank est une banque qui a eu... qui a toujours un certain nombre de grosses difficultés. Donc je pense que c'était un peu la rencontre d'une mairie aux abois et d'une banque aux abois. Je ne suis pas sûr que ça produise de très bonnes choses. Mais du coup, effectivement, et nous étant dans l'opposition et ayant été candidats jusqu'au bout contre vous, on le dit depuis un certain nombre d'années, je pense que dès 2016... vous auriez dû commencer à provisionner. Je me souviens, moi je n'étais pas élu à cette époque-là, mais que nous avons évoqué cette question depuis 2020, et comme je vous donne également crédit, M. Di Martino, d'avoir une fort bonne mémoire jusqu'à présent, j'espère que la mienne ne défaille pas trop, je me souviens que vous m'avez répondu des choses qui m'avaient beaucoup étonné, que vous ne pouviez pas parce que les services des finances publiques ne voulaient pas, ce qui me semble très étonnant, parce que qu'un fonctionnaire du ministère des Finances, dont on peut partager ou pas partager un certain nombre de choses, mais normalement il est payé, hein, il est payé pour incarner la rigueur et la prudence financière, qu'un fonctionnaire du ministère des Finances empêche une ville de provisionner pour répondre à un prêt, ça m'a toujours semblé très surprenant. Je vois qu'aujourd'hui, visiblement, à moins d'un an des municipales, c'est devenu possible. Bon. Donc je vois bien qu'il y a quand même quelques nouveautés dans ce rapport d'orientation budgétaire. Ensuite, sur les points de contenu, je passe vite parce qu'on y reviendra dans le cadre du budget. Je vous donne crédit qu'on a un contexte général qui est très incertain et puis que notamment on a eu sous le gouvernement Barnier quand même une foire à n'importe quoi en matière de finances des collectivités. Bon, malgré tout, et on est tous, je pense, collectivement inquiets des baisses de dotation de l'État, etc. Heureusement, à ce jour, et c'est ce qui apparaît d'ailleurs dans vos documents, il y a quelques nouvelles qui sont plutôt favorables, puisque ce n'est pas la première année, mais la dotation globale de fonctionnement, donc qui est la dotation que l'État donne à toutes les communes, augmente. La dotation de solidarité urbaine, qui est celle qui donne à qui est donnée, attribuée aux communes qui ont des quartiers en politique de la ville, pour faire court, augmente aussi, et que effectivement l'augmentation des bases fait que vos prévisions, si je vous ai bien lu, de recettes d'impôts sont de 2 millions supérieures à ce qu'elles étaient au budget 2024. Donc malgré cela, vous avez décidé d'une trajectoire à moins 5% des dépenses, bon, des dépenses de fonctionnement. Donc pour que tout le monde nous comprenne bien, à Bagnolet, l'essentiel des dépenses de fonctionnement, c'est le personnel. Donc réduction, donc je ne sais pas exactement comment vous le ventilez, mais en tout cas, cette réduction porte essentiellement sur le personnel. Alors vous dites qu'il y a des secteurs sanctuarisés. Alors, nonobstant mon attention, je m'y suis un peu perdu, parce que entre ce qui est écrit dans le document que j'avais noté sur mon petit papier, ce que vous avez dit dans votre présentation, ce que vous avez ensuite lu de votre lettre de cadrage, ce que votre premier adjoint avait dit ensuite... Alors, il y avait des secteurs qui se baladaient. La santé, par exemple, n'était ni dans le texte, mais elle est réapparue, si je vous ai bien écouté, elle est réapparue dans le débat, etc. Bon, de toute façon, entre nous, je pense que ça n'a pas grande importance. Non, je peux vous interrompre une seconde. On a rajouté la culture à la demande de Merlin Georges à l'issue de la conférence budgétaire, compte tenu des mesures de rétorsion prises par le gouvernement en la matière. Mais justement, pardon, J'allais dire que ça n'a peut-être pas énormément d'importance, parce que je pense que c'est plutôt de l'affichage que du réel. Parce que, par exemple, sur le sujet de la culture, pour ne pas être trop long, j'en aurais pas nécessairement parlé ce soir, mais comme vous me tendez une énorme perche, on est quand même dans une ville dont un de ses marqueurs est une politique culturelle extrêmement forte, qui a été notamment très fortement portée par les municipalités communistes, et que c'est un marqueur extrêmement important. Cette politique culturelle, elle est quand même aujourd'hui réduite à peau de chagrin. On a voté au dernier conseil municipal des subventions. Votre adjointe à la culture a la qualité de présenter cela avec beaucoup d'entrain, et on lui en sait gré, mais cet entrain cache quand même la misère. Parce qu'effectivement, il y a une très forte réduction de l'ambition culturelle. On a heureusement encore un certain nombre de subventions aux structures associatives, les trois théâtres, les rencontres chorégraphiques, etc., qui sont des piliers historiques de la politique culturelle de la ville, mais quand même, l'ambition historique et le marqueur de politique culturelle dans cette ville, c'est malheureusement bien restreint, et c'est pas un mot dans le texte du ROB en disant que c'était sanctuarisé qui va changer ce réel. En matière de ressources humaines, on en reparlera sans doute plus tard, parce que ce que j'ai lu est encore, pour certaines choses, un peu flou. Bon, vous avez, et on en a parlé en commission, je crois que c'est la première fois que c'est exprimé, vous avez exprimé des choses sur la lutte contre l'absentéisme. Et effectivement, moi, j'entends régulièrement beaucoup d'adjoints communaux, beaucoup d'agents communaux, et y compris des agents communaux syndicalement engagés, qui disent « on souffre énormément ». Du fait qu'un certain nombre de gens qui doivent faire fonctionner les services avec nous ne viennent pas et qu'il y a un problème d'absentéisme. Donc ça, je note que vous dites que vous allez prendre des mesures, mais nous attendrons les éléments. Il y a quand même des éléments chiffrés, moi, qui me posent des questions. Quand je vois qu'on a, sauf erreur de ma part, 382 000 euros d'heures supplémentaires, je me dis c'est quand même beaucoup, parce que qui a des montants d'heures supplémentaires ? C'est normal. Il peut y en avoir dans toutes les communes parce qu'il y a des événements exceptionnels en soirée, en week-end, etc., qui peuvent parfaitement justifier ça. Bon, je note un chiffre qui est quand même très, très conséquent de 382 000 euros. Sur l'investissement, j'y reviens pas parce que tout le monde en a un peu parlé. Donc c'est un peu comme d'habitude. C'est pour l'essentiel pêche d'or ou de l'accompagnement de projets portés par d'autres collectivités, notamment Est Ensemble, hein, le dojo qui est intégré dans ce projet global, le grand chemin dont nous avons déjà parlé à un conseil récent. J'avais aussi, bon, je ne reviens pas sur ce que j'ai dit au début sur Langevin, sur briqueterie, vous avez eu au sein de votre majorité un long échange devant nous. Bon, factuellement, moi, je ne vais pas à cette heure-là. Comment c'est vrai. Factuellement, je ne vais pas à cette heure-là rentrer dans ce débat, mais ce que l'on peut constater, c'est que par rapport aux dates qui ont été affichées à plusieurs reprises, hein, je les avais ressorties régulièrement, on voit bien qu'on a aujourd'hui un collège qui s'est énormément décalé dans le temps, oui. Et que pendant ce temps, il y a des collégiens et des enseignants et des personnels qui sont dans un bâtiment du collège travail qui du coup se dégrade quand même. Enfin, sur je vais être très court sur la question de la dette, puisque tout le monde a été très prolixe, mais on voit bien qu'on a là quand même un sujet de fond sur ces prêts in fine, c'est qu'on a devant nous trois murs successifs de remboursement en trois fois une fois, de ces prêts atypiques, qu'effectivement, ça a été dit par d'autres, vous commencez à quelques mois des municipales de provisionner pour la première fois, mais cette provision ne correspond qu'au premier prêt. J'ai fait moi aussi quelques additions, et je pense qu'elles étaient convergentes, sur la charge qui va être. Et aujourd'hui, même avec vos rapports d'orientation budgétaire toujours un peu optimistes, on voit bien que la ville n'est pas en capacité, dans l'état de ses finances, de supporter des remboursements d'une telle ampleur. Et pour conclure, moi, c'est ça qui me préoccupe, c'est que on a besoin, je pense, pour les années qui viennent, d'une stratégie financière qui permette d'assurer en vrai un service public ambitieux et de faire des investissements pour l'avenir, que ce qui est fait depuis 10 ans n'est pas à la hauteur des enjeux, et que là, ce qui doit être fait dans les années qui viennent va être rendu extrêmement difficile par ce mur des prêts in fine de la Deutsche Bank. Je vous remercie. Alors, quelques éléments. D'abord, si vous considérez que réaliser l'ANRU 1, c'est ne rien faire, je vous laisse à votre appréciation. Mais lorsque j'ai été élu, on m'expliquait en 2014 qu'on n'aurait pas la capacité de porter l'ANRU 1. On l'a porté. On a accessoirement livré une nouvelle crèche à Topoletti, reconstruit un centre socio-culturel. effectivement, c'est passé sur un mandat, mais voilà ce qu'on a fait. On a porté l'ANRU 1. Après, vous pouvez dire que on fait peu d'investissements. Ce qu'on a toujours dit depuis 2020, c'est que la livraison de Pêche d'Or était la première échelle de la fusée, en fait, que Pêche d'Or allait conditionner les autres écoles. Et je vous renvoie au débat d'orientation budgétaire, aux interventions de mon ancien premier adjoint, aux documents budgétaires qui ont été présentés. Ça a toujours été dit. Vous dites, alors, on n'investit pas. En même temps, vous dites, oui, mais le dojo, il y a une maîtrise d'ouvrage, est-ce ensemble ? Oui, effectivement, mais en même temps, le dojo, pardon, c'est nous qu'on paye un peu. Donc c'est un peu nous qui sortons le dojo. La piscine aussi, le City Stade aussi, sur le stade des Malassis, la piste d'athlétisme aussi. Vous voyez, Pêche d'Or, à un moment donné, on nous a dit qu'on n'y arriverait jamais. On a quand même réussi et ça a été difficile, ça a été compliqué. Ça va sortir. Je rappelle quand même qu'il y a deux entreprises qui ont fait faillite. Donc, si vous voulez, à un moment donné... Ce n'est pas nous qui avons choisi la procédure de dévolution de ce marché. C'est le jury. Il y a eu un jury de concours qui a choisi. Ce n'est pas Di Martino tout seul dans son bureau qui a choisi ces entreprises. Il y a eu un jury de concours. Ensuite, vous dites, on n'investit pas assez. Si j'en avais écouté certains, c'est sûr qu'on ne mettrait pas cette année 350 000 euros à Oléron, comme on a mis l'année d'avant et encore l'année d'avant. Oléron l'aurait vendu, comme on aurait vendu Isère. Vous voyez, après, ce sont des choix politiques. Donc, si on en avait écouté certains, on n'aurait pas gardé la cuisine centrale. 310 000 euros cette année au budget. Vous pouvez considérer que ce n'est pas assez, mais 310 000 euros au budget primitif 2025 pour la cuisine centrale, ce n'est pas rien. Vous dites qu'effectivement, on a confié la restauration à Sodexo. En fait, on ne va pas refaire le débat sur Sodexo. Sodexo est un prestataire, il fournit les denrées. On est rentré dans un autre dispositif, table commune, qui est un regroupement de collectivités locales, de villes, va nous fournir à la prochaine rentrée. Le partenariat avec Table Commune représente un coût supplémentaire pour la ville de Bagnolet. Donc tout ça, c'est une réalité. Après, vous dites, vous ne faites pas grand-chose, vous faites bien quand les autres font. Mais effectivement, le grand chemin, vous pouvez considérer qu'on ne met pas assez de crédit sur la nature en ville, mais le grand chemin, on met 210 000 euros. Mettre 210 000 euros dans le cadre du développement du grand chemin. On met 400 000 euros pour la débitumisation de la cour d'école Ferry. Tout ça, ce n'est pas des crédits qui n'existent pas. Ensuite, vous me dites, M. Chahir, tout à l'heure, me disait, on va vers une augmentation des dépenses de personnel en période préélectorale, sous-entendant que, en gros, on va faire un peu de clientélisme. Vous me dites l'inverse. Vous me dites, la marge de manœuvre, en fait, c'est vous allez diminuer les dépenses de personnel. Mettez-vous d'accord. Soit je les augmente, soit je les baisse. En fait, si vous voulez, à un moment donné... Il y a des choses qui s'appellent le GVT. Vous êtes agent public. Vous savez très bien qu'il y a des évolutions logiques. Il y a un dispositif de déprécarisation des agents qui est mis en œuvre, qui va être poursuivi cette année. Et il y a un coût supplémentaire pour les tickets restaurants. J'hallucine quand on m'explique que c'est pas bien les tickets restaurants. En fait, les agents de la ville qui n'en bénéficient pas me demandent de trouver la solution pour en bénéficier. Donc on cherche la solution. Juridiquement valable. Donc on cherche la solution pour permettre aux agents, notamment aux agents en journée continue, de bénéficier de ces tickets restaurants. Donc en fait, c'est tout ce que j'entends parfois est un peu paradoxal. Enfin, la Deutsche Bank, effectivement, la Deutsche Bank, vous l'avez dit vous-même et vous avez l'honnêteté de le reconnaître. En fait, nul ne conteste aujourd'hui. Et le débat, Cédric a raison, on l'a eu avec Philippe Renaudin au cours du précédent mandat. Aucune banque française ne voulait prêter à la ville de Bagnolet la convention de financement avec la Caisse des dépôts pour porter le PRU1. On a réussi à la signer en 2017. Voilà, ça, ce sont les faits. Après, effectivement, si on avait pu souscrire d'autres emprunts, on aurait souscrit d'autres emprunts, mais je vous renvoie au débat qu'on a eu au Conseil municipal à l'époque, au cours du précédent mandat, avec l'élu chargé des finances. Voilà, je vous renvoie à ce débat-là. C'est un fait. Et dire que j'ai dit qu'un fonctionnaire de l'État ne souhaitait pas inscrire de provision, j'ai jamais dit ça. J'ai dit que l'État, les services de l'État, ne trouvaient pas la bonne imputation budgétaire. Et donc, c'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Avec, et on a dit, mais je ne comprends pas, Monsieur Darmanin, qui a souscrit des emprunts in fine à Tourcoing, arrive à trouver la bonne imputation budgétaire. Tel conseil départemental qui a souscrit des emprunts in fine trouve la bonne imputation budgétaire. Pourquoi nous, on ne la trouverait pas ? Donc, ils ont fini par nous autoriser. Et parce que, y compris l'État, l'État se rend bien compte qu'il faut bien qu'on provisionne. Mais oui, c'est ça la réalité. Vous avez mis 9 ans à trouver l'imputation budgétaire. Non, c'est pas moi qui ai dit, c'est qu'à un moment donné, les services de l'État, et lorsque vous croiserez mon ancien premier adjoint, vous pourrez lui poser la question, à un moment donné, les services de l'État ont été dans la capacité totale de nous dire où imputer cette provision. Voilà, donc... Ça arrive tardivement. C'est vrai, c'est un fait. Je ne vais pas vous dire le contraire, mais ce n'est pas parce qu'on est dans la dernière année de mandat qu'on provisionne. On provisionne parce qu'on a fait des efforts, parce qu'on a emprunté 8 millions en 2021 et que chaque année, on emprunte moins. Voilà, tout simplement. Et les marges de manœuvre, elles sont là. Et on ne peut pas me reprocher d'essayer de serrer un peu là où on peut serrer sur le fonctionnement et de me dire vous n'avez pas de stratégie financière. Oui, on a une stratégie financière. Et effectivement, dans toute collectivité, où est-ce qu'on trouve des marges de manœuvre pour éviter d'endetter, pour désendetter et pour investir? Eh bien, on le trouve en fonctionnement. C'est le B.A.B.A. des finances publiques. Il n'y a pas d'autre choix. Là, on y arrive. Ça met du temps. Et les projets d'investissement mettent du temps. Ils mettent du temps. C'est un long travail qu'on a engagé sur la reconstruction de la piscine par Est Ensemble. C'est un long boulot qui a été engagé. Donc voilà, donc ça arrive et on arrive au bout. Et tant mieux. Donc j'avais Vassindou Cissé. Si je peux me permettre, allez-y. Quand même, comme vous m'avez directement répondu, et je vais être très court, juste une petite chose, parce que ça fait, vous le faites assez régulièrement, vous le faites assez régulièrement dans les débats, et ce n'est pas la première fois que vous évoquez ceux qui voudraient renoncer à la cuisine centrale, à Yzeure, à Oléron. Voilà. Non, mais je redis que jamais l'opposition, et au contraire, on a souvent rappelé ici notre attachement à la cuisine municipale. Absolument. On a été les seuls à monter au créneau contre le choix Sodexo. Je me souviens, là aussi, comme c'est enregistré, on peut aller contrôler l'intervention que j'avais fait là et qui était assez précis sur ce sujet-là. On a toujours dit qu'on était attaché à cette tradition et qui d'ailleurs est quand même moins vivace qu'autrefois des centres de loisirs de la ville, etc. Donc voilà, Et oui, mais dont acte. Mais autorisez-moi à relever qu'un certain nombre d'élus m'ont proposé de vendre ces centres de vacances. Je n'ai pas dit vous ne l'avez pas fait. Dont acte. Mais à un moment donné, puisque les débats, forcément, n'ont pas lieu toujours dans les instances de la majorité, etc., à un moment donné, on est obligé de les rendre publics. Donc, des élus m'ont proposé de vendre ces bijoux de famille, comme on les appelait à une époque, on ne l'a pas fait. Voilà. Alors après, ça a un coût. Là, on s'occupe d'Oléron et à un moment donné, il va bien falloir s'occuper 10 heures. Oui. Mais on le fait par étapes. Parce que, honnêtement, on ne peut pas faire les deux en même temps. Voilà. Donc, toujours sur les éléments que vous avez évoqués, vous avez dit, vous avez employé l'expression de fusée pour Pêche d'Or. Bon, mais comme la fusée, elle a quand même pris un peu de retard, effectivement, du coup, vous aviez aussi pris des engagements sur plusieurs écoles, etc. On ne peut que constater qu'ils sont factuel, décalés. Et là encore, on peut revenir sur les interventions que j'avais faites il y a un certain temps. C'est vous qui avez choisi, d'ailleurs, je n'ai jamais très bien compris pourquoi, parce que tout à l'heure, vous aviez des échanges sur partenariat public-privé, etc. Ce que je constate quand même, c'est que pour construire une école, quand c'est un bâtiment autonome, il y a un truc en France qui est relativement simple, qui s'appelle la loi MOP, ça veut dire maîtrise d'ouvrage public. Bon, vous avez choisi une autre procédure qui a des inconvénients, la conception-réalisation, où c'est du coup l'entreprise qui a le lead. Vous avez subi du coup deux faillites d'entreprise, etc. Mais là aussi, c'est vous qui avez choisi, cette procédure. Sur quand même, juste un petit mot sur l'ANRU, parce que je, comme vous y êtes revenu, j'y reviens. Moi, je suis un peu moi aussi tombé de ma chaise tout à l'heure en entendant votre premier adjoint évoquer la question de la capsulerie. Parce que moi, c'est un des sujets que je trouve le plus troublant, et j'emploie volontairement un mot faible, et pour ne pas dire scandaleux, c'est quand même la dégradation, voire l'abandon du quartier de la Capsulerie, qui est quand même un endroit qui ne va pas bien, et on le voit tous. La convention en rue, la première signée, était antérieure à votre élection. Il y a eu depuis des avenants. Moi, je veux bien, là aussi, qu'à quelques mois des municipales, on dise « Ah, ça serait super de faire un truc à la capsulerie ». Non, nous, on l'a demandé, l'État a dit non. Mais je l'ai demandé, je l'ai écrit, l'État a dit non, n'y pensez pas. Et du donc coup, là, de quoi on se contente, pardon, entre guillemets, c'est « Est-ce ensemble Habitat va réhabiliter le 17 et le 25 capsulerie et ils vont lancer les procédures cette année ». Mais j'ai demandé à l'ANRU d'intégrer la capsulerie dans son programme. L'ANRU a refusé. Mais du coup, là, par exemple, dont acte, mais je l'apprends ce soir. Et je pense que je ne suis pas le seul. Allez, il y a longtemps. Je ne suis pas le seul. Et du coup, effectivement, il y a eu des moments d'avenant à la convention ANRU. Et je pense qu'aussi, puisque vous avez eu des échanges au sein de votre majorité municipale sur les questions de transparence, je pense que ça, par exemple, ça peut être un sujet où l'opposition et la majorité sont d'accord. Bien sûr. Et du coup, je pense qu'une ville, elle aurait été peut-être plus forte, vous auriez peut-être été plus fort, si vous aviez porté cette position avec, derrière vous, l'ensemble du conseil municipal. Et là, vous me dites, je l'ai demandé, je l'apprends ce soir. Et puis, dernier point, vous avez évoqué table commune, et effectivement, on peut que se féliciter qu'on aille vers... Alors après, il faut voir aussi quelles conditions, quel circuit court, quelle part de bio, quelle saisonnalité des projets. Donc il ne suffit pas de changer d'opérateur. Il y a tous les contenus qui doivent suivre. Mais là aussi, Sodexo, c'est comme les prêts in fine de la Deutsche Bank. Ce n'est pas un héritage. C'est une décision que vous avez prise, vous. Et aujourd'hui, vous dites, ça va coûter, je vous ai écouté attentivement à l'instant, ça va coûter un peu d'argent de passer à table commune. Là aussi, comme Sodexo, c'est pas vraiment une société de bienfaisance. Et ils sont pas réputés dans leurs négociations contractuelles pour être détendre. Je pense qu'il serait intéressant que le conseil municipal sache un peu combien ça va coûter à la collectivité de se sortir du guépier Sodexo dans lequel vous avez mis la ville, c'est factuel, c'est personne d'autre que vous, votre adjoint à l'éducation, à ce moment-là. C'est pas un héritage. Non, mais puisque certains sont très attachés au rapport de la Chambre régionale des comptes, je rappelle que dans le rapport passé de la Chambre régionale des comptes, une des critiques essentielles, c'est que vous avez 24 prestataires hors marché pour la cuisine centrale. Donc, en fait, Sodexo est une centrale, joue le rôle de centrale d'achat. Contrairement à ce qui a été dit ici ou là, Sodexo ne confectionne pas les repas. Sodexo fournit. Voilà. Donc effectivement, on a engagé des discussions avec Table Commune. Table Commune, je vous invite à rencontrer le maire d'Ivry, à rencontrer les dirigeants de Table Commune. À un moment donné, n'était pas prêt à ce type de dispositif. C'est aussi, comme vous le dites, une rencontre. C'est qu'à un moment donné, Table Commune, pour plein d'histoires, pour plein de raisons, a évolué dans ce qu'il propose aux collectivités. Et nous, on a eu ce besoin, on a eu ce souhait. Et c'est deux choses qui se sont rencontrées à un moment donné, tout simplement. Mais là aussi, parce qu'on a déjà eu ce débat, vous m'avez déjà dit la même chose. Mais moi, comme je l'ai dit la dernière fois, j'ai le plus grand respect pour les magistrats de la Chambre régionale des comptes. Mais ce qu'on attend d'un maire et d'une équipe municipale, c'est une politique. Et là, pour le coup, j'ai beau respecter les magistrats de la Chambre régionale des comptes, je pense que cette préconisation est une préconisation qui, d'un strict point de vue comptable, peut s'entendre, mais est une proposition qui est absurde Monsieur en Vianney, qualité va, de l'alimentation. Et d'ailleurs, au moment où vous faisiez le choix d'un prestataire unique, un certain nombre de villes, notamment des villes écologistes, à Lyon, à Tours, etc., faisaient au contraire le choix de multiplier les fournisseurs pour avoir des produits locaux, des produits de saison, etc., etc. Donc ce débat... J'entends ce que vous dites sur la Chambre régionale des comptes. Je vous renvoie juste à vos écrits du BIC en 2020 dans le cadre de la campagne des municipales. Ce que vous écriviez à l'époque sur ce que pense la Cour régionale des comptes de la gestion de la ville ne correspond pas à ce que vous disiez, à ce que vous dites. Et effectivement, on peut considérer que les élus font de la politique et la Cour des comptes fait des comptes. Mais je vous renvoie très sincèrement, sans esprit de polémique, à ce que vous écriviez en 2020 dans votre acte. Avons-nous écrit qu'il fallait suivre la Chambre régionale des comptes sur la restauration? Monsieur Vionnet, ce que vous me renvoyez aux écrits, avons-nous écrit ça un seul moment? Monsieur Vionnet, je suis ravi d'entendre ce que vous me dites sur le personnel communal. Je vous renvoie à ce qui avait été écrit dans un tract où il était écrit que selon la Chambre régionale des comptes, il y avait 80 ETP de trop dans la nature à la ville de Bagnolet. Et ça, c'était écrit dans votre acte. Pardon, c'est écrit, c'est factuel. Ressortez le texte précis. Ressortez-le, mais moi je l'ai. J'ai Edith Félix, c'était bon. J'ai Édouard de Noël, Yalana Dino, Vassindou, désolé. Et Solène, c'est Solène avant, pardon. Il y avait Solène. Monsieur Stalens, c'est Solène. Un mot, une question, allez-y. Plaisir. C'est sur un point comptable, justement, on va pas polémiquer ou faire de la politique. J'aimerais savoir à quoi correspondent les 410 000 euros d'investissement pour la boucherie Berton. Mais écoutez, vous m'avez reproché pendant longtemps de délaisser le commerce, n'est-ce pas? Oui. Non, mais donc, décomposez-moi l'investissement, parce que je connais le prix d'achat de la boutique. Si vous avez une question, acceptez une réponse. Allez-y. Donc, avec l'aide de la métropole, nous avons acheté la boucherie anciennement Monsieur Huard. Nous avons acheté également le local qui est aujourd'hui un salon de coiffure. Donc, avec l'aide de la métropole à l'achat. Donc, nous sommes propriétaires des deux locaux. Nous avons trouvé un boucher qui souhaite s'installer. Il est dans le 20e arrondissement de Paris, place Édith Piaf. Et les 410 000 euros de travaux, c'est les travaux qui vont nous permettre de réunir les deux locaux pour avoir une boucherie traditionnelle en centre-ville, comme de nombreux habitants me le réclament et comme vous me l'avez réclamé un certain nombre de fois. Oui, enfin, juste une question à ce moment-là. 15 mètres carrés pour faire une boucherie, ça me paraît très, très peu. Deux locaux. Non. Il y a le local coiffeur. Il y a les deux locaux, on les réunit. Non, le local coiffeur, il est sous couvert d'un bail commercial. La ville est propriétaire. Le locataire a signé un bail commercial, le bail 369 qui a été signé par l'ancien propriétaire fin décembre 2021 a été dénoncé par la ville et l'occupant des lieux, qui est aujourd'hui un occupant sans droit ni titre, a été mis en demeure de libérer les lieux. Et nous allons... Si, je vous assure. Une seconde. Un bail commercial, c'est extrêmement compliqué à casser et à annuler. L'a pas cassé, c'est un bail 369. On arrive à la fin de la période de 3 ans, fin décembre 21, fin décembre 24. Je suis désolé, un bail commercial ne se dénonce pas pour un bailleur sur une période triennale, mais une période des 9 ans. Donc un bailleur ne peut pas dénoncer un bail sur une période de 3 ans. C'est légal. Il y a une réétude qui est proposée, qui est faite, mais la vraie fin et la vraie échéance finale, peut-être, pour un locataire, c'est au bout de 9 ans. Un bail commercial est bien plus rigoureux et bien plus strict qu'un bail d'habitation. On verra. Alors, nous verrons. Je vous assure que sinon, on a acheté, on est juste bailleur. La ville a investi 200 000 euros pour devenir bailleur. On est bailleur d'un coiffeur, d'un barbeur. Non. Un barbier. Non, mais c'est vrai. On investit 200 000 euros pour être propriétaire d'un bar. Alors, écoutez, on en reparle quand la boucherie ouvrira. D'accord. Reparlons-en. On est le 13 mars. Quand je vois les budgets... On en reparlera. Moi, oui, je vous dis que nos juristes ont travaillé, on a dénoncé. Il y a un occupant sans droit ni titre qui, en plus, ne paye pas le loyer à la ville. En plus. Voilà, tout simplement. Donc, on va réunir les deux locaux. Donc, j'ai, Edith Félix. Solène. Donc, en fait, tout le monde se rajoute. Donc, j'ai Solène, Edith Félix, Yalana... T'as Vincent-Doux, tout le monde passe devant toi. Ah, mais tu veux passer Vincent-Doux ? Et après, c'est très. Alors, bon. Oui. Vas-y, Solène, vas-y. C'est très rapide, en fait. Je voudrais juste rebondir sur le centre municipal de santé dont on vient de fêter les 50 ans. Je rappelle, bon, tout le monde le sait, qu'il s'agit d'un héritage communiste. Et nous avons à cœur à l'accès à la santé pour tous. C'est un équipement indispensable à la vie de beaucoup de Bagnoletais. Et nous sommes donc certes des élus de l'opposition, mais en fait, nous demanderions à participer à un groupe de travail qui irait dans le sens de l'amélioration du service public de santé. Voilà. Bah, ce sera le cas. Ce sera le cas. Le but, c'est d'associer le plus grand nombre. Edith Félix, Yalana, Vincent-Doux. Oui, dans la liste, avant, j'étais après Vincent-Doux. Donc, si Vincent-Doux veut s'exprimer, ça me paraît normal. Vincent-Doux. Edith Félix, Vincent-Doux te laisse l'honneur. Non, mais je serai très, très courte. J'interviens rapidement au sujet de la demande exprimée par Anne, exprimée ensuite par Pierre Vionnet, de davantage de travail collectif et de transparence sur les projets d'urbanisme. Je fais partie du groupe de la majorité municipale qui intervient le plus en bureau municipal, en commission. Voilà, donc on va devoir en arriver à retranscrire ces... ces groupes de travail, comme on le fait du conseil municipal. Voilà. Donc en BM, j'avais récemment interrogé Monsieur Pape sur le devenir des deux secteurs de part et d'autre de l'avenue Gallieni, et il n'avait jamais été question des projets dont on a fait mention. Donc Cédric nous fait régulièrement des satisfaitistes sur sa méthodologie, mais voilà, je pense que ce besoin, ce manque de travail collectif est réel. Il est exprimé par l'ensemble de mes collègues. Non, mais en fait. Moi, je veux bien, Edith, mais je rappelle deux choses. Il y a eu un concours de promoteurs lancé, ça figure dans le bilan de l'EPI. On a parlé en conseil municipal sur la parcelle dite Top Info. Toi, tu as questionné à plusieurs reprises sur quid des aménagements autour de la porte de Bagnolet, autour de Gallieni. Le conseil de territoire d'Est-Ensemble a validé, Est-Ensemble a validé une étude préopérationnelle confiée à Sequano pour la constitution d'une opération d'aménagement, potentiellement une ZAC, sur tous les secteurs. République, Gallieni. En fait, il n'y a rien de caché. Il n'y a rien de caché. Et voilà. Donc, c'est exactement ça. En fait, oui, je me lance des fleurs parce que j'en aurais pas forcément de toi. Mais ce qui est certain, c'est que. On peut faire beaucoup de procès, mais sur l'urbanisme, parce que effectivement, on a été échaudé par Marc Everbeck à l'époque, hein, qui, pour le coup, faisait des choses à l'encontre de la population. Depuis 2014, donc ça fait maintenant un certain temps, et à l'époque, tu n'étais pas élu, il y a vraiment une méthodologie qui est déployée. C'est oui. Pas du violon. Hein. Enfin, non, c'est pas du violon. En fait, moi, je veux bien que tu fasses des mimiques en plein conseil municipal. La méthodologie, elle est simple. C'est travail avec les services par l'élu. C'était pareil au précédent mandat. Présentation lorsqu'un projet est un peu abouti, un peu avancé en bureau municipal. Présentation à la population. Et tout ça, avant le dépôt d'un permis de construire. Je veux dire, on ne peut pas faire plus transparent. Et on a été tellement plus transparent que... Et vous écoutez ce qu'on vous dit quand je pose des questions, je n'ai pas de réponse. Donc je ne sais pas, je parle quelle langue ? Non mais d'abord, reste calme. Pardon ? Et tu vois, moi si j'avais fait du violon sur une de tes prises de parole, je suis à peu près sûr que tu m'aurais repris de façon violente pour dire que j'étais sexiste. J'en suis pratiquement sûr. Toi, tu te permets des choses, là en plein conseil municipal, et j'espère que c'était filmé, enfin faire du violon comme ça, je ne sais même pas à qui tu fais du violon d'ailleurs, mais... accepte le débat, c'est-à-dire que tu poses des questions Et tu veux même pas entendre la réponse. Alors, dans mon intervention, je dis que tu fais des satisfecit. Et qu'est-ce que c'est ça? Mais ok. Yalana Dino, pardon. Yalana Dino et ensuite Vincent Doucissé. Je ne parle pas très souvent, mais je veux rebondir sur le budget et remercier David pour le maintien de la subvention d'un montant d'€1,350 million au service de CCAS qui permet le bon fonctionnement public, et je maintiens de dire le mot public, à savoir des services aux personnes âgées et fragiles, aide à domicile, service des soins infirmiers à domicile, le fonctionnement de la résidence La Butte en Pinsan, ainsi que le centre culturel Paul Coudert. Et puis, merci de continuer d'avoir une politique solidaire vis-à-vis de nos aînés et des personnes les plus fragiles. Merci. Merci à Vassindou. Enfin. Merci. Mesdames et messieurs, chers collègues, m'exprimant au nom des citoyens indépendants, le conseil municipal de ce soir revêt pour nous une importance particulière dans notre vie démocratique locale, car nous débattons de l'orientation budgétaire de notre ville. Au-delà des chiffres, parce qu'il y en a qui connaissent beaucoup les chiffres, le budget il exprime d'abord, avant tout, un projet politique global et une ambition collective. Notre objectif politique, c'est le droit pour les Bagnoletais de vivre dans une ville où l'on se parle, où l'on se respecte, où la protection de l'environnement et le respect du cadre de vie sont une réalité. Nous voulons que Bagnolet continue d'être une ville fraternelle, protectrice, écologique et solidaire aux côtés des Bagnoletaises et des Bagnoletais. Par ces temps où l'argent public se fait rare et où l'État délaisse de plus en plus les collectivités, les orientations budgétaires retenues découlent de ce contexte national et de nos choix politiques qui se traduisent notamment par une reprise de l'investissement et développement du patrimoine qui vont permettre de garantir le dynamisme de notre ville et d'accompagner l'offre des services publics à la population afin d'anticiper au mieux l'évolution des besoins. En outre, l'enveloppe budgétaire allouée aux associations reste sanctuarisée. Je voudrais terminer mon propos en saluant l'engagement sans relâche de la direction générale et des services qui a permis d'élaborer un budget à la hauteur des enjeux, notamment par recherche systématique de cofinancement et une gestion plus rigoureuse de la masse salariale et des budgets des services. Merci de votre attention. Alors, je n'ai pas forcément la liste parce que je n'étais pas forcément très attentif. Mais bon, vous m'en voulez pas, Merlan ? Vas-y, Merlan. Merci. Je vais être très rapide puisqu'en plus, M. Vionnet vient de rentrer comme il m'a tendu la perche. On fait un peu une silly going comme ça, on s'envoie l'ascenseur. L'année dernière, lors du vote du budget, j'ai introduit mon discours en citant M. Rio, donc élu meilleur maire de France. Donc quand vous rappelez le passé de politique culturelle communiste menée sur cette commune, c'est là-dedans que j'ai souhaité m'inscrire. Vous n'êtes pas sans savoir que, au vu des difficultés budgétaires et des coupes de l'État, de nombreuses collectivités font le choix de couper les budgets de la culture. Donc, effectivement, nous ne sommes plus au niveau de l'investissement culturel d'une fois, il était un temps, mais néanmoins, c'est quand même un peu plus d'un demi-million d'euros, non pas un million d'euros comme pourraient le dire certains, mais un demi-million d'euros déjà, sanctuarisés pour la culture. Et ça, c'est un marqueur, la politique culturelle est un marqueur de gauche. Et effectivement, quand je demande la sanctuarisation du budget de la culture et la reconduction du budget sans avoir les 5% du réalisé, nous nous inscrivons dans une politique de gauche et je remercie Monsieur le maire et l'administration d'avoir travaillé à ce budget et de maintenir ce niveau d'investissement pour la culture sur la ville pour les Bagnoletaises et les Bagnoletais. J'en ai fini, je vous remercie. On a fait le tour, il n'y a pas d'autres interventions. Donc je vous propose de prendre acte de la tenue de ce débat d'orientation budgétaire. Pour voter, donc il faut voter, on prend acte de la présentation et de cette discussion. Fixation de la durée d'amortissement des immobilisations M57, est-ce que ça appelle des remarques? Pas de remarques? M57? Non? Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé. Accord cadre d'entretien et d'élagage d'arbres, Cédric. Oui, alors pour faire simple, c'est une délibération classique liée à la commande publique sur le sujet des entretiens et délagages d'arbres. La ville a lancé une procédure de passation d'un accord cadre d'une durée d'un an reconductible 3. La CAO s'est réunie hier soir pour analyser les offres et a voté à l'unanimité des élus présents pour retenir le prestataire arrivé numéro 1, SMDA-SA. Il y a une note qui est remise sur table, je crois. Voilà. Ce que ça appelle des remarques, Monsieur Stalens, allez-y. Oui, c'est un sujet auquel je suis très attentif, puisqu'il est quand même éminemment important pour le cadre de vie de nos concitoyens et de nos concitoyennes. Je voudrais rappeler quand même les inconvénients de ce que représente un élagage en milieu urbain. On a quand même une perte de biodiversité, excusez-moi, une diminution de l'absorption du CO2, une augmentation des îlots de chaleur, un affaiblissement des arbres et une moindre absorption des eaux de pluie. Nous avons aussi une dégradation du paysage urbain, bien entendu, une augmentation des nuisances sonores, une réduction de la qualité de l'air, un coût accru d'entretien, c'est ce qui nous arrive, c'est ce qui nous réunit ce soir autour de cette délibération, et un risque accru de chute de branches. Donc on augmente les risques de mise en sécurité et un impact sur la santé publique. Comme il n'existe pas dans cette présentation et dans le cahier des charges la façon dont les entreprises vont devoir intervenir, on nous propose simplement une enveloppe globale de 200 000 euros sans avoir de précision sur la nature et sur la façon dont les entreprises vont travailler. Donc est-ce qu'il est possible d'obtenir de votre part, est-ce que c'est des interventions pour des mises en sécurité exclusivement, ou alors est-ce qu'on fait de la taille de confort sur certains arbres dans cette ville? On communiquera les éléments, ça est déjà. C'est au cas par cas. C'est au cas par cas. C'est sur les budgets, c'est un budget global. Il n'y a pas de politique générale. C'est-à-dire que je n'ai pas lu dans la proposition une ambition de, à part respecter la taille des arbres. Voilà. C'était respecter le volume des arbres. D'accord, mais M. Stalens, en fait, c'était une commission pour attribuer un marché. Ce n'était pas une délibération pour développer une politique sur la ville. Et M. Stalens, sincèrement, venez à la commission. C'était vous hier soir. Oui, oui. Bon, bah alors, sincèrement, depuis tout à l'heure, on débat sur le fait qu'il y a des commissions. Bon, je ne vais pas faire trop long, il est déjà tard. On va revenir vers vous avec ces réponses-là. Mais c'est du cas par cas, parce qu'il s'agit là juste d'une commande publique et non pas d'une délibération politique. Et la prochaine fois, venez, mais vous avez démissionné pour laisser votre place. Donc j'espère que votre successeur sera plus présent. La commande publique est un outil d'une politique et ça s'exprime, comme on l'a dit tout à l'heure, sur la restauration et ça peut s'exprimer aussi dans la manière dont on s'occupe des arbres. Et on a aussi prévu un audit arboricole. Mais on vous communiquera le cahier des charges. Passez aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé. Délibération suivante. Accord 4 de fourniture de produits d'entretien pour la ville de Bagnolet. Cédric. Donc c'est le même principe que la précédente délibération. Cette fois, ça concerne le choix d'un prestataire pour la fourniture de produits d'entretien par la ville. Il y a trois lots, brosserie et consommables, lessive, essuyage et vaisselle jetable. La CAO s'est réunie le 5 février 2025 et a voté à l'unanimité des élus présents l'attribution du lot 1 et 2 à Sanogia et le lot 3 à Delezy Cargo. Est-ce qu'il y a des remarques, Monsieur Stalens? Oui, ça va être des remarques concernant le choix du prestataire, puisque j'ai lu le détail de justement des appels d'offres et des réponses faites et données par les sociétés concernées. On n'a pas choisi la plus écologique. On a choisi, non, les produits proposés par la société que vous avez sélectionnée sont à 73%. Et alors qu'une société qui était en deuxième position, avec un tarif on ne peut plus proche, proposait, elle, 95% de produits considérés comme éco-responsables. Pourquoi ce choix ? Alors, sincèrement, je vais être très honnête, je ne me souviens pas de la commission d'appel d'offres qui s'est réunie le 5 février. Je viens de me renseigner auprès des services. Vous deviez être là, vous n'étiez pas présent. Donc, encore une fois, les débats, ils ont quand même des instances où c'est quand même bien de venir, parce que vos questions sont légitimes, mais il faut les poser au bon moment. Et là, je suis sec, parce que si vous voulez, vous ne venez pas au bon moment. Et là, vous, sincèrement, on ne vient pas avec tout le dossier. Et je rappelle aussi qu'à ce moment-là, certes, vous ne venez pas, donc vous nous confiez cette confiance de voter à votre place, enfin de choisir à votre place, parce que vous y avez votre droit. Et à l'unanimité des élus, cette entreprise a été retenue. Donc, si vous voulez, c'était un consensus total. Maintenant, vous dire pourquoi les élus, à ce moment-là, ont fait ce choix-là, sincèrement, je ne m'en souviens pas. En tout cas, ce qui est certain, si je peux me permettre, c'est que effectivement, les choses se décident un peu en commission. En tout cas, elles se préparent en commission, mais elles se décident en conseil municipal. Et je pense qu'il est important pour la commission, en fait, des appels d'offres. La commission des appels d'offres sur le choix des attributions est souveraine. Et je vous l'ai déjà expliqué, M. Oui, je tiens simplement à informer les gens qui ne sont peut-être pas présents, comme moi je ne l'ai pas été, alors que j'aurais dû l'être. Mais on prend encore une fois, c'est une décision non pas économique, c'est une décision politique. On avait le choix entre deux entreprises. Bah, venez à la commission la prochaine fois. Mais comme vous avez démissionné, je pense que vous avez fait un très bon choix. Mais vous faites toujours la même réponse. Systématiquement. Non, mais aujourd'hui, nous sommes 39 conseillers municipaux. Présents aux commissions, nous sommes 6. Donc il y a 33 conseillers municipaux qui vont voter à l'aveugle aujourd'hui en se disant bah, c'est pas très grave, moi je suis pas à la commission, je vais faire comme les autres, je lève le bras, je vote pour. Non, aujourd'hui, on se doit d'être informé. Vous avez sélectionné une entreprise qui propose. Nous avons, parce que c'est l'ensemble des conseillers municipaux à l'unanimité, et vous avez été absent. Si vous étiez là, vous auriez porté ce débat politique. Vous ne supportez pas qu'on vous coupe la parole. Mais par contre, il y a une chose que je ne supporte pas. Vous ne le supportez pas. C'est votre mauvaise foi. Alors, venez en commission. Monsieur Pape, déjà. Au-delà de la commission, monsieur Pape, pourquoi avoir sélectionné une entreprise qui propose 73% de produits éco-responsables, alors qu'une entreprise à un tarif tout à fait similaire, mais vraiment on était à quelques euros près, proposait, elle, 95% de produits considérés comme éco-responsables. Pourquoi ce choix a été fait ? Venez en commission. Pour les 33 conseillers municipaux qui n'ont pas eu le droit ou l'occasion d'être présents à cette commission. Alors, moi, si je peux intervenir. Alors, on a bien compris votre réponse, Monsieur Pape, que Monsieur Stalin n'était pas à la commission. Dont acte. Moi, je n'étais pas encore conseiller municipal. Je n'étais pas encore nommé pour être au CAO. Donc, la question de Monsieur Stalin me semble assez légitime. Pourquoi avoir pris un produit qui est le moins écologique pour les enfants que Et ça, c'est son interprétation. C'est une question qu'on vous pose. Mais merci, j'avais compris que c'était une question qu'on posait. Je n'ai pas besoin de vous pour m'en rendre compte. Le rapport de vos services me dit qu'ils remplissent tous les labels. Voilà, Édouard de Noël. Ouais, peut-être un élément de précision. En fait, quand on fait un marché public, c'est qu'on on met des entreprises en concurrence. Et donc, il y a un travail assez rébarbatif à faire, qui est de faire une sorte de cahier des charges de la consultation. Et ensuite, l'analyse des offres est faite par l'administration. Un classement est fait et finalement la CAO demande juste d'entériner le classement, éventuellement de poser un certain nombre de questions. Et je pense que l'idée, je pense qu'il pourrait peut-être nous réunir, alors à l'époque j'en ai parlé à Olivier Taravella, mais il a mis les voiles depuis, c'est peut-être d'inverser le travail que devrait faire cette commission. Alors on ne peut pas avoir une commission qui se met à rédiger tous les cahiers des clauses, mais peut-être que Vous le voyez là, en l'occurrence, vous avez des normes qui sont respectées. Pourquoi pas réunir les élus, c'est ce que je lui avais proposé, en amont, en début de mandat, et de travailler sur les clauses sociales, les clauses environnementales, etc., qui pourraient être intégrées dans la commande publique. Et je pense que ce serait un travail d'amélioration sensible. On ne l'a pas fait. Il faudrait le faire. Je l'ai recherché. J'imaginais que ce travail existait. Et donc, ce que je vous propose, c'était juste pour l'avenir. Alors, le précédent adjoint à la commande publique avait dit pourquoi pas. Bon, ça ne s'est pas fait. Je pense que c'est un travail à mener collectivement pour améliorer la commande publique dans la commune. Oui, moi, juste deux petites choses. Bon, déjà, pour relativiser l'importance de l'opposition dans la commission d'appel d'offres, hein, c'est un siège sur six. Hein. Donc, de toute manière, l'opposition est bien minoritaire en commission d'appel d'offres. Sur le point qui vient d'être évoqué, moi, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure. C'est-à-dire que je pense que la commande publique, c'est un outil, il y a des règles à respecter, mais il exprime aussi une ligne politique. Et je pense que, justement, dans la bifurcation écologique qu'un certain nombre de collectivités travaillent, la commande publique, elle est un peu centrale. Elle est centrale sur les fournitures d'alimentation, elle est centrale sur les matériaux qu'on utilise dans les espaces publics ou dans les constructions. Et donc, c'est pas juste, comme l'a dit le premier adjoint en présentant, bon, c'est un truc technique, voilà, il y a eu, on a décidé. Je pense, d'ailleurs, on nous avait un peu dit la même chose à l'époque de Sodexo, hein. Je pense que les consultations doivent se baser sur une sorte de philosophie politique qui se traduit dans la commande publique et qui traduit les priorités politiques. Et ça, des services de commande publique, j'ai un ami qui assume ses fonctions à Grenoble, des services savent parfaitement traduire ça une fois que les élus ont dessiné ces orientations politiques. Cédric. Non, on a tout dit. Et sans polémiquer, moi, qu'une commission, ça sert à travailler. Je serais content que M. Barjot soit présent. Et lors de ces débats-là, qu'on choisisse la meilleure entreprise pour l'avenir de Bagnolet, que ce soit d'un point de vue financier ou d'un point de vue écologique, ça me va tout à fait. Encore faut-il, au risque de vous crisper, être présent au bon moment. Mais c'est tellement peu important ma présence à cette commission par rapport aux conséquences que les Bagnoletais et les Bagnoletaises vont avoir sur cette décision. Attendez, c'est quand même, les produits d'entretien sont quand même utilisés dans les toilettes des écoles. Nos enfants vont aller au contact de produits qui sont pour au moins 27% pas éco-responsables. C'est la question que je me pose, dans le sens où on avait le choix pour un prix tout à fait similaire. Et en plus, j'ai regardé justement le cahier des charges qui n'en est pas un. Hein, c'est une élaboration pour les entreprises. Le critère environnemental dans le cadre de produits d'entretien arrive en quatrième position. On a le prix, la gestion, la livraison, l'organisation, après l'écologie. Alors qu'on sait que c'est quand même un sujet qui est éminemment touchy, les produits, les solvants. On va condamner nos enfants pendant plusieurs mois à être exposés, comme nos agents d'ailleurs. Les agents de la ville utilisent ces produits. Ce sont les premiers à être impactés par des produits de mauvaise qualité. Émilie Trigo. Oui, désolée, parce que je n'avais absolument pas l'intention d'intervenir sur ce sujet-là, mais enfin, sincèrement, M. Stalens, vous nous donnez le bâton. C'est-à-dire que là, on entend M. Vionnet qui nous dit que 1 sur 6, ça ne vaut pas le coup de venir quand on est un sixième d'une commission, mais qu'en même temps, la commande publique, elle est centrale. Mais parlez du fond, Madame Trigo. Je n'ai pas ouvert la bouche depuis que je suis arrivée, M. Stalens. Donc si ça ne vous dérange pas trop, au risque de devoir dire que vous êtes légèrement sexiste, vous aussi, je vais aller au bout de mon propos. Oui, c'est drôle, hein, c'est agaçant hein, quand on dit ça. Bah, comme ça, vous saurez ce que ça fait comme effet. Donc, juste, puisque vous avez raison, c'est terriblement important. Eh bien, allez-y en commission, refaites pas le débat ici en essayant de faire croire que quand on est nommé dans des commissions, ça ne sert à rien, parce que si on est 6 sur 39, il faut refaire les débats ici. À un moment donné, soyez juste un peu crédible, un peu responsable et un peu respectueux des électeurs et du conseil municipal. Ce que vous faites là, sincèrement, c'est ridicule et c'est de la perte de temps. Puisque c'est si important, il fallait aller en commission. Écoutez, merci. L'entreprise retenue remplit tous les labels environnementaux. Voilà, donc si. Donc on n'a pas condamné nos enfants. Soyez pas non plus alarmistes et menteurs. Quand même, cette histoire de l'aparté pour ceux qui nous regardent, les élus de l'opposition, contrairement à ceux de la majorité, ne sont pas indemnisés. Oui. Je pense qu'on ne peut pas nous reprocher un absentéisme en commission. Moi, je sais qu'en ce qui me concerne, les deux commissions dont je suis membre, je crois, peut-être que si on allait vérifier une fois, j'ai peut-être eu, j'en sais rien, je m'en souviens pas, un impératif, mais je pense que vous reconnaîtrez que j'y suis toujours, que ça soit en commission 1, en commission 2, j'en ai peut-être pas manqué une depuis le début du mandat. Et effectivement, il y a une commission dans toutes celles dont on est membre, où pour des questions d'organisation, il se trouve que c'était compliqué pour le collègue qui nous y représentait, et on en est parfaitement conscient, puisqu'on vous a proposé un changement, et que ça soit Denis Barjot comme titulaire et Anne Lorgui comme suppléante qui y soit désormais. Donc, si vous voulez, on peut reprocher une absence en commission, ça, ok, mais nous reprocher de manière récurrente la seule commission où il y a eu des problèmes de présence, c'est un peu une facilité pour ne pas parler du fond. Non, je crois que vous n'avez pas compris, mais vous faites exprès parce que je pense que vous avez l'intelligence pour avoir compris. On ne vous fait pas le reproche de ne pas y avoir été, cette commission-là. On vous fait le reproche de refaire le débat maintenant, alors que ça n'est pas le lieu. Bon, en tous les cas... Et où le lieu, Madame Trigo ? En commission. Ah, il n'y a pas que là, je crois pas, non. Elle est souveraine. Bon, je propose de passer aux voix. Qui est pour cette délibération ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Elle est approuvée. Délibération 13, convention de financement pour la réalisation des missions d'approfondissement préopérationnel dans le cadre du projet partenarial d'aménagement de la porte de Bagnolet-Gallieni. Donc, et on a la délibération 14 qui concerne le même objet. Et sur la délibération 13, on a une erreur matérielle qui est liée aux modalités de calcul des quotes-parts de chacun des partenaires a nécessité le dépôt sur table d'une délibération rectifiée. Il y a une confusion entre les modalités de calcul entre les coûts hors-taxe et TTC. Cédric. Oui, merci, Monsieur le maire. Donc, les deux prochaines délibérations sont liées et concernent le grand projet de réaménagement urbain de la porte de Bagnolet. Pardon, et on remercie Mohamed Jenan d'avoir alerté mon cabinet sur le sujet, puisque c'est lui qui s'est rendu compte de la coquille. Vas-y, Cédric. De la porte de Bagnolet-Gallieni dans le cadre du PPA, projet partenarial d'aménagement, qui lie notre commune à l'État, à la métropole Grand Paris, à Paris et à Est Ensemble. Concrètement, pour ceux qui nous écoutent, nous parlons des études concernant l'enfouissement de l'échangeur, tant souhaité par les habitants de Bagnolet comme de Paris. Ce projet avance bien. Pour rappel, il a été initié par Monsieur le maire à la fin du précédent mandat. Le cabinet ZCCS a ensuite mené une première étude d'évaluation et a rendu ses conclusions en 2022. La ville de Paris a pris le relais en 2023 en effectuant une étude d'impact santé. Enfin, et comme vous le savez parce qu'on l'a voté lors d'un précédent conseil municipal, un PPA a été contractualisé en juillet 2024 sous le pilotage de la métropole Grand Paris. Comme vous pouvez le constater, nous posons petit à petit les briques pour construire ce beau projet. La requalification de ce site est essentiellement abordée sous le prisme de la santé. Malheureusement, il existe bel et bien une documentation robuste qui argumente le lien entre cette entité urbaine et notre santé physique et mentale. Cette requalification a aussi pour but de réunir géographiquement la ville de Bagnolet. Bagnolet étant coupée en deux par la 3, donc de réunir Bagnolet Nord et Bagnolet Sud. Cette requalification a aussi pour but de relier notre ville à Paris de façon douce et verte. Chers collègues, il s'agit là de l'élaboration du plus grand projet social et environnemental de ces 15 prochaines années en région parisienne. Il faut mesurer l'investissement de l'État sur ce dossier. Dans ce contexte de restrictions budgétaires dont on a tant parlé en début de séance, les lignes fonds verts, les lignes front friche, les AMI sont malheureusement réduites par l'État. Or, et c'est une très bonne nouvelle, l'État n'est pas revenu sur l'engagement de ce PPA. Aussi, de façon très concrète, la première délibération concerne une convention pour financer les missions d'approfondissement préopérationnelles sur 2 ans, dont les études techniques plus poussées, des études environnementales plus poussées, des diagnostics d'infrastructures et une étude urbaine. Il s'agit d'identifier les meilleurs scénarios, le scénario enfouissement total de l'échangeur, enfouissement partiel de l'échangeur, et pas d'enfouissement de l'échangeur. Le montant est de 3 174 000 euros hors taxes, non pris sur le budget de la ville, puisqu'on parlait tout à l'heure d'orientation budgétaire. Je tiens à souligner le travail extrêmement important des différentes entités qui portent le projet et qui ne demandent pas un centime à la ville de Bagnolet. Et la seconde délibération concerne une convention pour financer des missions de concertation. Vous voyez qu'on fait ça, on essaye en tout cas, dans la plus grande transparence, des missions de communication et des missions d'urbanisme de transition. Pour un montant total de 380 000 euros hors taxes, encore une fois, non pris sur le budget de la ville et avec l'aide de l'État. Voilà pour les deux délibérations. Avez-vous des questions, chers collègues ? Monsieur Vionnet. Oui, juste pour dire que je interviendrai de manière globale sur les deux délibérations qui traitent du même sujet. Nous avons déjà, comme vous l'avez rappelé, eu l'occasion de délibérer en conseil municipal sur ce sujet. Nous avons voté pour. Et là, ce sont deux délibérations, quelque part, d'application, et nous voterons, bien évidemment, pour, puisque, effectivement, le réaménagement de la porte de Bagnolet, je ne vais pas redire des choses qu'on partage tous, est un impératif absolu. C'est malheureusement une des dernières portes de Paris qui est encore dans son état routier, avec en plus ce qu'on a déjà dit à plusieurs reprises, la conjugaison d'une autoroute du périphérique et donc de nuisances sanitaires qui sont absolues, et qu'on voit bien que beaucoup d'autres portes, de la porte Maillot à la porte des Lilas toute proche, sont aujourd'hui réaménagées, et qu'il est grand temps que ça soit le cas de la porte de Bagnolet. Moi, si j'avais un seul regret, et ça a fait écho à des débats qu'on a déjà eus antérieurement, c'est que j'ai un peu le sentiment qu'il y a eu un peu de temps perdu, parce que certes, vous avez rappelé les étapes récentes, mais il y a déjà une quinzaine d'années, dans le cadre d'un partenariat entre l'Agence d'urbanisme de Paris et la ville, il y avait eu des études qui montraient, y compris, un certain nombre de solutions progressives possibles, parce que moi, malheureusement, parce que j'aimerais bien qu'il y ait un magicien qui puisse surgir et faire disparaître l'autoroute et que 1000 arbres surgissent par miracle. Mais malheureusement, c'est un secteur très compliqué avec des contraintes extrêmement fortes. Donc les choses ne se feront pas d'un coup de baguette magique. Et donc, y compris, il faudra sans doute des éléments progressifs, déjà peut-être supprimer un certain nombre de bretelles ou des choses comme ça. Donc les choses sont complexes. Et moi, je regrette, et j'ai eu l'occasion de le dire, vous me l'avez reproché en ce conseil, mais je l'assume, que l'étude précédente qui avait été faite tenait un peu de la magie, hein, parce qu'on voyait des belles images avec des petits arbres partout. Mais donc là, je ne vais pas répéter ce qu'on a déjà dit à un conseil précédent. À partir du moment où là, on enclenche les études sérieuse avec des opérateurs comme la SPL métropolitaine, Paris Métropole Aménagement, etc., qui a déjà manipulé des sujets complexes comme ceux-là sur Clichy-Batignolles, sur la porte de la Chapelle. À partir du moment où on passe, malheureusement peut-être un petit peu tard, mais bon, mieux vaut tard que jamais, où on passe à cette stade-là, nous votons pour, sans aucune forme d'hésitation, comme nous l'avons déjà fait la dernière fois. Par contre, je me permets, parce que j'avais prévu de le faire et je ne pensais pas qu'à l'occasion du rapport d'orientation budgétaire, il y aurait des interventions là-dessus. Moi, je pense qu'évidemment, il y a un sujet central sur la porte de Bagnolet, mais qu'il y a tout un secteur de faubourgs et d'intérêts partagés entre Bagnolet, Montreuil et Paris, où la coopération métropolitaine devrait s'exercer à plein. C'est tout le secteur, en fait, entre les deux portes, la porte de Montreuil, où des décisions ont été prises récemment à Paris, la porte de Bagnolet, et où il y a notamment le secteur de l'avenue Gallieni, de l'avenue de la République. Et moi, j'avoue que je suis quand même très étonné d'une chose, y compris parce que vous dites on est très transparent. Moi, je sais que je récupère plutôt les informations par mon milieu professionnel qui me dit « t'as vu qu'il y a une consultation lancée par Sequano, etc. etc. » Donc je vois, et vous avez ici même évoqué, M. Di Martino, l'hypothèse d'une ZAC, etc., pourquoi pas? Par contre, ce qui me surprend beaucoup, c'est que, alors qu'on est sur un secteur qui est extrêmement stratégique pour l'avenir de Bagnolet, mais je pense qu'il intéresse un peu aussi les Parisiens du 20e, les Montreuillois, Et alors qu'effectivement, il y a besoin d'une vision d'ensemble, moi, j'ai l'impression de coûts qui partent les uns après les autres. Donc, on a vu surgir, je vois que vous faites des signes de tête négatifs, mais enfin, là, je n'exprime pas une opinion, j'exprime ce que n'importe quel bagnoletais peut voir en se promenant. On a vu surgir un immeuble de Novaxia, le gros objet blanc qui, je ne sais pas s'il est encore totalement vide, mais en tout cas, l'est largement. On a ensuite, je ne vais pas revenir sur ce débat, et, juste à côté, un projet qui était quand même une abomination complète avec un centre logistique sur des étages, des camions induits, etc. J'ai appris que vous aviez annoncé à un conseil de quartier récent que ce projet capotait. Ce n'est pas un plaisir particulier à voir les projets capoter, mais pour le coup, celui-là, je pense que c'est une très bonne nouvelle pour notre ville qu'il ne se fasse pas. En passant dans la rue, j'ai vu sur un bâtiment qui m'a l'air avoir la perspective qui est affichée énorme, j'ai vu qu'à peu près en face, il y a des panneaux posés par un promoteur, d'ailleurs je ne sais plus lequel, j'avoue que je n'ai pas mémorisé, mais j'ai vu qu'apparemment, il y a un énorme projet... qui va se développer là. Un petit peu plus haut, sur l'avenue de la République, il y a le projet de FH qui a déjà fait l'objet de débats avec les riverains ici même. Il y a ce qui a été évoqué tout à l'heure, la consultation qui se lance sur Top Info. Il y a le marché de la ferraille aussi. Donc je vois bien que sur ce secteur, je ne dis pas qu'il faut rester les bras croisés et rien faire, mais il y a un gros enjeu d'avenir. Et on a le sentiment que, claque, au gré de je ne sais quelle rencontre avec les promoteurs, au gré de je ne sais quelle opportunité, il y a des coûts qui partent dans tous les coins. Et je me dis, si jamais il y a une ZAC de créer un jour, elle va servir à quoi ? À compter les coûts déjà réalisés. Et je pense que là, vu l'enjeu, et qu'il y a un enjeu très fort pour Bagnolet, mais qui est aussi, je pense, un enjeu pour nos voisins, parce qu'on est dans un... On est dans un vrai territoire partagé avec Montreuil, avec le 20e arrondissement. Il y a une échelle de réflexion que je ne vois pas dans cette succession de coups. Bon, alors, je tiens à vous rassurer, il y a une réflexion. Je pense que vous en doutez. Donc oui, effectivement, je vous confirme qu'il y a une étude aujourd'hui pour... monter la ZAC sur ce territoire-là, et qui est une étude qui est menée par la Sequano. Donc vous l'avez dit vous-même, donc je ne fais que reprendre vos propos. Et effectivement, je pense que c'est une bonne chose. On a attendu les crédits, notamment de la part d'Est Ensemble, parce que c'est de leur compétence. Donc c'est un sujet qui était sur la table depuis 2020. C'est arrivé un peu tard, je peux être d'accord avec vous, mais toujours est-il que c'est plutôt une bonne nouvelle. Et je pense que tout le monde sera ravi qu'effectivement, comme vous le dites, ça soit totalement maîtrisé, parce que pour le coup, on partage tout à fait votre opinion. Il faut maîtriser cet endroit-là, qui est une terre de convoitise pour énormément de promoteurs. Et aujourd'hui, moi, ça me permet, en tant qu'adjoint à l'urbanisme, parce que j'avais encore des demandes aujourd'hui de rendez-vous pour des promoteurs à un certain endroit de cette zone. Et j'ai eu trois demandes de trois promoteurs différents cette semaine. Et ça me permet de dire, non, tout est gelé, parce qu'il y a une étude ZAC, et on va attendre le retour de cette étude avant de recevoir les promoteurs. Donc, on vous rejoint totalement. Non, mais je me permets de sourire, parce que vous me répondez très gentiment, mais c'est un peu comme tout à l'heure. À chaque fois, aux questions posées, il y a une réponse, tout va bien, mais... Là, vous me dites, c'est super, je peux dire non. Je pense qu'on est d'accord que c'est une bonne chose. Sauf que là, ce que vous faites depuis un certain temps, en donnant un certain nombre de permis de construire au coup par coup, c'est pas conforme à ce que vous venez de dire. Non, mais en fait, Monsieur Vionnet, je pense que Cédric vous a dit les choses. On va dire qu'on a mis du temps à convaincre Est Ensemble de la nécessité d'avoir une ZAC sur le secteur. Voilà, donc le sujet s'est débloqué, tant mieux, on est ravis, et on travaille et on avance, et effectivement, à un moment donné, il y a des projets qu'on a laissés partir, parce que comme vous dites, le périmètre d'études, il date de très très longtemps sur le périmètre. Et à un moment donné, on ne peut pas me dire, vous êtes le roi de l'immobilisme, allez voir l'avenue Gallieni, c'est la cata, et de me reprocher d'essayer, à un moment donné, de donner un peu de cohérence. Donc, bien sûr que l'étude que va mener Sequano et la maîtrise d'œuvre prendra en compte les projets qui sortent, prendra en compte la consultation Topafo qui est menée en lien avec l'EPIF et les autres parcelles. Mais à un moment donné, il faut bien que ça bouge sur le secteur. Il faut bien que ça bouge. Et on ne donne pas les PC, M. Vionnet, vous le savez. On les délivre parce que ça respecte le PLUI. Donc il faut... sincèrement, je prêche un convaincu parce que vous le savez déjà, mais c'est simplement... c'est un peu maligné de votre part de faire croire qu'on donne des PC à des promoteurs. Non, le promoteur a des droits et on n'est pas, il est pas, je ne suis pas plus souverain que le promoteur. Hein. Donc si vous voulez, à partir du moment où il respecte le PLUI, il a un droit opposable auprès du préfet, vous le savez très bien. Donc le but du jeu maintenant, et on se rejoint, et je ne peux pas mieux dire, en fait, je suis d'accord avec vous. C'est, voilà, il y a une étude qui est lancée pour justement que ça soit une ZAC et que tout ce périmètre qui intéresse les promoteurs puissent investir à cet endroit-là, mais de façon maîtrisée par la municipalité. Et je pense qu'on est vraiment d'accord. Oui, sauf qu'il y a des projets qui amorcent positivement une dynamique opérationnelle d'un projet futur. Il y en a d'autres qui les empêchent, et c'était le cas d'un certain nombre que j'ai évoqué. Mais bon, donc je pense qu'on peut être d'accord sur des paroles générales, mais... Surtout qu'on parlait quand même de... En fait, si vous voulez, ce qui me dérange, c'est qu'on parlait de l'enfouissement de l'échangeur, qui, moi, me paraît un débat, pour le coup, extrêmement intéressant. Donc là, vous avez l'art et la manière de sortir un peu du sujet. Donc moi, je préférerais qu'on revienne sur le sujet. Voilà, c'est quand même une super nouvelle... d'avoir l'aide de l'État, et ça ne coûte pas un centime à la municipalité, de faire une étude sur l'enfouissement de l'échangeur, parce que effectivement, ça, c'est l'avenir de Bagnolet aussi, et vous voyez que c'est maîtrisé, et vous voyez que c'est transparent, puisque tout est dit en conseil municipal. Et je vous rejoins aussi, parce que ce n'est pas votre idée, c'est plutôt celle du maire, mais par contre, vous rejoignez sur ce sujet-là, c'est qu'effectivement, il faut des actions à court terme, à moyen terme et à long terme. Parce que le long terme, l'enfouissement de l'échangeur, c'est quand même dans bien longtemps. Et les bretelles, et vous avez tout à fait raison, mais on y avait pensé un tout petit peu avant, c'est effectivement de les casser, pour dégager déjà de l'aspect visuel. Et vous me dites que je suis hors sujet. Vos propres collègues de la majorité municipale ont évoqué ce sujet à l'occasion du rapport d'orientation budgétaire. Et je pense quand même que, justement, il est difficile de parler de la porte de Bagnolet, où nous avons dit que nous votons sans hésitation, sans parler aussi de tout ce secteur, parce que là, il y a toute une question de faubourg Paris-Bagnolet-Montreuil qui est posée. Et je pense que vous allez me dire que vous en êtes d'accord, non ? Oui, merci, Monsieur le maire. Avant d'intervenir sur la délibération, je voudrais juste faire une suggestion pour le rapport égalité femmes-hommes de l'année prochaine qui concerne notre conseil municipal. Je suggère qu'on mesure le temps de parole des hommes et le temps de parole des femmes pour encourager les femmes à prendre la parole, parce que là, ce soir, c'est un festival. Puisque j'ai la parole, je la garde, et puisque je suis une femme, donc une bonne élève, je vais parler de la délibération qui est en jeu, et même des délibérations. Je dirais deux choses. Bien sûr, c'est une bonne nouvelle parce que, on le sait, la porte de Bagnolet, le pôle Gallieni, c'est un scandale sanitaire. On avait les chiffres de la pollution de l'air qui, bien sûr, on le sait maintenant, dépasse largement les normes réglementaires et les normes de l'OMS. On a voté très récemment au dernier conseil de la métropole le diagnostic bruit pour la métropole établi par Bruparif, qui calcule un nouvel indicateur qui sont les années, les mois plus souvent, de vie perdue en bonne santé du fait du bruit routier, du bruit des transports en général, ou encore du bruit du transport aérien. Concernant le bruit routier, en moyenne, un habitant de la métropole perd 6,7 mois de vie en bonne santé du fait simplement des nuisances sonores. Évidemment, Porte de Bagnolet, c'est beaucoup plus. Quand on regarde les cartes, on voit que c'est entre 12 et 24 mois d'espérance de vie en bonne santé qui sont perdues. Donc c'est vraiment un scandale sanitaire. Donc effectivement, il faut agir. Ce projet est une réponse. Il y a, puisque c'est un projet de long terme, donc à court terme, il y a bien sûr d'autres réponses à travailler. Par exemple, la réduction de la vitesse maximale sur le périphérique à 50 km a donné des résultats supérieurs aux prévisions. On a travaillé aussi à Est Ensemble sur une harmonisation à la baisse de la vitesse sur les autoroutes, surtout les autoroutes qui sont en cœur de ville, bien évidemment. Concernant plus spécifiquement les études préalables à ce réaménagement qui font l'objet des deux délibérations, effectivement, c'est une bonne nouvelle que ce soit un projet métropolitain, puisqu'effectivement, il concerne l'ensemble de la métropole. Et je dirais trois choses qui sont des points de vigilance que nous mettons dans le débat. Le premier point de vigilance, c'est vraiment que trois scénarios crédibles, enfin trois, je dis trois, plusieurs scénarios crédibles soient étudiés. Effectivement, dans la délibération, il est indiqué que l'enfouissement total est privilégié. C'est un scénario limite. Il faut voir, compte tenu des coûts financiers, des coûts écologiques et des contraintes techniques, il faut évidemment étudier d'autres scénarios d'enfouissement partiel, de démantèlement. Voilà, il faut n'être fermé à rien, sachant que dans les trois scénarios qui avaient été présentés, un scénario était relativement fantaisiste puisqu'il s'agissait de ne rien changer. Effectivement, c'est un scénario repoussoir qui n'est pas celui qui doit être étudié. Deuxième chose, il faudrait inclure, ça c'est pas, c'est au fil de la discussion avec l'État, il faudrait quand même réussir à inclure les études de circulation et de trafic, puisque l'État actuellement ne veut des études qu'à circulation identique ou croissante. Or, il y a quand même un enjeu de réduction de la circulation, puisque là, on est en cœur de métropole. Et enfin, comme ça a été dit, on peut anticiper, hein, avec ce qui a été dit en démantelant déjà en partie, et les études vont dans ce sens, mais en débétonnant cette zone, en commençant à la reconquérir, à la rendre tout simplement plus humaine et plus praticable pour les cyclistes, les piétons et tous les modes de circulation doux. Donc ceci peut être fait avant même le résultat des études et nous nous y emploierons, que ce soit à Bagnolet, à Est Ensemble ou à la métropole du Grand Paris. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Edith Félix et... non, pardon. Oui, c'est simplement pour renchérir sur ce que disait Anne sur l'intérêt que effectivement la ville a à... activer le plaidoyer initié par Est Ensemble sur l'apaisement de l'autoroute A3. Je vais vous donner, vous le savez, monsieur le maire, une raison supplémentaire de travailler à ce plaidoyer. C'est que Île-de-France Mobilité souhaite supprimer le trajet du bus 221 entre la porte de Gallieni et Rosny-Bois-Perrier sur le motif que le prolongement de la ligne 11 fait réduire le nombre d'usagers sur cette portion et aussi que Île-de-France Mobilité ne veut plus prendre le risque d'avoir un bus urbain où les personnes sont debout sur une portion d'autoroute. Voilà, donc c'est l'argument qui est donné. Je pense qu'au contraire, il faut transformer l'autoroute pour que les bus urbains puissent y passer de façon rapide et desservent les territoires que l'autoroute traverse et induit des nuisances sur ce territoire-là. Voilà, donc c'est simplement le partage de cette information supplémentaire. Est-ce qu'il y a d'autres interventions ? Je propose de passer aux voix donc, sur la délibération 13, qui est pour... Qui est contre, qui s'abstient, c'est approuvé. Délibération 14, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, c'est approuvé. La dernière délibération, délibération importante, bien qu'elle arrive à la fin au bout de plusieurs heures de débat, c'est l'adhésion de la ville de Bagnolet à l'association des élus locaux contre le sida. Grégoire de la Gannerie. Oui, merci monsieur le maire, on a fait une délibération importante. Le sida progresse en France, plus 15% depuis 2015. La prévalence du sida a augmenté de 15% en France depuis 2015. Et il faut continuer à agir contre ce virus. La ville de Bagnolet se mobilise depuis de nombreuses années sur ce sujet. Et j'ai appris aux 50 ans, du CMS de nombreuses choses, mais aussi que le CMS avait été pionnier dans la lutte contre le sida, avec notamment une file active de patients, de plus de 2000 patients qui étaient accueillis au sein du centre municipal de santé au tout début de l'épidémie. Et il faut être à la hauteur de cette histoire. La ville de Bagnolet s'engage à travers plusieurs actions, des actions notamment pour la réduction des risques pour les usagers de drogue, avec les subventions qui sont versées à l'association PROS qui réalise des maraudes, qui a des partenariats avec les pharmacies, notamment de la ville, pour l'échange de seringues, ou encore d'un partenariat avec le CMS et la MSP François Mitterrand, pour également lutter contre les addictions. On a également deux distributeurs de seringues et on relance notamment le partenariat avec l'association Safe pour entretenir ces distributeurs et les alimenter. Et puis également des actions de prévention, très fortes au sein du centre municipal de santé, hein, qui n'est pas qu'un mur, mais il s'y passe des choses à l'intérieur et c'est extrêmement important de le rappeler. Et notamment donc ces actions de prévention à travers des consultations, les consultations de prescription de la PrEP, qui est un médicament qui permet de prévenir notamment et de réduire les risques de contamination, également des consultations pour le dépistage rapide à travers des TROD. Et puis également, il y a le centre de planning familial et d'éducation à la santé sexuelle qui réalise de nombreuses actions de prévention, à la fois des consultations gratuites au sein du CMS, des consultations très larges, hein, on a parlé du droit des femmes, il y a les consultations bien sûr sur l'IVG, mais également de nombreuses autres consultations, et notamment sur les maladies sexuellement transmissibles, et puis également des interventions au sein des collèges qui se déroulent actuellement, et des lycées aussi. C'était à Saint-Benoît de l'Europe cette semaine, par exemple, pour sensibiliser contre les maladies sexuellement transmissibles. Et donc, par cette délibération, nous adhérons à l'association des élus locaux contre le sida, et pour pouvoir démultiplier ces actions et pouvoir nous appuyer sur la force de frappe de cette association pour encore et toujours lutter contre le sida. Je vous remercie. Merci. Est-ce qu'il y a des remarques, des interventions ? Je propose de passer aux voix. Qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, c'est approuvé. Je vous remercie. Rendez-vous le 3 avril.